27 avril de l'année 2023. Donc, bonjour, ici David au micro. Je suis présentement en compagnie de Berthold que vous pouvez percevoir à l'écran. Donc, bonsoir, Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. En fait, aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec toi en particulier, c'est par rapport aux perceptions qui peuvent être faites en lien avec le processus de la fusion. Et d'ailleurs, le titre pour cet enregistrement, j'ai envie de l'intituler ainsi, Fusionner et ou schizophrène surdoué en état de transe cognitive. Donc, tout dépendant de la façon qu'on va appréhender le phénomène, ce que certains vont appeler le phénomène d'unification de l'individu, du moi empirique avec le soi transcendantal, de l'âme avec l'esprit qui s'allie. Il y a plusieurs façons de nommer ça. Eh bien, d'une perspective post-matérialiste, si on pense à des gens, entre autres, comme Mario Beauregard, qui est un chercheur dans le domaine des neurosciences, le phénomène peut être appréhendé avec une vision au-delà de la matière. Ou des gens comme, par exemple, Jean-Jacques Charbonnier, qui a développé le concept de conscience intuitive extraneuronale. Donc, c'est un médecin de profession qui s'occupait de réanimation auprès des gens. Et bon, il aborde, c'est sûr, les phénomènes de mort imminente et d'autres phénomènes en lien avec l'aspect paranormal. Donc, dans le domaine de la science, des dernières années, s'est développé ce qu'on appelle le paradigme post-matérialiste, donc qui vient après une vision purement matérialiste du monde, de la vie, de la réalité. Mais en même temps, le même phénomène d'une perspective plus matérialiste, conventionnelle, qui est présente dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, si on pense à ce qui est véhiculé par le Doc Mayhew, où ce que tout ce qui est associé au monde des esprits, des gens qui disent qu'ils perçoivent des entités, phénomènes extraterrestres ou autres, pour lui, toutes ces choses-là, c'est le fruit d'hallucinations. Et c'est lié à des gens qui vont vivre un état de psychose en relation avec des gens qui sont atteints de schizophrénie. Donc, le même type de phénomène peut être appréhendé d'une façon post-matérialiste particulière, puis matérialiste d'une manière totalement différente. Et pour se démêler par rapport à ça, bien, c'est sûr que je voulais aborder cette thématique-là avec toi aujourd'hui en particulier. Mais juste avant, je voulais faire quelques petites annonces. Tout d'abord, mentionner, eh bien, pour les gens qui nous écoutent, que Issia Perrin, qui effectue des transcriptions là, de tes enregistrements que tu fais au fil du temps, a rendu disponible là, depuis quelques semaines en fait un site web où il figure trois livres de transcription, entre autres dans certains d'entre eux. En fait, les deux premiers, on peut retrouver des extraits des meilleurs moments, des entrevues qu'on a fait ensemble, qu'elle a transcrites. Et il y en a un autre livre là, par rapport à des enregistrements que tu as fait en solo sur ta chaîne web. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de découvrir son site web s'intitulant Diffusion Berthold, le feu de la parole, dont vous allez avoir les coordonnées en bas de cet enregistrement. Et comme à l'habitude, si elle nous écoute, eh bien, je la salue et souligne tout le dévouement qu'elle a fait preuve au cours des derniers mois en réalisant là, de nombreuses transcriptions là, de ton matériel. Et puis en même temps, bien, je salue aussi Didier Mignot, qui s'occupe de la chaîne YouTube Supramental Berthold. Vous pouvez y retrouver plusieurs centaines d'extraits des enregistrements que tu as fait en solo sur ta chaîne YouTube et également avec moi. Donc, il y en a pour de nombreuses heures d'écoute. Sinon, je tiens à mentionner aussi que je rends disponible plus de 750 enregistrements de toi, que ce soit avec moi ou toi en solo, en format MP3, dans mon audiothèque sur le site web d'hébergement, qui est archive.org, dont vous allez retrouver les coordonnées là, en bas de cet enregistrement, en plus naturellement que les coordonnées de ta chaîne YouTube. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de matériel, hein? Je ne sais pas si tu le réalises pleinement, là, mais en quelques années à peine, une grande quantité de matériel qui a été produit là, par rapport à tes activités de communication. Oui, ça en fait beaucoup. Sinon, en terminant, eh bien, je voulais mentionner que s'il y a des gens qui apprécient mes activités de diffusion web, vous êtes toujours les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement que sont Interac et également le PayPal, dont vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement, dans l'optique de m'apporter un soutien financier en lien avec mes activités de diffusion web qui m'ont amené à produire plusieurs centaines d'enregistrements au fil des ans que je rends disponibles au public gratuitement. Donc, j'ai terminé pour mes annonces. Est-ce que de ton côté, tu avais des annonces particulières à faire? Non. Excellent. Donc, on peut enchaîner avec la question qui m'habite, à savoir fusionner. Et ou schizophrène surdoué en état de transe cognitive. Donc, par rapport aux gens qui ont véhiculé la conscience au fil des ans, dont certains se sont, dans le fond, dit comme étant fusionnés. Si je pense entre autres à Bernard de Montréal, qui le dit régulièrement au fil de plusieurs enregistrements, ou des gens comme Daniel Kemp, Marc de la Salle, qui disaient vivre une forme d'unification de leur conscience avec l'esprit. Ce phénomène-là, d'une perspective matérialiste, on va dire des hallucinations, mais d'une perspective post-matérialiste, c'est quelque chose qui est envisageable. Et par rapport à tout ça, et pour apporter les nuances nécessaires, je voulais avoir ta perception là, par rapport à ce type de phénomène et ta perspective. Bon, j'ai pas vraiment. J'ai jamais vraiment regardé ça de ce point de vue-là. De toute façon, par rapport à ce qui arrive, c'est que, par exemple, dans le domaine de la psychiatrie, ben, on est encore lié au paradigme de la neurochimie du cerveau qui vient des années 50, dans le fond. Donc, c'est sûr qu'à mes yeux, c'est un petit peu dépassé, mais bon. C'est encore ça qui fait autorité. Oui, par contre, il y a comme, si on peut dire, des débats qui sont plus présents, dans le sens qu'avec le paradigme post-matérialiste que met de l'avant Mario Beauregard, qui est un scientifique à la base québécois, qui a dû s'exiler aux États-Unis pour poursuivre ses recherches. En matière de neurosciences, et lui, il y a des gens qui ont signé, en fait, c'est un document qui vise l'émergence et la reconnaissance dans le domaine scientifique du paradigme post-matérialiste, en disant que la perspective matérialiste, c'est très réductionniste, c'est très réducteur pour appréhender la réalité et qu'il faut en venir à élargir. Par contre, le point qui peut être fait, c'est qu'en voulant élargir, là, ça peut déboucher dans certains cas sur des croyances, sur de la dérive sectaire. Et d'un côté, il y a le Doc Mayhew qui est très critique envers les sectes, tout ce qui touche au paranormal, avec un souci très pratique. Puis il y en a d'autres qu'on voit sur le web qui se réclament du paradigme post-matérialiste. Puis des fois, on peut se poser la question si ce ne sont pas dans la pensée magique. Donc, tout ça, c'est quand même assez particulier parce que d'un côté, la même personne qui va affirmer vivre un contact avec l'esprit, on va l'interpréter comme étant quelqu'un qui est en contact réel avec une réalité occulte, tandis que d'une autre perspective, non, c'est quelqu'un qui hallucine, si on prend la perspective matérialiste classique qui a été véhiculée dans le domaine de la psychiatrie pendant longtemps. Un peu comme quelqu'un du Doc Mayhew, pour lui, là, il y a pas de vie après la mort, la réincarnation, ça n'existe pas, l'esprit non plus. Tous ces phénomènes-là, pour lui, c'est tout le fruit de pensées de magique, de croyances. Donc, comment départager le vrai du faux, puis... C'est parce que c'est de l'idéologie, tout simplement. C'est sûr que c'est limité, mais comme le docteur Mayhew, bon, ben lui, je veux dire, il y a une formation qui est liée justement à la théorie biochimique qui est arrivée dans les années 50 avec certaines molécules. Donc, bon, c'est normal qu'il soit dans cette idée-là, mais c'est correct. À mes yeux, c'est pas qu'ils se trompent, c'est juste que c'est limité. C'est pareil pour ceux qui, on pourrait dire, qui vont jusque, c'est un petit peu trop, là, sont un petit peu dans de la pensée magique. Ben, c'est une autre forme d'extrême, là. Mais il reste que, c'est parce qu'à chaque fois, c'est limité. Je veux dire, peu importe l'école, c'est toujours limité. Il n'y a pas de vision d'ensemble. Donc, après, juste comme dernièrement, j'ai eu une grippe, puis ça m'a réveillé des mémoires. OK. Puis, il reste que, bon, au niveau, par exemple, de la mémoire cellulaire, si on prend juste les théories comme il y a depuis quelques décennies, bon, ben, par rapport à ça, j'ai vécu des phénomènes que je vois mal comment cette mémoire-là aurait pu s'enregistrer d'une façon. En tout cas, disons que c'est limité ce qu'on nous propose là, mais que ce soit dans une école ou une autre, c'est toujours limité. Mais je veux juste avoir un peu plus de détails par rapport à la mémoire. Peux-tu donner du concret là, par rapport à ça? Ben, j'ai eu une grippe, puis j'avais comme moins d'énergie un peu. Puis bon, là, j'étais un petit peu énervé de ça parce que je savais habituellement quand que j'ai une maladie comme ça veut dire que je vais vivre des phénomènes. Donc, j'étais curieux de voir que ça faisait des années que je n'avais pas été malade. Puis il reste que, après, je suis allé me promener dans une ruelle. Puis j'ai vu par terre, il y avait de la peinture par terre, il y a quelqu'un qui avait peint, il avait repeint quelque chose par terre, puis il restait de la peinture sur l'asphalte. Puis c'était un ton de mauve qu'on voit plus, mais ça m'a ramené à des ambiances de v'là 25 ans, carrément, parce que c'est une couleur que. Mais je le vois pas comme de la mémoire au sens cognitif habituel. C'était vraiment vibratoire parce que tout ce qui m'est revenu d'un coup, c'était lié à une ambiance. Mais l'ambiance associée à la couleur mauve, que tu as une Ouais, association. Ouais. c'est un ton particulier là qu'on voit Mais plus. c'était-tu une association mentale par rapport à un lieu qui était mauve que tu avais fréquenté? Non, non. Non, c'est juste que c'est une couleur qui était à la mode dans ces années-là. Puis ça m'a ramené dans l'ambiance. Mais là, je voyais la différence entre la mémoire puis ce qu'on pourrait appeler le vibratoire, là, parce que ça m'a remis dans un état d'esprit. Mais depuis ces années-là, je veux dire, au niveau cellulaire, je suis complètement quelqu'un de complètement différent. Donc, comment est-ce que l'information a pu s'enregistrer? Parce que c'est des choses que j'avais réellement oubliées. Mais ça m'est revenu tout d'un coup. J'ai passé plusieurs jours comme ça à me remémorer cette époque-là. Mais c'est vraiment lié à ce que moi j'appellerais du vibratoire, dans le sens que, je veux dire, les ambiances, c'est pas formel au sens comme les souvenirs comme on entend habituellement, là. Mais il reste que ça a comme déclenché le retour de ces ambiances-là que j'avais oubliées, puis que je m'étais pas remémoré depuis ce temps-là. Ben, quelqu'un qui va pratiquer la psychanalyse comme le Doc Mayou pourrait dire que c'est produit une libre association entre le stimulus et un élément que tu as mémorisé dans le passé, dans ton inconscient qui a ressurgi. Mais comment est-ce que ça s'est renouvelé au niveau cellulaire pendant des années? Bien, c'est sûr que les composantes matérielles de tes cellules ont changé. Et voilà. Par contre, est-ce que, dans le fond, un peu comme il y a un changement d'un disque dur qui s'opère, ben on peut transférer la même information qui était déjà là? Oui, mais ça n'avait pas été renouvelé au cours des années. Il faut qu'il y ait une cinquième dimension où l'information est enregistrée qui va au-delà du cellulaire comme on l'entend. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle il y a Jean-Jacques Charbonnier qui parle de conscience intuitive extra-neuronale, donc une dimension de la conscience qui est par-delà des neurones. C'est sûr que si, par exemple, l'information est entreposée dans le cerveau physique, en l'occurrence les neurones, puis les neurones sont changés sur le plan moléculaire au fil des ans, bien, à ce moment-là, le support physique, un peu comme le disque dur ou ce que les mémoires de l'ordinateur sont présents, bien, a été changé. Mais pourtant, ce qui me revenait, c'était inaltéré. Puis, c'est des choses dont vraiment que j'avais, c'est de la mémoire que j'avais plus. Mais là, ça a profité peut-être, comment je pourrais dire ça? J'ai eu une petite baisse au niveau de l'énergie. Puis, on dirait que bon, c'est par rapport à ça. Ça a été, ça a déclenché une mémoire que j'avais plus. Mais je la considère pas comme une mémoire psychomatérielle, là. Parce qu'à mes yeux, c'est presque inexplicable. Il m'est revenu des souvenirs. En tout cas, c'est clair que pendant 25 ans, je ne me suis pas remémoré ça, là. Non, t'as pas entretenu le souvenir, puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent, et moi-même, des fois, des souvenirs très lointains, ils refont surface comme ça, alors que je n'avais pas entretenu consciemment le circuit neuronal par rapport à ça en faisant une remémoration active là, au quotidien. Parce qu'il y a des choses qu'on va entretenir, là, dans le sens que si, par exemple, une fois de temps en temps, on fait de l'anglais, c'est facile. Mais s'il y a Oui. plusieurs années, on a fait un cours qui touchait à de l'espagnol où on était curieux pour une autre langue et on ne l'a pas pratiqué, on ne l'a pas entretenu au fil des ans, puis là, il nous revient des détails ou des bribes. Mais là, c'est pas pareil, là. Ben, c'est sûr que là, au niveau de la théorie de l'inconscient, ça a le dos large, mais si on considère l'inconscient comme étant lié à un monde de l'âme, puis à l'astral, ben là, c'est parce que on peut aboutir à quelque chose qui se contredit pas nécessairement, là. Mais c'est juste d'aller un petit peu plus loin. De la même façon qu'à un moment donné, bon, si on regarde de l'infiniment petit de plus en plus, mais à un moment donné, il n'y a plus de structure atomique, là, il y a juste des ondes, il y a juste du vibratoire. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas possibilité d'entreposer de l'information sur des plans plus subtils que qu'au niveau du moléculaire, là. Puis ça pourrait expliquer pourquoi ces souvenirs-là sont pas nécessairement liés autant à des formes que plus à des ambiances. C'est vraiment lié à une ambiance, c'est vraiment une ambiance qui m'est revenue. Puis bon, par après, là, oui, il y a eu une remémoration, puis là, au niveau, comment je pourrais dire ça, comme c'était là, après c'était amnésique, mais le support, lui, il était informel. C'est vraiment juste une couleur qui a déclenché ça. Mais je Oui. le vois comme lié à la vibration qu'il y a de la couleur. Donc, autrement dit, tu t'inscrirais plus proche du postulat post-matérialiste du monde que la vision matérialiste classique, là. Ben, les deux sont corrects. C'est juste que je trouve qu'il y en a une qui. Un commence ou l'autre s'arrête, mais c'est de la limitation, c'est limité. C'est de toute façon, peu importe le postulat qu'on prend, ça va être limité. Oui, quoique le postulat post-matérialiste cherche à élargir la réalité, il y a le plan physique, puis il y a aussi, bon, si on fait le pont avec la physique quantique, où c'est une vision élargie du monde qui est au-delà de la matière par rapport au champ des probabilités, bon, mais ben, c'est beaucoup plus vaste que la vision très mécaniste ou terre-à-terre, là, la Moi, ben, à réalité. mes yeux, ça reste quand même terre à terre puis mécanique, mais c'est une mécanique plus subtile. Oui, sinon je voulais t'amener à parler aussi de la transe cognitive. En fait, récemment, je me suis intéressé aux travaux de Corinne Sombrun, qui a étudié pendant plusieurs années la transe chamanique en Mongolie. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent pouvez retrouver de nombreuses vidéos d'elle sur YouTube. Et j'ai trouvé ça intéressant, ce qu'elle a amené par rapport à la transe cognitive, dans le sens que c'est un concept qu'elle a développé pour parler d'état de modifié de conscience. Qu'elle fait une distinction que la transe chamanique, étant donné que la transe cognitive n'implique pas d'adhérer à des croyances, à pratiquer des rituels religieux en relation avec une culture spécifique. Donc, elle cherche à aller à l'essentiel de la transe et en prenant conscience de son travail, eh bien, j'ai regardé d'une manière très différente des gens qui œuvrent dans le domaine supramental, qui se sont dit fusionnés, si on pense entre autres à Marc de la Salle, Bernard de Montréal, parce que lorsque, par exemple, Bernard de Montréal fait ce qu'il appelle la canalisation supramentale, ça fait penser à un état de transe cognitive auto-induite, comme peuvent en vivre certains chamans qui, par exemple, vont se mettre à frapper d'une manière rythmée sur un tambour à intervalles réguliers pour induire un état de transe. Donc, la transe cognitive auto-induite va servir à modifier le fonctionnement du cerveau de manière à bénéficier de perceptions intuitives amplifiées, augmentées et plus de créativité. Et c'est sûr que quand je regarde Bernard de Montréal, quand il parle, des fois j'ai l'impression qu'il est un peu à l'image de certains chamans, va vivre un état de transe cognitive auto-induite. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça se tient parfaitement dans le sens que l'animisme puis le chamanisme ont précédé les religions organisées, c'est-à-dire quand l'être humain est devenu intellectuel. Donc, quelqu'un qui pourrait avoir un mode de perception qui n'est pas de l'intellect, c'est sûr que, bon, on retombe dans des modes peut-être plus anciens encore de perception, parce que Bernard disait qu'il ne pensait pas. Non, exactement. Puis un peu comme les chamans en Mongolie, qu'a observé Corinne Sombrun, parce qu'elle était avec eux à pratiquer des rituels, par la suite elle a fait des conférences, puis bon, elle est très active là, en lien avec ça. C'est que quand on démystifie le phénomène, c'est des gens qui, lorsqu'ils vivent l'état de transe, un peu comme Bernard racontait, c'est-à-dire lui, quand il vivait le contact avec l'esprit, ce que certains vont appeler le double ajusteur de pensée, eh bien, il réfléchit pas et dans une conscience qui est au-delà de la conscience réflexive. Et aussi, il y a une perte de la notion de l'espace puis du temps, dans le sens qu'il peut parler pendant plusieurs heures, il se fatigue pas, puis lui, il va dire qu'il est nourri par la vibration, mais d'une perspective plus en lien avec la transe cognitive, on va dire que la personne qui est en état de transe va perdre la perception de stimulus sensoriel, comme par exemple l'envie d'uriner. Ben oui. Ben, je veux dire, c'est quelque chose, c'est des choses assez connues. Je veux dire, si on regarde, si on recule au néolithique, au paléolithique, l'être humain, il y a une spiritualité d'animal. C'est normal. Il n'y a pas d'écriture, puis il n'est pas encore réflectif, il n'est pas encore intellectuel. Ça a donné l'animisme, puis après le chamanisme. Mais dès que l'être humain s'est mis à penser, à réfléchir, à rationaliser, là, il est tombé dans de la philosophie, puis de la pensée organisée, si on peut dire. Mais je vois, à mes yeux, ça suit une certaine logique. Mais de la même façon comme dans le vaudou, bon, là, je veux dire, la pensée, entre autres, au niveau du cerveau, c'est des longueurs d'onde, entre autres. Comme Bernard dit, il se nourrissait de la vibration, mais on voit que dans certaines pratiques qui viennent d'Afrique ou des Antilles ou d'ailleurs, ben, ils vont servir de des rythmiques de tambour qui vont des fois être syncopées les unes par rapport aux autres, puis justement comme pour, on dirait, changer les fréquences du cerveau. Donc les transes vont être induites par des rythmiques syncopées de tambour. Donc moi je vois pas de. À mes yeux, ça se tient parfaitement, c'est parfaitement logique. Et à ce moment-là, si, y a une logique derrière ça, est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, l'émergence du mouvement de la conscience supramentale au Québec, bon, il y a eu Bernard de Montréal qui était pionnier, ensuite il y a eu Daniel Kemp, Daniel Ménard, Marc de Lasserre, il y en a eu plusieurs autres là, par la suite. Est-ce qu'on peut dire que ce type de mouvance-là est une forme de néo-chamanisme qui fait une forme de résurgence en Occident? Non. Je considère que non. OK. Peux-tu Parce que détailler? Oui, c'est ça. le chamanisme, ça précède l'intellect. Oui, mais l'idée de venir à une conscience qui ne réfléchit pas, c'est-à-dire qui est au-delà de l'intellect intuitive, qui fait penser à l'état de transe cognitive que vivent les chamans en Mongolie, puis il y a des cultures millénaires aussi là, qui sont en relation avec ça, ça me fait penser à ça. Parce que ça serait un recul alors que ce n'est pas le cas. Parce que là, au fond, on est entré dans l'intellect, puis là, on est en train de le dépasser, tout en étant conscient de structures qu'il y avait avant. Donc, je ne vois pas ça comme du néo, ce qu'il y a en arrière. On va vraiment dans de l'inconnu par en avant. Donc, est-ce que c'est du néo, ancien? Bien, en fait, c'est là que je voulais aussi t'amener, c'est-à-dire que l'état que va vivre certains conférenciers, de ce que je perçois, puis aussi l'état que ça a sur mon cerveau, parce que j'ai écouté des gens qui disent qu'ils ont eu des états de transe, puis par la suite, je vais écouter Marc Lassalle ou Bernard de Montréal, puis pour moi, ça va stimuler une dimension de mon cerveau qui me connecte plus à mon intuition, un peu comme si j'écoute, par exemple, le tambour d'un chaman. Oui, mais ça reste une addition. de structures plus anciennes qui sont remises à jour Ben, c'est dans là, du nouveau. ben c'est ça, c'est Mais parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu une forme de réactualisation, mais avec un ben, cadre conceptuel plus sophistiqué. parce que le néo-chamanisme, ce qu'on voit dans certaines modes qui sont en train de faire un. Bon, qui commencent à apparaître en Europe, que dans le fond, c'est un peu. Bon, ils prennent des travaux de des anthropologues qui ont étudié des choses en Eurasie, des choses comme ça, puis ils leur mettent au goût du jour par rapport à une spiritualité. Tandis que Bernard de Montréal, à mes yeux, c'est pas de la spiritualité. Le néo-chamanisme, ça serait de la spiritualité. Oui, dans le Si sens que... on étudie, Oui. bon, c'est parce que si on se met à étudier le vibratoire, puis ce qui est plus subtil au niveau les ondes, le fréquentiel, ces choses-là, puis qu'on considère l'esprit comme un principe d'intelligence, tout simplement, qui peut être intellectualisé ou pas, là, on n'est pas dans de la spiritualité. On est Bernard de Montréal, c'est pas un spirituel, c'est un scientifique, c'est un pionnier. C'est quelqu'un qui explorait de Oui, l'inconnu. dans le sens qu'il véhiculait pas des rituels à caractère religieux ou des croyances. Et c'est la raison, entre C'est autres, pour ça. laquelle je me suis intéressé à la démarche de Corinne Sombrun, parce qu'à travers ses travaux, elle cherche à épurer tout le cadre de croyances qui peut être très lourd en lien avec certaines traditions spirituelles du passé. Et c'est la raison pour laquelle, tantôt en introduction, en lien avec le sujet, j'ai fait la distinction entre transe chamanique versus transe cognitive. Parce qu'elle veut le concept dépouillé, puis ça, je trouve ça vraiment dans l'esprit de Bernard de Montréal et de son instruction, donc l'importance de ne pas croire, puis dans l'esprit scientifique aussi contemporain, où ce qu'on va chercher à éliminer là, toute croyance superflue, là. Parce que si on regarde, par exemple, là, à partir de la fin des années 60, puis là, les années 70, les universitaires qui ont expérimenté avec du LSD, puis que là, ils sont tombés dans des modes de vision des serpents colorés, puis des choses qui rappellent ce que les chamans, comme en Amérique centrale, vous décrivent. Ça, c'est réellement du néo-chamanisme, dans le fond. Puis souvent, au lieu d'avancer d'un point de vue scientifique, justement, ils tombaient dans ce qu'on pourrait appeler de la spiritualité, puis ça finissait par devenir des mouvements nouvel âgeux, là. Donc ça, c'est du néopaganisme à mes yeux, du néo-chamanisme plutôt, mais c'est pas, ça peut aboutir à du néo-n'importe quoi, là. Parce que il reste que, bon, après l'animisme, qui est une spiritualité d'animal, si on peut dire, après ça, l'être humain, il devient plus intellectuel. Là, après, il va tomber dans ce qu'on pourrait appeler le paganisme, c'est-à-dire qu'il va se mettre à intellectualiser et à rationaliser le rapport qu'il a avec des forces. Là, après, là, on va tomber dans de la philosophie. Il devient encore plus intellectuel, donc ça devient de la théologie, des religions organisées, puis de la philosophie. Mais là, dès qu'on tombe dans le néo, qu'on dit ça c'est néo-ci, néo-ça, ça veut dire qu'on fait un pas de recul, mais en l'interprétant avec la subjectivité du présent. Mais je vois pas Bernard comme ayant été du néo-chamanisme, là. Non, il ne se réclamait pas d'une tradition chamanique, mais le point, puis d'une manière implicite, le fait que, de ce que je perçois à travers ces enregistrements, il vit une forme de transe cognitive lorsqu'il parle, c'est là que je fais la connexion, dans le sens que les chamans autrefois vivaient un état de transe cognitive. Ben, ils vivent un état second, les chamans. Tandis que Bernard de Montréal, quand il est extra-lucide, il retourne à un état premier. Que l'être humain normal, habituel, est dans son état qu'il considère comme normal, puis qu'on considère comme normal, et dans un état second, au fond. Mais Induit par. ça peut être sujet à discussion parce qu'il y en a qui vont dire les chamans sont dans un état premier, c'est-à-dire une conscience intuitive qui va précéder la conscience intellectuelle. Bon, c'est parce que ça aboutirait pas à. Je veux dire, c'est pas de l'extra-lucidité. Sinon, ça n'aurait pas abouti à toutes sortes de pratiques. En tout cas, là, comme on voit dans la Santeria, puis ces choses-là. Mais Je c'est veux dire, pas. il faut être dans un écho. Ben, Ouais. on n'est plus dans de la lucidité tant que ça, là. Sinon, ça serait arrêté de la science. Puis ça n'en est pas. C'est peut-être pas de la lucidité dans le sens, en effet, que c'est lié un esprit scientifique qui va contester des éléments, une conscience contestataire. Si c'est sûr, si la personne vit une expérience à caractère chamanique, puis manique, puis plus dans une conscience d'absorption, de perception élargie qui l'envahisse, ce que certains vont appeler une psychose. Ben, Mais c'est c'est pas sûr que la loin de personne ça. peut se perdre. Mais ça, c'est un autre aspect que je voulais aborder avec toi aussi. Puis là, c'est intéressant de voir où ce qu'on en est par rapport à la science. C'est que, grâce encore une fois, aux travaux de Corinne Sombrune, ces temps-ci, je regarde beaucoup le travail qu'elle fait. Il a été question dans l'un de ses enregistrements que l'activité du cerveau de quelqu'un en transe, vue par l'imagerie par résonance magnétique, IRM, est similaire à celle d'une personne en psychose, comme des gens atteints de schizophrénie ou en dépression. Donc, durant des gens, quand ils prennent un IRM, la personne peut perdre, dans cet état-là, en fait, la personne peut perdre en psychose, elle peut perdre la notion du temps puis de l'espace, puis la force physique est augmentée aussi. Fait que là, la question est à se poser, est-ce que lorsque Bernard de Montréal disait parler de manière vibratoire, est-ce qu'il y avait un état d'activité cérébrale similaire à celle d'une personne en psychose? Ben non. C'est parce que là, si on dit que les gens qui vivent un état de transe, si ont la même activité, une activité électrique similaire à ceux qui vivent un état de psychose, c'est sûr que ça. Quelqu'un qui est dans un état de psychose, il y a une perte d'identité. C'est pour ça qu'un schizophrène, par exemple, qui va, mettons là, qui va halluciner, ou bien si on peut dire qu'il va être en contact avec un monde entre guillemets spirituel, là, entre guillemets, puis que là, il y a une volonté en dehors de la sienne qui lui dit ta famille, c'était des démons, puis il faut que tu les tues, puis là, ça fait du monde en psychose qui commettent des meurtres. Mais il y a une perte d'identité. Oui, La alors personne qu'il est y a dans un accès à ce que état certains onirique. vont appeler Est des pas lucide. perceptions élargies, dans ce cas-là, quelqu'un qui est en transe, qui a accès à des perceptions élargies, puis qui peut sortir de cet état-là à volonté, un peu comme le chaman expérimenté, mais là, c'est différent. Mais ce qui est particulier, c'était au niveau, comme je l'expliquais tantôt, au niveau de l'imagerie par résonance magnétique, dans le sens que. Mais c'est sûr qu'on n'a pas fait l'expérience, mais ma curiosité a été de voir est-ce que si on rentrerait Bernard de Montréal, s'il serait encore vivant, ou Marc Lassalle, dans une machine à résonance magnétique, puis on dirait parle-nous sous le contact, parle-nous de manière vibratoire, est-ce que les mêmes ondes du cerveau seraient activées que celles d'un schizophrène en état psychose? Oui, mais avec d'autres zones en plus qui restent activées. Parce que s'il n'y a pas de perte d'identité, Puis les il n'y a autres, pas de. OK. La personne, elle va rester au niveau de. Comment je pourrais dire ça? Il va avoir. La personne, elle garde sa lucidité. Puis elle peut même être contestataire puis critique par rapport avec ses expériences. Donc. Une personne un peu comme Bernard de Montréal va avoir des ondes du cerveau d'activer comme quelqu'un en psychose, mais en plus en gardant les mêmes ondes du néocortex à mes yeux, d'après moi, qui vont rester activées. C'est-à-dire que il va avoir en même temps de l'activité comme quelqu'un en psychose, en même temps qu'au niveau du néocortex, puis du lobe frontal, probablement qu'il va en plus, parallèlement à ça, avoir encore l'activité comme quelqu'un en état de veille normal, en parallèle. Parce que le cerveau, ben, l'activité, elle change de place, on dirait. Comme quelqu'un qui va être en psychose, là, tout d'un coup, certaines parties sont très actives, puis là, d'autres le sont moins. Mais d'après moi, quelqu'un comme Bernard, c'est tout le cerveau complet en même temps. Il y aurait plus d'activité que chez quelqu'un en psychose, encore plus. Parce que la personnalité n'est pas altérée. Je parle pas la personnalité dans le sens comme on entend habituellement, mais je parle Mais en le même moi temps, lucide est s'il encore vivait là. un état de dépersonnalisation, surtout dans ses Oui. premiers enregistrements, il connaissait un état de Oui. dépersonnalisation, il parlait plus en jeu, là, Ouais, mais il y avait encore un bonhomme qui était là, puis tu vas avoir une conversation lucide avec. Puis Oui. il était conscient de ce qui se passait. Tandis que quelqu'un en psychose, il peut pas tenir une conversation lucide, là. Tu peux pas. Il va pas avoir l'objectivité de te décrire sa psychose, il est pris dedans. Non, non, c'est ça, il ne sera pas cohérent, puis probablement, Ben comme tu le non. disais, au niveau de l'activité du néocortex qui sert à utiliser les facultés logiques et organisationnelles de l'information et des stimulus seraient sans doute moins activées, là. Donc, ça fait toute la différence. Quand je parle qu'il garde une personnalité triste, dans le sens que il reste fonctionnel puis lucide puis objectif au point où il fait une différence entre lui puis son expérience, au point où même être capable d'être critique puis de s'opposer. Ça, quelqu'un en psychose peut pas faire ça. Exactement. Et c'est sûr que c'est plate que le Doc Mayhew ne nous écoute pas parce que pour lui, toute personne qui dit qu'il est en contact avec l'au-delà ou le monde des esprits ou les médiums, les voyants, etc., il met tout dans le panier en disant, ben, c'est tout du monde qui hallucine, c'est du délire, etc. Ça vient d'un extraordinaire mépris, dans le fond, pour toute l'humanité, parce que c'est l'histoire de l'humanité, ces expériences-là. Puis, entre autres, ça a été civilisateur. Le chaman, par exemple, dans une tribu, il a un rôle important d'équilibrage au niveau social. De la même façon, lui-même, le docteur Mayhew, il a fait ses études par des capucins de Cap-Rouge. Il devait bien avoir de ces capucins-là qui avaient des expériences mystiques, sinon ils ne seraient pas entrés en religion. Est-ce que c'est toutes des schizophrènes puis des psychotiques? D'une perspective matérialiste, malheureusement, il va dire oui, il met tout le monde dans le même panier. Et c'est Ben ouais, sûr mais que. ils sont fonctionnels, c'est eux autres qui ont appris à lire, ils ont appris à lire puis à écrire. Puis là, c'est sûr que lui pourrait argumenter, ben, c'est une schizophrénie légère, fait que ça paraît peu ou pas. Ça a eu un rôle civilisateur, qu'on le veuille ou pas. Puis, dans des sociétés primitives, ces individus-là ont un rôle important au niveau civilisationnel, puis au niveau social. Ça a une fonction. Ça a une fonction. De la même façon que chez certains animaux, des fois, il y a des comportements que, d'un point de vue, si on l'intellectualise, on le rationalise, ça peut paraître aberrant, comme, je ne sais pas, moi, les rituels de danse chez les oiseaux, puis, mais ça a toujours une fonction. Donc, il reste que c'est être limité. Il faut prendre un pas de recul, puis regarder dans l'ensemble. Exactement. Et le but, entre autres, de l'enregistrement, c'est de démystifier certains phénomènes psychiques. Et c'est la raison pour laquelle je pose la question, puis je reviens encore à charge, fusionner et ou schizophrène surdoué en état de transcognitif, dans le sens que des gens qui sont schizophrènes, si la personne, en plus d'être schizophrène, est surdouée, a des grandes capacités intellectuelles, quelqu'un va dire, ben, son délire va avoir l'air à faire sens parce que la personne est très intelligente pour organiser l'information, à la différence de quelqu'un qui est déficient intellectuel ou autre, là. Il va avoir une plus grande capacité de rationaliser. S'il n'y a pas de dysfonction en société, qu'il n'y a pas des individus justement que le cerveau il va avoir des dysfonctionnements, ben, il n'y a plus d'évolution sociale. Pourquoi est-ce qu'on dit le génie côtoie la folie? Pourquoi est-ce que les artistes qui ont été le plus marquants, c'est souvent des gens aussi qui ont eu des périodes de troubles mentaux, par exemple? Moi, ce que je dis, c'est de regarder avec un pas de recul, puis de voir que ça a une fonction, puis que ça a servi. Il y aurait, si on pense, si chaque individu reste dans un mode parfaitement tout le temps pareil, parfaitement rationnel, puis qu'il n'y a pas de bifurcation de temps en temps, il n'y a plus de découverte, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus rien. Non, c'est ça, parce que la personne est juste dans un monde intellectuel, cérébral, juste avec le néocortex, puis est déconnectée de la dimension intuitive ou instinctive, donc ce que certains vont appeler le cerveau limbique ou le cerveau reptilien, ben c'est sûr que ses perceptions puis son vécu va être appauvri, puis Ben, c'est ça, exact. ça prend une capacité des fois de voir autrement. Puis ça fonctionne par essai-erreur. Mais si tout le monde est tout le temps carré, puis qu'on suit tout, là, il n'y a plus rien qui se passe, là, ça fait des civilisations qui stagnent. Mais ça fait des automates, ça fait des gens qui sont robotisés, qui éventuellement vont peut-être vouer un culte à l'intelligence artificielle, qui prend de plus en plus de place dans nos sociétés. Ben là, ça voudrait dire sont eux-mêmes de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est juste de la mémoire mécanique qui se répète. Exactement, ils n'ont pas accès à une intelligence créative et c'est un autre aspect sur lequel je voulais t'amener. Est-ce que le fait d'avoir accès à une transcognitive ou ce que dans le jargon supramental, on va parler d'une conscience vibratoire, ça serait une forme d'accès justement à quelque chose qui va permettre un renouvellement de la société, une évolution, quelque chose d'autre, là? Ben oui, c'est évident, parce que sinon, il n'y a plus de découverte, il n'y a plus rien, même là, sans qu'on parle nécessairement comme la conscience supramentale, mais supramentale, si on le prend étymologiquement, ça veut dire au-dessus de l'intellect. Donc, ça en prend des gens, des gens qui vont avoir le courage d'oser se mettre le pied en dehors des sentiers battus, puis qui vont avoir aussi la capacité d'avoir suffisamment d'identité pour se dire, ben, je ne vais pas aller explorer tel coin inexploré parce qu'au niveau des conventions sociales, je vais passer pour un fou. Ça en prend des gens qui vont se mettre le pied en dehors des sentiers battus. Oui, Ça en prend des exactement. gens qui se sacrifient même. Il y en a qui gâchent leur vie pour amener du nouveau. Oui, la facture peut être très lourde à payer dans le sens que ça peut détruire une réputation et la personne peut être mise au banc de la société ou étiquetée, stigmatisée socialement. C'est sûr que quelqu'un qui se présente sur la place publique puis qui va dire haut et fort qu'il est fusionné va être interprété automatiquement par des gens comme le psychiatre Mayo ou d'autres personnes avec un paradigme matérialiste comme étant quelqu'un qui est atteint de schizophrénie. Ouais, mais c'est pas c'est un double tranchant. Le Doc Mayou, pour certaines personnes, c'est un fou. Mais pour beaucoup de Québécois, c'est une référence. D'ailleurs, il y a une activité médiatique prolifique depuis plus de 20 ans ici. Ben ouais, mais il y en a dit en masse des niaiseries. Je veux dire, il est pas parfait. Non, exactement. Je dirais Bon. pas que c'est quelqu'un. Il y a de ses collègues qui le considèrent comme un fou dangereux. Bon, moi, je suis pas dans... pas de cet avis-là, mais dans le sens que, ben ça marche dans tous les sens, toutes les Oui. façons possibles. Bon, on dirait qu'il n'y a rien que l'argent et le sexe dans la tête du bonhomme-là. On dirait que c'est un obsédé sexuel, c'est un vrai freudien, là. Il pense à rien qu'à ça, on dirait, puis il ramène tout à ça. Il y en a du monde pour qui ça, c'est un fou. Ben, quoique à sa défense, je pourrais dire que la dimension sexuelle, étant donné qu'on est des animaux sociaux à un certain niveau, est très présente, là. Puis bon, lui, c'est sûr Oui, mais que. on peut pas tout ramener à ça dans le sens ça va être limité. Oui, ça, c'est clair. Bon. Parce que là, si on reste freudien, là, la théorie psychanalytique, c'est une théorie. C'est-à-dire, c'est une hypothèse de travail. Faut pas que ça devienne un dogme. Sinon, c'est pire qu'une religion. C'est même. Voyons. Puis c'est pas un paradigme fixe dans lequel on peut inclure l'ensemble de tous les phénomènes psychiques humains. C'est bien trop limité. Voyons, pourquoi Freud, il était comme ça, sa théorie sexuelle, puis blablabla. Ben lui-même, Freud, il a eu une enfance. Bon, il est abusé par son père, Freud. Que les gens relisent sa correspondance. Le père de Freud forçait ses enfants à lui faire des fellations. Est-ce que le monde n'y pense pas que ça a peut-être pu influencer sa vision de l'être humain? Puis le fait qu'il tétait de longs cigares qui avaient la forme d'un pénis. Bon. Puis peut-être que C'est sûr que le véhicule. ces Son... expériences-là ont coloré Oui, c'est sûr que sa son véhicule vision l'a du monde. coloré. Même chose pour le Doc Mayhew. Par contre, je fais référence abondamment à lui aujourd'hui parce que dans le domaine de la psychologie populaire ici au Québec, c'est une référence. Bonne référence, ça dépend pour qui. Il y a autant de monde qui l'aime, pour qui c'est pas une référence, qu'il y en a pour qui c'est une référence. Là, il fait pas l'unanimité, Non, mettons. non, c'est un personnage Mais tant coloré. mieux. Il faut pas que ça fasse l'unanimité dans le sens que dès qu'il y a un consensus, là, on a beaucoup parlé dans les dernières années, un consensus scientifique, ben dès qu'on s'enferme dans un consensus scientifique, il n'y en a plus de science. C'est la science. Bon, ça fonctionne avec, entre autres, des débats, puis il faut qu'il y ait des oppositions d'idées, il faut que ça bouge, pour si on veut voir du nouveau, justement. Exactement, mais des fois, je prends en considération sa perspective qui est très terre-à-terre parce que ça amène un esprit critique. Lui est très critique par rapport à la religion, tout ce qui touche au paranormal aussi. Puis des fois, il m'a fait voir des choses dans le sens que il avait fait une émission, entre autres, sur la réincarnation, là, que j'avais écouté sur YouTube, où il interrogeait les gens qui disaient qu'ils avaient vécu dans des vies antérieures, etc. Et son propos, que je trouvais intelligent, il confrontait souvent les gens à... Bon, vous me dites ça, mais ça s'appuie sur quoi? Puis concrètement, qu'est-ce que ça vous donne? Tu sais, concrètement, comment ça améliore votre sort? Puis, tu sais, ce qui m'a fait réaliser, c'est que beaucoup de gens qui s'intéressent aux fusionnés, puis moi-même dans le passé, finalement, on peut perdre beaucoup de temps puis d'énergie par rapport à ces trucs-là, là, liés à l'étude du paranormal. Parce qu'il y a l'instinct de préservation, c'est-à-dire que on a des programmations, des mécaniques qui sont là pour la survie. Donc l'individu va avoir un instinct de préservation. Mais là, l'individu actuel, il est intellectuel puis il réfléchit. Donc il va être porté à vouloir, il va être porté à interpréter de façon à ce qu'on pourrait voir de la survie. Donc, bon, l'affaire d'incarnation, entre autres, bon, si on considère qu'on intellectualise du subtil, ben, ça a donné de la spiritualité, ça a donné de la croyance. Puis pourquoi l'être humain, des fois, il va croire à certaines choses parce que ça fait son affaire, puis que ça le rassure. Pourquoi il a peur? Ben, parce qu'il a l'instinct de préservation, puis il est programmé pour survivre. L'être humain, il est comme ça, il a peur. Donc, il va être porté à vouloir rationaliser, puis intellectualiser. Mais il reste que, bon, d'un point de vue psychologique, ça, le docteur Mayo, il comprend bien, dans le sens que il voit que c'est pas objectif nécessairement, puis il comprend aussi les mécaniques liées à de l'angoisse existentielle qui font que des gens vont peut-être rationaliser, puis là, ça devient de la spiritualité. Ça, c'est correct. Parce que il sait que ça a une fonction psychologique, c'est-à-dire évacuer de l'angoisse. Souvent, peut-être pas tout le temps, mais ces mécaniques-là, il les connaît bien. Parce que là, c'est comme lui, dans sa théorie psychanalytique, bon, il y a les pulsions de vie, il y a les pulsions de mort. Puis c'est sûr qu'il y a un conflit, bon. Fait que donc, oui, c'est sûr qu'il y a des... Mais, quand il ramène ça à du concret, puis qu'il dit, ouais, mais qu'est-ce que ça vous donne concrètement? C'est pour que, justement, qu'au niveau de la rationalité, que l'être humain, il se rende compte que des fois, il n'est pas rationnel. Mais il reste que c'est d'essayer de régler des problèmes engendrés par la rationalisation, par la rationalisation. Parce que ça ne tient pas compte, par contre, de tout, là. Il y a quand même des choses que c'est limité. Mais il reste que, bon, au niveau des individus puis de leur vie de tous les jours, oui, des fois, c'est plus nuisible qu'autre chose. Ben exactement, il racontait à un moment donné dans un enregistrement qu'il parle avec une personne suicidaire et la personne étant de croyance religieuse catholique, eh bien elle veut mourir pour aller au ciel parce qu'elle croit qu'elle va être bien au ciel si elle meurt. Fait que Mais le déjà doc, là, c'est irrationnel. ben c'est ça, c'est que le Doc Mayou va confronter la personne, puis là à un moment donné, il disait, mais là, qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui est suicidaire? Puis, il est jamais, il est coincé dans des croyances de pensée magique que ça va être mieux de l'autre bord. Ouais, mais il n'a pas l'air de tenir au compte du fait que du monde suicidaire qui croit à rien, il y en a aussi. Exactement. Sauf Donc, c'est que, pas le problème, là. c'est ça. Sauf que, dans le fond, pour lui, c'est comme si la croyance à un au-delà qui est favorable à l'individu, ou ce qui va être au paradis avec les anges, les gens qui aiment, va faire en sorte que ça va l'amener vers la mort. Ben oui, mais ça marche pas parce que, tu sais, on dit spécifiquement catholique, dans le catholicisme, le suicide est un péché mortel. Pour quelqu'un qui en a une compréhension claire, par contre, il y a des pseudo-croyants au Québec ou des gens qui sont moins impliqués ou qui n'en ont pas une compréhension rigoureuse, qui vont déformer ou qui peuvent délirer certaines informations. Ben oui, mais encore là, bon, ben, c'est un petit peu la personne, elle va rationaliser ses pulsions de mort par rapport à sa spiritualité. Mais ça, on le voit, il y a des gens très, très intelligents intellectuellement qui vont jusque-là, comme les gens qui étaient dans l'ordre du Temple solaire, qui voulaient mourir pour aller sur Sirius. Pourtant, c'est des gens, souvent des universitaires, des gens qui avaient des hauts QI. Mais c'est là que je dis que l'intelligence puis de la conscience, pas pareil. Parce que c'est totalement de l'inconscience, là. Dans le fond, le problème, c'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de conscience. Qu'est-ce qui fait que les gens vont être plus ou moins conscients, puis on tombe dans de l'irrationnel comme ça? Le problème, c'est jamais lié à l'intelligence, c'est lié à l'émotivité. C'est l'émotivité qui déforme les choses. Ça passe par l'intellect, puis les gens rationalisent n'importe quoi, de l'irrationnel, l'irrationalise de l'irrationnel. C'est parce qu'il y a des pulsions de mort. On rationalise des pulsions de mort. Donc, il y a des gens que si la personne. Par contre, là, le Doc Mayo, où ça s'arrête, il est capable de constater qu'il y a des pulsions de mort. Mais là où ça s'arrête au niveau de la théorie psychanalytique, c'est quoi la fonction de ça? Ça vient d'où, puis pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait qu'il y a des forces de l'irrationnel dans l'être humain qui vont l'amener vers la mort? Ben là, il va y avoir l'interprétation de la contre-pulsion de vie, c'est-à-dire la transmutation de la pulsion de vie qui est contrariée en pulsion de mort. Mais ça se tient pas. Ben, Dans le fond. je te donne un exemple. Mettons, la personne est prêtre catholique religieux, sa pulsion de vie, son désir sexuel est contrarié, parce qu'un prêtre, normalement, n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles. La personne refoule la pulsion de vie, donc le désir d'avoir une activité sexuelle. Et à un moment donné, ce qui arrive à force de refouler puis d'être contrarié, progressivement, la personne peut devenir haineuse par rapport aux gens qui ont une activité sexuelle normale. Et à ce moment-là, le désir s'est arrêté comblé, puis il y aurait une vie sexuelle, il n'aurait pas cherché à être jaloux des autres ou à se venger par rapport aux autres, puis être très sévère avec ceux qui ont anormalement sévère avec les gens qui ont anormalement le plaisir sexuel ou autre. Ouais, mais là, ça, c'est pas de la. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand il y a un besoin qui n'est pas comblé, là, ça va engendrer ce qu'on appelle la frustration. Étant donné que l'énergie, elle ne peut pas disparaître, il faut qu'elle se transfère C'est ça, il y a une dans une autre transmutation de structure. l'énergie. Mais ça n'explique pas comment ça se fait qu'il y a des pulsions de mort Ben, c'est parce que ça chez peut être. des êtres humains qui vont être portés à vouloir mourir. Ben là, c'est sûr que dans une perspective psychanalytique, on peut dire que c'est le vécu de l'individu qui nuit à la canalisation saine de l'énergie, dans le sens que, si, bon, on parle de la sexualité qui est contrariée parce que c'est un terme typique lié à la psychanalyse, mais dans le fond, par rapport à ça, l'idée c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, donc la pulsion de vie qui est contrariée. Mais ça me fait penser d'ailleurs par rapport aux jeunesses hitlériennes puis au mouvement du nazisme. Apparemment, il empêchait les gens d'avoir des relations sexuelles au niveau des soldats pour qu'ils soient plus ardents à la guerre, dans le sens que la pulsion de vie soit modifiée, qu'elle soit transmutée en pulsion de mort puis qu'elle soit plus combatif. Si jamais tu jases avec. C'est parce qu'à un moment donné, là, il faudrait tomber dans une vision peut-être plus jungienne. Jung, lui, pour lui, la sexualité, c'était un des aspects de la libido. La libido, c'est juste de l'énergie. Donc, en demandant à des soldats d'être abstinents, tu rendais plus d'énergie disponible pour mettre dans le combat. C'était de la même façon, on voit ça chez certains artistes. Oui, t'évitais une dépense d'énergie, sauf que l'expression naturelle d'énergie contrariée, elle peut s'exprimer par des chemins détournés. Ben, c'est parce qu'au fond, nous autres, on polarise. Fait que là, la pulsion de vie, la pulsion de mort, bon, on voit ça comme séparé. Alors que les pulsions de mort, c'est des pulsions de vie. Le soldat qui tue, c'est des pulsions de vie. Transmuter. Oui, ben c'est dirigé vers une action qu'on va considérer comme qui mène à de la mort. Mais anciennement, pourquoi est-ce qu'un animal, par exemple, qui défend son territoire va être agressif? C'est pour sa survie. Un animal va tuer un autre animal, c'est toujours pour sa survie. Mais quelqu'un peut être agressif par rapport à justement à son instinct de survie qui est menacé parce qu'il est envahi par une armée ennemie sur son territoire. L'affaire au niveau, par exemple, comme qu'on voit au niveau de la maladie mentale ou des choses comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'intégration de la mécanique, puis que y a, ces choses-là sont en roue libre. Ça devient, c'est juste des programmes, puis il n'y a pas de conscience, dans le sens que ça va s'exercer, mais en dehors de la conscience. C'est là qu'il y a un problème. Mais au niveau des lois évolutives, il va falloir un jour que la conscience intègre la mécanique de ces choses-là. Puis on est juste au début. On est juste au début. C'est pour ça qu'il y a du tâtonnement comme ça. Puis qu'on est encore pris avec des affaires comme Freud puis Jung. On est au début. Mais c'est du tâtonnement, là. Mais il reste qu'à un moment donné, ces mécaniques-là, il va falloir que ça soit intégré par la conscience. Mais pas la conscience, comme on l'entend, il y a une différence entre être conscient de quelque chose puis le savoir. Parce que quelque chose qui est su, c'est instantané, tout de suite. Tandis que quelqu'un qui est en de la conscience mécanique intellectuelle, faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il arrive à la conclusion que. Mais à un moment donné, il va de plus en plus venir au monde des gens qui vont savoir instantanément ces choses-là, sans avoir besoin d'aller à l'université. Ils vont le voir. Oui, dans le sens d'une perception, d'une vision globale, ben ça revient un petit peu à la conscience intuitive qui, dans le fond, procède par immédiateté, instantanéité, versus la conscience réflexive que c'est étape par étape, là. Ben oui, parce que au fond, on est comme des aveugles qui tâtonnent au lieu de voir. Mais à un moment donné, il va falloir que notre intuition devienne notre intelligence. Parce que là, il reste que on est encore au début de tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que les psychanalystes, les psychologues, puis font des affaires d'or. On comprend mal certaines choses, on comprend mal comment que les énergies s'écoulent, puis les structures psychiques, puis ces choses-là. Ce qui fait que, au fond, on crée des structures, comme par exemple, je le sais pas, moi, des affaires désordonnées comme TikTok, puis tout. Puis après ça, on se surprend que ça crée des troubles mentaux chez les jeunes, par exemple. Mais c'est juste normal. Je veux dire, il n'y a rien là-dedans de réellement Mais encore là, surprenant. TikTok, moi je vois ça un peu comme les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est un outil, un peu comme un couteau que tu peux t'en servir pour mettre du beurre sur une tranche de pain ou tuer quelqu'un, tu sais, tout est à double tranchant, là. Ouais, mais c'est parce que c'est le programme qui choisit à ta place. C'est-à-dire que, en plus, ça va aller selon des tendances. Mais il n'y a pas Ben, d'intégration c'est parce que consciente du pourquoi. j'ai pas utilisé la plateforme, mais est-ce que c'est un petit peu comme Moi non Facebook, tu plus. reçois des messages ou des posts là, sur différents sujets, puis là, ils analysent ton. Non, ça ressemble à YouTube, sauf que l'algorithme, il va, dépendamment du genre de vidéo que tu écoutes, il va te reproposer des vidéos qui vont dans la tendance qu'il y avait au départ. Mais le problème, c'est que les tendances, c'est pas conscient. Donc, il y a des jeunes qui ont commencé à développer des tics nerveux, puis même des troubles obsessifs, puis il semblerait que ce soit lié à l'utilisation de TikTok. Mais c'est pas lié à une conscience intégrale, c'est lié à de la mécanique. Dans le fond, c'est le système nerveux de la personne qui conditionne les algorithmes à lui donner ce qu'il stimule. Non, exactement, mais ce qui serait intéressant de voir derrière ça, c'est est-ce que le même jeune, dans le fond, avait une faille au niveau psychologique, s'il ne serait pas dépendant à TikTok, ça serait à l'alcool ou à Ils la en ont drogue? toutes. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est parce que des fois, on va, par exemple, critiquer la cyberdépendance, mais en réalité, la même personne t'aurait pris avant qu'il y ait Internet, donc il y a peut-être 60 ans, dans un contexte social différent. Peut-être la même personne, au lieu d'être dépendant, de l'algorithme, elle serait dépendante à l'alcool ou à la marijuana. Ben, une mauvaise graine va se développer dans une mauvaise terre. C'est pas une raison pour justifier qu'il y ait de la mauvaise terre et laisser ça de même. C'est certain. C'est sûr que l'outil peut amener des dérapages, mais moi j'ai Ben l'impression. oui, il y en a peut-être qui ont intérêt. C'est ça, là. Parce qu'on est en train de créer des. Parce que au niveau neurologique, la façon dont le système nerveux se développe, puis les jeunes, que c'est encore malléable, puis. Ben, faut pas oublier que peut-être qu'il y a des gens qui ont intérêt à créer des jeunes plus tarés. Car peut-être des citoyens plus dociles et manipulables, voire fluides, de genre fluide. C'est ça. C'est pour ça que moi, dès le départ, j'ai vu ça d'un mauvais œil, TikTok. Pas dans le sens que c'est mauvais à la base, mais dans le sens que de la façon dont c'est garoché dans le public, puis qu'il y a personne qui se posait de questions sur ça, puis il n'y a aucun contrôle de rien. Là, j'étais critique, là. Surtout quand j'ai vu apparaître qu'il y avait des jeunes qui développaient des syndromes de Tourette, semblait-il, liés à ça. Parce que. Ça revient un peu, c'est un petit peu comme ça revient à donner des outils à quelqu'un qui n'a pas la maturité puis qui est vulnérable. Puis un outil qui amène un conditionnement idéologique. En fait, j'ai appris récemment qu'en l'honneur du jour de la Terre, TikTok, pour souligner cette grande journée dans le cœur des écologistes, a dit, en fait, les responsables de TikTok, un communiqué de presse qui est sorti par rapport à ça, que à partir de ce grand jour, les gens qui remettent en question le narratif des changements climatiques vont être censurés. Ben, c'est parce que, comme je disais tantôt, si au lieu qu'il y ait un débat scientifique, on est dans une doxa, ben, il n'y a plus aucune évolution de rien au niveau des connaissances. Là, ça devient une religion. Oui, on a la religion écologique qui se confirme là, sur TikTok, là. Donc, c'est sûr, c'est de Ben. voir si les autres YouTube et autres vont prendre le pas par rapport à ça là, dans les prochains mois, aux prochaines années, là. Parce que. La restriction au niveau de la pensée, ça ne peut pas faire autrement que d'aboutir à une pensée de moins en moins large. Il faut qu'il y ait des débats, mais c'est comme ça justement que la pensée elle se fixe puis elle change puis qu'elle avance. Oui, bien, c'est la raison, entre autres, pourquoi je voulais aborder le sujet fusionné ou schizophrène surdoué aujourd'hui, parce que au fil des ans, j'ai eu des discussions avec plusieurs personnes. Donc, dans mon environnement, j'ai des gens qui sont issus de la religion catholique, j'ai des gens qui ont touché à l'instruction supramentale comme toi, mais j'ai des gens aussi qui sont athées, qui croient à rien de tout ça. J'ai des gens aussi dans mon environnement qui adorent beaucoup le Doc Mayhew, puis il abonde dans le même sens que lui, là, tout ce qui touche le paranormal, des hallucinations. Fait que c'est sûr que si quelqu'un de mon environnement, je parle de Bernard de Montréal, va dire, ah, c'est probablement un surdoué qui va rationaliser certains délires qu'il a, puis comme il est rapide, ben ça va donner l'impression que ça a du sens. C'est parce que ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que ça, c'en est une rationalisation. C'est-à-dire Mais la personne que. peut me dire, ben regarde, son langage est abstrait, il a fait des prophéties qui ne se sont pas nécessairement avérées. Donc, à ce moment-là, c'est difficilement vérifiable. Ben, c'est pareil pour n'importe quel scientifique ou. N'importe quel, ce qu'on a appelé comme des. Voyons, il y a un nom pour ça, là, des artistes qui, au niveau de leur création, ont prédit des choses. Même si c'était pas nécessairement le but, mais ça tombe pas tout le temps juste, là. Mais il reste que ça change rien, ça démontre rien. Le fait est que. Ça devient une rationalisation. On dira, ah, ben, c'est un schizophrène. Ben là, c'est parce qu'il est pas mal fonctionnel. Je sais qu'il y a des analphabètes fonctionnels, mais là, quelqu'un en psychose puis qui est fonctionnel à ce point-là, j'en ai jamais vu. Non, exactement. Par contre, c'est sûr que quelqu'un, il y a toujours des arguments. Quelqu'un va dire, ben c'est parce qu'au niveau intellectuel, il est très fort aussi. Il y a une douance où il est plus intelligent, qu'il y a un haut quotient J'en ai vu intellectuel. du monde en psychose, de différents niveaux intellectuels, puis quand ils sont en psychose, ils sont pas fonctionnels. Même quelqu'un qui est proche de 200 de QI, quand il est en psychose, il n'est pas fonctionnel, là. Il est comme dans un état onirique. comme quelqu'un qui rêve, dans son même s'il y a des choses, quand tu rêves, même s'il y a des choses qui n'ont pas de bon sens dans ton rêve, tu t'en rends pas compte parce que t'es dans le rêve. Mais c'est pareil avec des psychotiques que j'ai connus. Ils n'étaient pas fonctionnels quand ils étaient en psychose. Tandis que Bernard, à Montréal, j'ai jamais entendu dire qu'à un moment donné, il avait perdu la carte complètement, puis qu'il n'y avait plus d'hygiène, puis qu'il fonctionnait plus. Oui, quoique j'avais déjà discuté avec quelqu'un qui l'hébergeait en Europe et qui, d'ailleurs, l'enregistrement est encore disponible sur YouTube. Là, ça date de quelques années. En fait, c'était par rapport à une entrevue que j'avais faite avec Jean-Luc qui a duré plusieurs heures. Et lui, ce qu'il mentionnait, c'est que quand il l'hébergeait, il devait lui rappeler d'aller déféquer là, à chaque jour parce que sans ça. Oui, mais ça correspond pas à une psychose, ça. Ça peut correspondre, par contre, à ce qu'on appelle des autistes de haut niveau. Ça arrive des fois qu'à ce niveau-là, ils ont des problèmes. Mais ça Ils peut sont tellement correspondre concentrés à... dans ce qu'ils Oui. font, puis bon, qu'ils oublient certaines affaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils en sont devenus totalement inconscients, parce que si tu y rappelles, là, il va le faire. Tandis que quelqu'un en psychose, il t'écoutera même pas, souvent. Même si tu y rappelles le bon sens, là, il n'en tiendra pas compte. Non, exactement, mais ça peut être le propre de quelqu'un qui vit un état de transe cognitive, comme je le parlais tantôt, altéré de conscience, où il va perdre la notion du temps et de l'espace et des perceptions corporelles. Parce que ça, des phénomènes de fonctionnement comme ça, on voit ça chez, ben comme par exemple Glenn Gould, qui se nourrissait mal, mais lui, ça a plus l'air d'une sorte d'autiste. OK. Donc, bon, probablement que aussi des fois, il y en a de ces cas-là, des fois, ils vont avoir des troubles au niveau de l'appareil urinaire parce que ils passent des heures à faire la même tâche sans aller aux toilettes. Ils écoutent pas leur corps, ils portent pas attention, sont trop détachés. Mais ça, c'est pas comme un schizophrène qui se chie dessus, là. Non, exactement. Par contre, un état de, justement de détachement ou de dépersonnalisation, ce qu'on va appeler un état de conscience prépersonnelle, à ce moment-là, ça peut être propice justement à une perte avec des perceptions sensorielles de base, comme l'envie d'uriner ou de déféquer. Parce que par rapport à ces témoignages-là de M. Jean-Luc, c'est étrange parce qu'il y a plusieurs témoignages de d'autres personnes qui ont connu Bernard puis qui disent que c'était quelqu'un de normal. Mais est-ce qu'ils ont Donc, ça dépend vécu dans avec l'état qu'il lui? était, peut-être. Mais moi, c'est ça ma curiosité. C'est parce que pourquoi j'ai parlé de son témoignage? Parce que lui, il l'a hébergé, donc il a été avec lui plusieurs Ouais. jours consécutifs. C'est pas quelqu'un qui l'a vu pendant quelques heures au restaurant ou lors d'une conférence. Non, non, moi je fais référence à Charles Sabourin, qui voyageait avec, qui était un ami. Bon, il a peut-être eu des conflits à un moment donné, puis c'était plus ou moins proche, mais d'après moi, il était, même si j'en prends puis j'en lisse, d'après moi, il était plus proche de Bernard que le monsieur Jean-Luc. Donc Bernard, ça se peut-tu que quand il l'a hébergé, il était peut-être dans un état spécifique, mais qui n'était pas tout le temps de même, là? Parce que les témoignages qui nous sont rapportés, souvent, Bernard, c'est surprenant à quel point tu es quelqu'un de normal. J'ai jamais entendu dire qu'il était 24 heures sur 24 comme l'autre il décrit, là. Parce Ben, que, je veux dire, il était chauffeur de taxi, imagine, là. Faut que tu t'arrêtes pisser, maintenant. J'ai pas entendu dire qu'il y avait eu des problèmes de rein parce qu'il y avait personne dans le taxi pour lui dire d'aller pisser. non, c'est certain. C'est sûr que bon, Ben là, là. il y a des nuances à faire, en effet, parce que je m'appuie sur un témoignage. D'autres témoignages peuvent dire d'autres choses. Puis il y a des biais de perception de chaque personne avec leur subjectivité qui vont appréhender l'individu d'une manière différente. Hey, être chauffeur de taxi à Montréal, là, faut que tu sois tout là, là. Moi, à un moment Mais donné, je me suis perdu dans Saint-Léonard en allant reporter une cassette vidéo. il faut dire qu'il a fait ça d'une manière temporaire. Je veux dire, il s'est pas Bon, oui. maintenu en emploi pendant 20 ans de temps, là. Non, Ça a mais quand été... même, moi, je serais même pas capable un après-midi. Tu sais, je veux dire, même si, même d'une ville que je connais, là, je suis plus perdu que ça, là. Je suis plus perdu que ça. Je suis même pas capable de chauffer un char. Ben, c'est sûr, ça m'a jamais tant intéressé ni tenté. Je n'ai jamais eu besoin. Mais il reste que Moi, ce qu'on me rapporte, c'est pas aussi extrême que ce que d'autres rapportent, là. Mais il a quand même rapporté lui-même quelque chose d'extrême en conférence. À un moment donné, Bernard de Montréal disait qu'il était sur le point de présenter sa femme à quelqu'un d'autre, puis il ne se rappelait plus de son nom. Ouais, ben ça peut arriver. Ben, je veux Ben, dire, tu sais. ça peut arriver, moi, en tout cas, ça m'arriverait que ma femme, elle serait insultée en maudit. Ouais, je sais bien, là, mais c'est parce que ça, je le vois avec des proches, des fois. J'en ai des proches qu'ils me confondent avec d'autres membres de la famille, là. Mais tu sais, je veux dire, peut-être sur le coup, ça dure quelques secondes, là. Mais il reste que, bon, peut-être, oui, des phénomènes psychiques de même. Peut-être, mais peut-être et tout, Bernard. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que des fois, il forçait la note pour se faire comprendre. Peut-être qu'il en mettait un petit peu des fois. Mais là, d'un autre côté, peut-être qu'il était d'un état d'esprit que spécifiquement, là, tout d'un coup, il l'avait pas. L'information. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller, puis je me rappelais même plus j'étais qui. J'étais entre la veille puis le sommeil. J'étais dans un état psychique anormal. Puis là, mais ça dure quelques minutes. Ben, tu peux être en état de transe, un peu comme l'entre-deux, comme par exemple, s'il y a des gens qui m'écoutent qui font du yoga de type Nidra. Bien, ça va amener un état de conscience parce que plusieurs séances que j'ai faites, j'avais suivi des cours par rapport à ça. Puis j'écoute des fois les enregistrements, il y en a plein sur Internet gratuitement. Bien, à un moment donné, tu ne sais plus qu'est-ce que la personne dit dans la session parce que ton état est entre la veille et le sommeil. Tu perds le fil des propos qui sont tenus. Bon, ben, quand on a beaucoup expérimenté, mettons, parce que quelqu'un qui fait des expériences avec son psychisme, veut pas, il joue avec la mécanique un peu de sa neurologie. Des fois, il y a des phénomènes étranges. Donc, t'sais, ça peut arriver des choses bizarres, là. Ça m'est déjà arrivé en plein milieu d'une épicerie, je me rappelle plus que je fais là. Là, ça me prend quelques minutes. Mais le temps que tu retrouves, puis que tu te réintègres, t'es sur la panique, là. C'est pas des choses bien ben plaisantes. Mais il reste que, peut-être Bernard, bon, des fois, il rapportait des affaires que, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai pas vécu à sa place. Mais il y a tout le fait que, bon, faut pas non plus négliger le fait que Bernard, c'était un être humain, c'est-à-dire qu'il y avait un intérêt. Dans le sens que, ben, le personnage extraordinaire, faut que tu le vendes. Fait que peut-être des fois, il force la note un petit peu pour se faire comprendre. C'est sûr que. Puis aussi, des fois, c'est un exemple montré comment que ça peut être déplaisant quand le psychisme il est mouvant, là. Quand tu as beaucoup expérimenté avec, oui, ça fait des situations étranges des fois. Mais Exact, j'en mais prends puis j'en laisse, non, là, mais t'sais. comme dans toute chose, j'en prends puis en laisse aussi. C'est sûr que dans le fond, ça peut être intéressant de vouloir démystifier le personnage vu qu'il a œuvré sa scène publique. Mais l'idée que Bernard de Montréal, il avait besoin de 24 heures sur 24, qu'il y a quelqu'un qui dise d'aller aux toilettes quand c'était le temps, ça, je crée pas ça. Ah, je ne veux pas nécessairement croire ça non plus. Sauf que, dans le fond, par rapport à cette expérience-là, c'est particulier. Ou le fait que, dans le fond, il disait, bon, quand les forces te branchent, tu n'as plus de mémoire, ils vont enlever du mémoriel. Mais quand que tu te regardes ça avec un autre paradigme, tu peux te poser la question, est-ce que, dans le fond, il vivait des symptômes précoces d'Alzheimer ou est-ce qu'il y avait des pertes de mémoire? Ben, il a l'air d'avoir été lucide jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais ça se fait progressivement. C'est-à-dire, par exemple, Ouais, mais quelqu'un a... ça, c'est quand même quelques années avant de l'Alzheimer. C'est quand même progressif. C'est pas si lent que ça. C'est pas sur 15-20 ans tant que ça. Tu sais, quand j'ai appris que Moses, il était décédé de l'Alzheimer, ça m'a traversé l'esprit de me dire, ben, quand il y avait des pertes de mémoire au début, il pensait peut-être que c'était des symptômes de la fusion. Exact. Donc, mais je pense pas que Bernard, il a pas l'air d'un cas d'Alzheimer, là. Tu sais, je veux dire, pour du monde qui ont jasé avec, même quasiment sur son lit de mort, puis même si on écoute la dernière conférence qu'il fait, qui est quasiment mourant. Oui, Ça c'est ça. correspond pas à quelqu'un qui est en Alzheimer, Non, là. non, exactement. Par contre, quelqu'un pourrait dire qu'il y avait des symptômes qui s'installaient progressivement dans ce sens-là. Ben oui, mais dans l'Alzheimer, tu commences à oublier certaines choses liées à la mémoire à court terme par rapport à des détails. De là à pas te souvenir du nom de ta femme, puis 10 minutes après, tu t'en rappelles, là, c'est spécial, là. Tu sais, je vois pas ça comme. Un Je vois symptôme pas ça. précoce, non? Oh non, non. Il y en a, ils pourront dire, ben, c'était comme de la démence précoce. Mais moi, je trouve, si des années avant, il commençait à faire de la démence précoce, comment ça se fait qu'il est allumé de même à la fin de sa vie? Ça marche pas non plus. Donc, on peut parler d'un cas à phénomène psychique. C'est-à-dire que il y avait un psychisme différent. Ça, c'est évident, là. Mais là, c'est pas nécessairement obligé d'être lié à une pathologie. On n'est pas pour à chaque fois prendre le DSM puis dire, ah, ben c'est ça, puis ça correspond à ça, puis à ça, là. C'est pas nécessairement une pathologie. Sinon, dès que quelqu'un amène quelque chose qui sort des sentiers battus, on va le voir comme un symptôme d'une maladie mentale. Heureusement qu'il y a des fonctionnements différemment puis des accidents au niveau du fonctionnement dans le psychisme humain. Sinon, on sera encore avec des lances puis des fous, tu sais. Oui, on bénéficierait pas de la pensée divergente et créative qui peut émerger dans l'état de transe cognitive. Ben, entre autres, mais je parle juste le fait d'avoir une pensée qui n'est pas fixe nécessairement selon des modes qu'on pourrait dire entre guillemets normaux. Oui, Parce c'est que ça. la découverte, ça arrive souvent par accident ou par erreur ou par. Bon. Il faut que tout ça a une fonction. Je veux dire, même ce qu'on qualifie de maladie mentale, ça a des fonctions au niveau collectif dans l'évolution puis l'histoire des sociétés. Souvent, c'est comment est-ce qu'on définit quelqu'un de normal, un esprit sain normal? C'est parce qu'on ce qu'on connaît de ce qui est anormal puis ce qui est pas sain. C'est parce qu'il y a des malades mentaux qu'on a pu rationaliser c'est quoi un esprit sain ou quelqu'un de normal, entre guillemets. Je veux dire, dans le fond, là. Heureusement que, parce qu'on le veuille ou pas, l'intellect, c'est un mode de pensée analogique. Donc, heureusement qu'il y a des affaires qui bifurquent, puis sinon, on n'aurait même pas la pensée. On n'aurait même jamais développé l'intellect. On serait des machines qui obéissent à des stimuli, puis qui répètent les mêmes affaires tout le temps. Il n'y aurait pas de conscience. Je veux dire, c'est quasiment anormal, la conscience. C'est même, on pourrait dire paranormal. Le seul fait d'être conscient, puis d'avoir. Le seul fait que l'être humain ait développé une conscience de sa conscience, c'est dans le paranormal pas mal, là. Sinon, on serait comme une roche ou un insecte, là. C'est. Fait que finalement, bon, Bernard, moi, je le considère pas comme un malade mental. Peut-être qu'il y avait des névroses comme tout le monde. Mais là, à un moment donné, il ne faut pas virer fou, puis prendre le DSM, puis avoir des symptômes dans tout, partout, tout le temps, dès que ça bifurque un peu. Sinon, on va déclarer tout le monde malade mental. Parce que tout le monde a des névroses, tout le monde a des troubles, tout le monde a des. Oui, bien, tout le monde peut porter certains éléments qui peuvent être interprétés comme étant pathologiques, mais ce qui devient problématique, c'est une question de dosage. Ben oui, parce que est-ce que la personne est fonctionnelle? Bon, c'est ça que je regarde. Comment ça va le social? Comment ça va. La vie familiale, ensuite le C'est rapport aux ça. enfants. Donc, on peut faire une étude des différentes sphères de vie de la personne pour voir si elle est capable de fonctionner. Ensuite, au niveau financier, gérer son budget, hygiène corporelle, ainsi de suite. Donc, dans une Ben évaluation oui. psychosociale. Parce que sinon, ça revient à envoyer à scrap un char parce qu'il y a de la rouille sur le côté. Bon, le char, il marche-tu? Il fonctionne? Bon. C'est ça. Mais je voulais t'amener aussi à parler du phénomène d'entendre des voix. Parce que dans la conception occidentale, la schizophrénie, l'un des symptômes clairs, c'est si la personne dit entendre des voix, délire hallucinatoire, la personne, on va lui mettre l'étiquette de schizophrène, c'est automatique. On ne peut pas reconnaître l'existence d'entités qui insufflent de l'information que la personne peut capter. C'est indigeste pour les scientifiques matérialistes. Donc, le fait que Bernard de Montréal disait régulièrement dans ses enregistrements qu'il entendait des voix. Je voulais voir un petit peu la façon que tu percevais ça, parce que sur une perspective matérialiste conventionnelle, on va dire que c'est le fruit d'hallucination qui est symptôme de la schizophrénie. Bernard, il a jamais parlé, genre j'entends des voix comme le dirait un schizophrène. Ben, il va me dire, ils me disent que. Oui. De la Bon. même façon que moi, tout des fois, ça me dit que, mais c'est juste que la pensée va prendre des formes, puis ces formes-là, ça va être des mots. Comme par exemple, quelqu'un qui a un ver d'oreille, là, qui entend Martine Sinclair dans sa tête, là, c'est-tu des hallucinations auditives? Pourtant, il entend une voix. C'est une rémunération du mémoriel qui peut être activée par le cerveau à certains moments donnés que le Ben, c'est une néocortex forme. prend conscience. Il va avoir des longueurs d'onde au niveau des longueurs d'onde au niveau de l'activité dans le cerveau, puis ça va prendre une forme. Donc oui, les réminiscences, parce que le cerveau, il fonctionne par il répète des affaires, puis bon. C'est lié à la mécanique mnésique, entre autres. Mais il faut pas non plus, dès que la personne a dit dans le fond, on entend toutes des voix, qu'on le veuille ou pas. L'affaire, c'est que le schizophrène, lui, ça, c'est invasif. C'est en dehors de sa volonté, c'est invasif. Mais j'ai jamais considéré comme quand Bernard, il parle, il me dit ce que, puis tout, que c'était invasif ou que ça avait une forme comme des hallucinations auditives. Ça avait pas. Moi, c'est un peu comme certains scientifiques qui vont avoir ils vont faire des découvertes par visualisation. Tout d'un coup, ils voient de quoi? On va-tu dire c'est une hallucination, c'est un schizophrène? Bien, il y a certains scientifiques qui vont sans doute dire, ah, c'est une hallucination visuelle. Votre cerveau, il y a comme des airs qui sont C'est dissociés, parce il que ça manque de revient à dire que congruence. tous les plus grands artistes, tous les plus grands découvreurs, tous les plus grands scientifiques, tous les visionnaires, prendre bien comme il faut le mot visionnaire, c'est tous des schizophrènes. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas de bon sens de mettre cette étiquette-là, réductionniste à tout le Yeah, monde. là, c'est parce que ce monde-là qui vont voir de la maladie mentale partout, puis tout, c'est du monde, ne sont pas créatifs. Ils sont pas créatifs, ils comprennent pas c'est quoi de l'intelligence créative réelle. C'est des êtres mécaniques, puis morts. Moi, dans mes yeux, ça revient à être mort. Puis eux autres, tout ce qu'ils savent faire, c'est catégoriser. Ils sont comme un obsessif compulsif qui classe des affaires. Puis ils sont limités. Donc, ça devient facile parce que ça les rassure de tout mettre dans des catégories. Comme ça, ils peuvent appréhender le monde de l'inconnu, ce qui leur fait peur. Donc, on a l'impression d'être en contrôle en créant des catégories, ça donne un sentiment de sécurité, Ben, ça. c'est qui les malades, dans le fond? Moi, je trouve que c'est de la folie. C'est être tellement limité, c'est être tellement mort en dedans, puis être tellement apeuré par l'inconnu que c'est aussi bien de... Ben, c'est ça, parce que là, plus qu'on le parle, plus que ça me fait penser que ça peut être une forme de mécanisme de défense pour se prémunir de l'angoisse par rapport à l'inconnu, de mettre ça dans Oui. des catégories pour donner un sentiment de contrôle à l'individu. C'est ça. À un moment donné, on voit des choses se répéter. On vient, on a l'œil. C'est souvent du monde faible qui vont avoir ces réflexes-là. Puis après, tu regardes leur enfance, tu te rends compte de, ah, ben, Doc Mayou, il était plus petit que les autres, puis sa mère a dit qu'il chignait, puis. Bon. Fait que, à un moment donné, c'est parce que tout est à double tranchant. Parce qu'il n'y a pas juste ceux qui sont obsédés par l'analyse qui ont une capacité d'analyse, là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, juge pas trop si tu veux pas être jugé. Quelqu'un que ça ne dérange pas d'être jugé, il s'en fout. Puis il va exercer son jugement pareil. Mais par contre, quelqu'un qui veut pas trop être jugé ou qui a peur qu'il donne de l'importance au regard des autres, ben là, il est fait, là. Parce qu'il y a des retours à un moment donné. Il y a des. Plus on essaie de cacher de quoi, plus ça paraît. Fait qu'à un moment donné, là, c'est du monde. ils ont peur de l'inconnu. C'est de la peur, dans le fond, de catégoriser tout en ça, c'est de la schizophrénie, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Ben là, c'est parce que tu viens de réduire ton champ possible de découverte. Fait que c'est du monde anti-créatif, ça. Si on n'avait rien que du monde de même, la société, ça serait pas passé grand-chose, là. Non, ben ça a été juste de la répétition du mémorial lié au passé, d'une personne à l'autre, là. Ouais. Fait que ça fait du monde. Il y a une âme, mais il n'y a pas d'esprit. Par contre, c'est sûr que ça peut, si je regarde l'activité du Loch Mayhew en contrepartie, il peut, dans le fond, en étant très critique par rapport à tout ce qui est paranormal, amener de la conscientisation chez des gens pour qu'ils évitent de sombrer dans la pensée magique, voire le Ben délire oui. sectaire. Ben c'est ça, sa job. C'est sa fonction. Ben oui, il a fait comme faut. Là-dessus, j'ai rien à dire. Par contre, quand que au niveau de l'exploration puis de trouver du nouveau, par exemple, c'est plus sa job. Lui, il est un petit peu là pour ramener à l'ordre ce qui bifurque trop, Ce qui déborde trop, là. Ouais, ce qui est pas fonctionnel c'est en ça. société. Mais en même temps, quand je l'écoute, ces enregistrements, je remets en question toute la notion de fusionner, de contacter, parce que ça demeure quand même abstrait. T'sais, ça fait des années qu'on parle de conscience ensemble. Puis l'esprit, c'est pas tangible. Même chose pour le plan astral, c'est pas des trucs qu'on. Moi, je trouve ça très tangible. Vas-y. Ben, je veux dire, j'ai rien d'autre à dire. Je le trouve très tangible dans le sens que pour moi, c'est une expérience objective. Tu sais, qu'on m'explique comment ça se fait. Donc, comme juste les schizophrènes, il y a des patterns qui se répètent, hein? On voit des atavismes qui reviennent tout le temps. Ben, il faut qu'il y ait quelque chose d'enregistré quelque part pour que ça agisse de même. Là, les théories, la science, puis tout, là, sont limitées, là. Ils sont pas Excuse-moi, capables peux-tu d'expliquer définir le ça. mot atavisme? Un atavisme, c'est des choses qui reviennent. C'est-à-dire que tu vas voir ça dans différentes cultures, même des cultures qui se sont jamais côtoyées ou qu'il y a pas de... Ils ont aucun contact. Pourtant, les mêmes archétypes vont revenir. Faut que l'information soit enregistrée quelque part. Et c'est un petit peu comme les schizophrènes. Peu importe le pays, les délires vont se ressembler, puis ça va obéir à ça obéit à des structures assez semblables. Tellement que des fois, on peut se demander s'il n'y a pas la volonté de quelque chose derrière. Tellement c'est répétitif, puis que ça va tout le temps dans les mêmes patterns. Comment ça se fait que la plupart des schizophrènes que j'ai connus, par exemple, ils ont des délires religieux. C'est-à-dire, pas que la religion, c'est délirant, mais leur délire va se servir des formes. Là, c'est là, on tombe plus dans ce qui est jungien, c'est-à-dire les archétypes, ces formes-là. Puis, pourquoi, puis là, on va dire, il y a des forces, mais là, sans le prendre au niveau occulte, c'est-à-dire qu'on voit un effet, puis il y a quelque chose qui s'exerce, il y a un effet, tu sais, il se passe quelque chose, donc on va dire, il y a une force. Mais pas obligé de le voir comme occulte ou une force occulte, là. Sans faire de l'antithisation. C'est ça. C'est sûr que dans le fond, ben comme le Doc Mayhew va dire, ben dans un contexte rural, de la campagne, ça se peut que les gens délirent plus sa religion. Puis dans un contexte urbain, dans les villes, c'est plus les extraterrestres. Puis si la personne elle Ça vient de revient au l'Europe même. de l'Est, ça va être la peur du KGB puis des espions russes. Mais si on regarde derrière les formes, on voit que c'est les mêmes délais, mais qui utilisent d'autres formes. Mais c'est les mêmes forces. C'est-à-dire, ces forces-là, l'énergie va s'écouler vers où ça passe, comme de l'eau, ça coule par les cracks d'où ça tombe, où ça passe. Donc, ces forces-là vont utiliser les formes qui fonctionnent. Donc, c'est juste une affaire de contexte. C'est-à-dire, c'est clair que le délire, ça ne marchera pas, le délire religieux, avec un athée qui est venu au monde de Moscou. Donc, là, ça va prendre d'autres formes. Mais le mouvement qu'il y a derrière, puis les forces agissantes derrière, sont les mêmes. Peu importe la culture, peu importe le contexte, c'est juste ça change de forme. Ça va prendre des formes qui fonctionnent pour s'exprimer. C'est là que on peut regarder même derrière la notion d'archétype, on peut aller encore plus loin. Puis voir que c'est de tout temps, puis que ça a tout le temps été. Mais Il reste que, bon, celui-là qui délire pas sur les anges, il va délirer sur les extraterrestres en même temps qu'il y a du monde pas délirant qui vont s'intéresser à ces affaires-là. Mais ça va utiliser des formes, c'est tout. Ça veut pas. Dans le fond, c'est pas les formes qu'il faut regarder. C'est la mécanique. Mais c'est justement, c'est quoi qui utilise les formes? Est-ce que c'est une énergie cosmique universelle? C'est quoi? C'est de l'information enregistrée. C'est de. C'est là qu'on tombe dans quelque chose que faut regarder plus loin que le psychocellulaire. C'est-à-dire que on voit qu'il y a des patterns qui se répètent. C'est-à-dire donc qu'il y a quelque chose qui s'enregistre au niveau expérimental. C'est un peu comme les expériences qu'il y avait eues, que tu prends des singes d'une même espèce. Tu apprends quelque chose à un singe, puis les autres singes l'ont appris sans qu'il y ait de contact. Oui, ben Rupert Sheldrake là, parlait du cas du singe, par exemple, qui va nettoyer là, une patate dans l'eau. Ben, il va mettre tremper la patate dans l'eau, puis là, la patate va goûter salée, c'est bon. Puis des singes sur une autre île qui n'ont pas de contact avec le groupe de singes du Nil qui expérimentent ça vont avoir le même comportement en même temps. C'est là qu'on peut parler d'une cinquième dimension, l'âme. Bon, c'est un champ où il y a de l'information qui s'enregistre, il y a des mouvements, il y a des choses qui se passent dans cette dimensionnalité-là, qui est un petit peu plus subtile que la densité psychomatérielle cellulaire comme on la conçoit. Donc, les forces dont je parle, qui vont utiliser des formes, puis tout, c'est dans cette dimension-là qu'ils agissent. Mais là, on n'est même pas dans le paranormal tant qu'à moi. Parce que, pourquoi on va appeler ça du paranormal? Parce que c'est encore de l'inconnu. Oui, ben d'une perspective matérialiste réductionniste, on va interpréter ça comme paranormal parce que pour eux, la normalité, c'est ce qui est tangible, comme une table, quelque chose qui est matériel. En dehors Ben, de ça, c'est parent. prends juste des virus puis des bactéries. Son recul d'il y a 300 ans, c'est de l'invisible. C'était de l'invisible, c'est du paranormal. Tandis qu'aujourd'hui, on peut les appréhender au microscope. C'est ça. C'est pour ça que ce que je te parle là, qui se passe dans cette dimensionnalité-là, qui est entre guillemets plus subtile, c'est pas nécessairement immatériel, mais c'est plus subtil au sens de notre compréhension. Mais il reste qu'on voit qu'il y a une mécanique, au point où on peut expérimenter avec. Exactement, mais vu qu'on a des sens limités, c'est un petit peu comme la vision qui ne permet pas de voir les infrarouges. Donc, c'est un petit peu ou les ondes cellulaires, mais on peut les avec Ouais. des appareils techniques, on peut les appréhender. Mais c'est sûr que, Ben, ouais. c'était un peu comme il y avait un chirurgien, il disait, et quand il enseignait l'anatomie, puis il faisait des dissections devant ses élèves, puis lui, il niait l'existence de l'âme, puis il disait, vous trouverez jamais l'âme sous votre scalpel. Un peu comme si, bon, ben là, j'ai une radio, puis là, on capte la station de Radio-Canada. Mais si je démonte la radio, je ne trouverai pas le studio de radio de Radio-Canada, donc ça n'existe pas. Dans le fond, c'est extrêmement limité. C'est pour ça que ces gens-là, souvent, ça va devenir des professeurs ou des communicateurs, ça va devenir des personnalités comme ben, des professeurs, dans le fond. Pourquoi? Parce qu'eux autres, leur fonction, c'est de transmettre du connu. Pas de découvrir de l'inconnu, ils sont trop limités pour ça. Ça, c'est d'autres qui vont avoir ce job-là, du monde qui sont plus créatifs. Exact, mais comme Doc Mayhew, moi je trouve que c'est un très bon vulgarisateur dans le sens qu'il va mener les choses avec Ah simplicité, il va oui. répéter, puis il va Ben, il illustrer fait ça. bien sa job et tout. Mais il y a les fonctions de sa job. C'est Ouais. comme une fourmilière, bon, ben, le soldat, il n'est pas capable de cultiver du champignon parce que c'est pas ça sa fonction. Tandis que, bon, telle autre fourmi, elle, est programmée pour faire telle autre fonction. Mais là, le docteur Mayhew, quand il commence à sortir de son. De un moment donné, il entre dans un champ qui n'est pas le sien. Donc, c'est limité, c'est normal. C'est Là, il est dans le correct champ. aussi. C'est ça. Mais c'est pas grave. Mais comme communicateur, comme professeur, il est excellent, mais il ne fera jamais de découverte. C'est pas ça sa job, puis il a pas été conçu par la nature pour ça. Parce que pour ça, ça prend ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, en science, une âme d'artiste, un peu. Puis ça, ben, c'est un autre type de personnalité qui font des découvertes. C'est complètement différent. C'est pas la même fonction, c'est pas la même fourmi. Oui, ben on va parler entre autres d'initiés qui vont amener des nouvelles idées par rapport à une collectivité, une civilisation, d'où le concept d'être fusionné auquel je faisais référence tantôt. Donc, est-ce à dire que des gens de la science conventionnelle, matérialiste, dans le fond, ça sert à rien de vouloir leur présenter de l'information d'une perspective post-matérialiste ou autre parce qu'ils Ben non. n'ont pas la capacité d'intégrer une vision De plus toute façon, élargie? une fois que tu as fait une découverte, tu as juste à démontrer ta découverte. Puis là, le collectif n'a pas le choix. Mais ça ne donne rien en attendant d'essayer de démontrer une théorie ou de la rentrer de force dans la tête de du monde qui pense pas ça, là. Ça, c'est gaspiller de l'énergie. Non, non, quelqu'un de créatif, il faut qu'il mette son énergie à faire sa job, pas à convaincre les autres. Non, Une non, je fois qu'il a comprends. fait sa job, qu'il a découvert de quoi de nouveau, là, il peut l'amener puis le mettre dans la face des autres, puis ils n'ont pas le choix. C'est de même qu'on fait une découverte, qu'on amène des découvertes. Mais ça donne rien de faire des débats idéologiques à pu finir, puis d'aller s'astiner avec le monde qui ne sont pas d'accord. Ça, c'est une perte d'énergie. C'est pour ça que prends un peintre, par exemple, qui serait un créatif, puis tout, ben, il va être dans son atelier à peindre. Il va pas aller s'astiner aux beaux-arts avec du monde d'un autre courant pour essayer de les convaincre que c'est lui qui a raison. Il va rester dans son atelier à peindre. Oui, exactement. Il va se concentrer sur son art plutôt que d'aller dans des débats théoriques par rapport à c'est quoi la meilleure façon d'exprimer l'art, là. Ben oui. Ben c'est pour ça que ça donne à rien là, de s'astiner avec le monde ou d'essayer de les convaincre. C'est pas de même qu'on découvre du nouveau. Ça, c'est comme c'est du chiquage de guenilles, c'est du ruminage, ça sert à rien. Puis quelqu'un qui fait ça, il se crée des oppositions. Puis là, il y a un piège, là, il y a une partie de son énergie qui va être mobilisée à tenir sa position. Mais il devient statique, puis il y a plus de mouvement, il n'y a plus rien, puis là, il se coupe. Il devient de l'âme, puis il n'y a plus d'esprit, il se coupe. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il se coupe des autres en restant tout seul dans sa bulle à faire son œuvre, parce qu'à ce Exact. moment-là, il n'est pas nourri d'échanges d'idées avec les autres. Ben, faut qu'il y ait un entre-deux. C'est là que j'allais en venir, parce qu'après tout, Bernard de Montréal disait on n'est pas intelligent tout seul. Ouais, mais ça, c'est sûr, parce que l'intelligence, c'est collectif. Et là, à ce moment-là, ça amène l'enjeu à savoir jusqu'où tu dévoiles des choses ou présentes des choses. Parce que si tu restes tout seul dans ta bulle, tu bénéficies pas de l'intelligence des autres. Mais en même temps, si tu présentes des informations qui sont indigestes pour les autres, tu crées des chocs. Oui, mais d'un autre côté, c'est comme quand il disait oh, boire du coke, là. Donc, c'est pour ça que c'est une question de discernement. Les extrêmes, c'est jamais bon. Mais c'est un peu comme il y en a un Allemand qui a passé pour un fou pendant des décennies. Il étudiait les abeilles. Puis il pensait que les abeilles avaient un langage. Il a passé, mais il n'était pas fou fou, là. C'est pas, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il a pu démontrer sa théorie. Bon, mais il reste qu'il était pas complètement coupé du monde. Ça sert à quoi de découvrir des choses si tu meurs avec? S'il avait été complètement coupé du monde, puis juste à celle-là, ça devient un savant fou, là. Parce que ce qu'il découvre sert à rien. Ça ira jamais nulle part. Il n'y a pas d'intégration par le collectif, la société. C'est pour ça que c'est pas bon d'être antisocial. Oui, puis en même temps, c'est pas bon de chercher la popularité en étant complaisant avec le public. Ouais, ben là, c'est parce que ça devient, c'est comme une putain, là. C'est bon, c'est pas mieux non plus, mais il y en a. Mais c'est pas eux autres qui font des découvertes. C'est des champions du marketing. Mais il reste que, bon, c'est un peu comme un musicien qui fait du pop. Il peut faire des hits, puis tout. Mais 125 ans après, c'est pas le pop qui reste. C'est pas ça la grande musique, tu sais, c'est pas ça, c'est comme du fast-food. Mais là, à un moment donné, la personne, il faut qu'elle fasse des choix. Mais il y en a qui sont faites pour faire du fast-food, sont faites pour, bon... Ben, c'est correct, tu sais, je veux dire... L'affaire, c'est que... Comprendre que c'est justement... Elle a la vraie diversité qui enrichit pour vrai. Dans le sens, il y a différents types psychiques, il y a différentes personnalités. Puis, dès qu'ils sont trop occupés à se confronter entre eux autres, il y a une perte d'énergie. Donc, bon, ils sont pas Si centrés. en même temps, simultanément, ils ne sont pas occupés à se confronter entre eux, ils ont une stagnation de l'énergie. Ouais, ben c'est pour ça que je te dis comme il y a un entre-deux. C'est une question de discernement. Mais quelqu'un qui est. Il y en a qui ont besoin de ce stimuli-là. Ce qu'on pourrait appeler de la saine compétition. Bon, c'est correct aussi, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Mais des fois, c'est juste un exercice aussi, là. Exactement. Donc, sinon, dans un autre ordre d'idées, parce que dans les dernières vidéos, tu as fait allusion au Dalai Lama, parce qu'il y a eu un scandale en lien avec celui que certains appellent l'océan de sagesse, ou par rapport à un jeune garçon, alors qu'il était filmé devant une assemblée de personnes, il a demandé à un jeune de monter là, proche de lui. De se rapprocher de lui. Bon, il l'a embrassé sur la bouche, l'a caressé et il a demandé de sucer sa langue. Et là, ça a créé un scandale là, sur les réseaux sociaux. Et par rapport à ça, c'est sûr que il y a beaucoup de personnes qui ont vécu un choc, moi-même étant occidentaux. Là, il y a des gens qui ont essayé de récupérer en disant, c'est une coutume tibétaine de montrer la langue parce qu'il avait sorti la langue, puis d'essayer de dire qu'au Tibet, ils ont un humour particulier par rapport à ça. Mais moi, c'est sûr que j'avais envie là, de t'entendre là, par rapport à cet incident qui implique cet individu qu'on dit là, océan de sagesse. Ben là, dans le contexte tibétain, comme par exemple un parent ou un grand-parent peut dire ça à un enfant, genre en voulant dire « je t'ai tout donné, veux-tu en plus mon sang? » Tu sais. C'est une façon de faire de l'humour un peu. Mais le contexte s'y prête pas, parce que c'est pas quelqu'un de sa famille, puis c'est un enfant indien. Je veux dire, c'est clair que c'est pas dans un contexte tibétain familial comme on voit d'habitude ce genre de choses-là. C'est surtout un manque de discernement. Il s'est déplacé. Ça peut être de l'humour, mais c'était déplacé. Ça vient démontrer un manque de discernement. Sinon, j'avais trouvé intéressante dans ce cas-là particulier l'hypothèse Doug Mayhew qui disait que il faisait peut-être une forme de démence précoce qui amenait à enlever les inhibitions. Non, ça allait le réflexe de catégoriser selon son paradigme à lui. Mais le Dalai Lama, en tant que personnage politique, puis tout l'argent qu'ils ont à gérer, puis tous les comités à la tête desquels il est, à Dharamsala, puis tout, s'il était démence sénile, il pourrait pas, là. T'sais, il n'y aura pas du monde pour faire la job à sa place comme Biden, là. Je veux dire, non, il a encore toute sa tête. En plus, les Asiatiques, d'habitude, bon, surtout quand ils ont eu une bonne vie, puis tout, d'habitude, ils sont pas séniles précoces, là. C'est du monde qui garde toute leur tête longtemps. Mais il risque, non, je vois pas ça comme de la démence précoce. Ça, c'est parce que ça l'arrange de penser ça. Mais moi, je pense que ça peut être quand même mérité d'être pris en considération dans le sens que si quelqu'un avait une inclinaison pédophile qui est en latence depuis longtemps et qu'un contexte de vie ferait en sorte qu'il y aurait moins d'inhibition, peut-être que ça chercherait plus cette tendance-là à s'extérioriser vu qu'il y aurait moins Je d'inhibition pour pense la pas que. restreindre. Ben, moi, je pense pas. Si on comprend un petit peu le contexte des Tibétains, puis là, bon. Moi, je trouve que ça ressemble pas à ça, là. C'est sûr, c'est déplacé, puis c'était un petit peu trop. Mais il risque. Les pédophiles, d'après moi, le fantasme, c'est pas de se faire sucer la langue. C'est peut-être d'autres choses, sauf que s'il perd encore de l'inhibition, peut-être que Ça, c'est le volet public, mais peut-être qu'en privé, il aurait demandé d'autres choses, de se faire sucer par le jeune garçon. Moi, je vois surtout quelqu'un qui, justement, qui vient d'une culture, bon, quand on connaît un petit peu la culture tibétaine, c'est pas du monde qui a une hygiène extraordinaire, puis c'est d'autres coutumes, puis bon. Moi, à mes yeux, les cultures s'équivalent pas toutes, là, puis je les ai tout le temps trouvées, eux autres, bon, sans vouloir. Bon, mettons que c'est pas ma culture préférée, puis bon, moi, je trouve que ça fit avec le personnage, là. Je veux dire, c'est vrai qu'ils sont de même. Ils sont déplacés un petit peu, puis bon, il y a une façon différente de voir. Puis oui, il y a une espèce de nonchalance. Mais je trouve pas que ça a l'air. Mais il reste que c'est un manque de discernement. Je veux dire, si la personne, après avoir supposément que c'est la 14e réincarnation, puis là, c'est une âme qui a tellement d'expérience, puis que les hauteurs spirituelles, puis tout, bon, ben, quelqu'un comme ça agit pas de même. Mais il reste que oui, avec l'âge, c'est sûr qu'il doit avoir, au niveau cognitif, il doit pas être comme il y a quand il y avait 20 ans. Mais il reste de là à sauter aux conclusions, de dire, ah ben là, c'est peut-être les inhibitions. Non, moi, je trouve qu'il est exactement comme il a tout le temps été. Le Dalai Lama, moi, je l'ai tout le temps trouvé nonchalant dans ses propos, puis qui réfléchit pas bien, bien. Quelqu'un qui a du discernement n'a pas besoin de réfléchir à tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Mais il reste que, il y a cette espèce de côté désinvolte qu'il a tout le temps eu. Il a tout le temps eu un petit côté grand enfant. Je veux dire, on a affaire à quelqu'un qui a jamais ri. Tu sais, être Dalai Lama, c'est pas comme être jobber dans une usine, là. Tu C'est sais, je veux certain. dire, c'est quelqu'un qui a eu une vie un petit peu. C'est un petit peu des. Tu sais, c'est du. En tout cas, ils mettent aussi sur un certain piédestal une certaine nonchalance, puis une certaine. Bon, j'appellerais pas ça de la paresse, là, mais. Disons que moi, j'ai l'impression que les gens sont peut-être aveuglés par son rôle et son titre à la fois spirituel et politique qui Ben va oui, c'est faire qu'ils vont sûr. lui permettre des choses qu'autrement, ça ne serait C'est pas sûr. permise. Mais le monde, ils ne connaissent pas la culture tibétaine. Ils ne savent pas à quel point c'est un des recoins les plus barbares qu'il y a jamais Ben, eu. ouais. Je veux dire, l'esclavage est institutionnalisé au Tibet, puis tu venais au monde d'esclaves, il y a des enfants qui avaient de. Je veux dire, le Dalai Lama lui-même, les cérémonies magiques liées à l'ancien chamanisme tibétain, qui après ça qui a été couplé au bouddhisme. Les pratiques qu'ils ont, ils n'ont pas de respect de la vie humaine, ben, ben. Je veux dire, même quand tu fais du mal, ça c'est bon pour le karma de la personne. Je veux dire, ah, ben, c'est pas grave d'arracher les yeux d'un enfant d'esclave, ça va être bon pour sa prochaine vie. C'est du monde arriéré. Moi, je les considère comme des barbares puis des arriérés, les Tibétains. Puis, c'est une culture que je déteste. Ben, franchement, c'est pour ça que je suis pas objectif. Je suis pas vraiment objectif. J'ai tout le temps été. Ben, Bon, c'est ça, c'est disons que c'est. une culture qui mérite en effet d'être critiquée, puis de mon Ben, tu sais, je veux côté. dire, ils se lavent pas, puis bon. Tu sais, je veux dire, l'image que j'ai, moi, du Tibet, qu'ils sont à 30 ans, puis ils ont une face de 70 ans. T'sais, là, ils ont dit, oui, mais c'est une vie rude, puis oui, mais ça s'est jamais développé. C'est pas le seul pays que c'est rude, là. Mais ils sont sclérosés par une culture. Qui fait que c'est des tarés tant qu'à moi. C'est des torts, là, sociétal, culturel. Puis ce qui ont dû engendrer des torts génétiques aussi. Donc, c'est une culture, c'était une dictature théocratique, le Tibet. Les lamas étaient en haut de tout. Pourquoi que les Chinois, ils veulent pas que les enfants aillent dans les monastères avant d'avoir de 16 à 18 ans? Parce qu'il y a eu de l'esclavage sexuel depuis longtemps, puis c'est connu, puis c'était normal. C'est sûr que peut-être qu'il y a de l'inhibition, mais il faut comprendre que c'est une culture où il y a des affaires dans leur culture que pour eux autres, c'est normal, tandis que ça devrait pas l'être. Mais c'est une culture de même. Mais là, depuis qu'il y avait eu là, il y a eu une nazification de l'Amérique après la Deuxième Guerre mondiale, puis là, c'est les nazis qui avaient des rapports avec le Tibet. Puis après, la chute des nazis, puis tout, là, c'était un petit peu les Américains puis la CIA qui ont eu pour des raisons politiques, qui ont eu des intérêts pour le Tibet. C'est la CIA qui lui ont payé une villa à Garam Sala. Puis finalement, après, dans les années 70, fin 60, début 70, les jeunes par les Beatles puis les services anglais qui s'est créé un intérêt pour les spiritualités en Inde, ben là, c'est un petit peu les hippies qui ont ouvert la porte au Tibet, parce qu'il y en a qui sont allés en Inde, c'était pas nécessairement pour avoir un contact avec le bouddhisme puis le bouddhisme tibétain, mais finalement, les hasards de la vie puis les choses ont fait qu'il y en a qui se sont ramassés dans le bouddhisme tibétain. Mais il reste que c'est parce que pour des raisons politiques puis des intérêts que le Dalai Lama il a reçu le prix Nobel de la paix, tandis que dans le fond, il a rien fait pour ça, là, comme d'habitude. Puis moi, à chaque fois que quelqu'un reçoit le prix Nobel de la paix, je me demande c'est quoi ses crimes, souvent. C'est, tu sais, je veux dire, Ben, à c'est une bonne date. question. Ben, moi, de ce que j'avais compris, c'est que c'était la résistance non violente là, par rapport à la Chine. Donc, au lieu de dire aux gens de prendre les armes, il va militer pour qu'il y ait une solution pacifique pour en venir à Le l'indépendance du Tibet, Tibet. ça n'a jamais été un pays indépendant. Ça a tout le temps été un protectorat de la Chine, ça depuis le temps des premières dynasties mongoles en Chine. Ça n'a jamais été un pays indépendant, le Tibet. C'est un royaume qui était un protectorat de la Chine. Là, ça a été récupéré. À un moment donné, les Chinois ils ont pris la décision qu'il fallait peut-être que ça évolue un petit peu, là. Parce que c'était une théocratie figée dans le temps depuis. À un moment donné, eux autres, ils ont dit, ben là, il faudrait peut-être exploiter les ressources mieux que ça. Puis tout, ils voulaient même pas fournir d'outils aux paysans, qui étaient des serfs, dans le fond, c'était de l'esclavage. Puis ils voulaient encore qu'ils travaillent comme il y a 1000 ans. Le monde était traité comme de la merde au Tibet. Puis c'est les Chinois, dans le fond, qui ont essayé de les civiliser, si on peut dire, que ça évolue un petit peu. Donc, ils ont Mais, sorti d'une stagnation énergétique. ben, c'est l'élite lamaïste qui était pas contente, puis qui a fui en Inde. Parce qu'eux autres, ils étaient à la tête de tout, puis ils faisaient du monde, ils travaillaient pas, puis c'est des serviteurs qui se font. Je pense qu'ils se torchaient même pas eux-mêmes. Fait que là, c'est sûr qu'ils sont pas contents, mais il reste que le Tibet, ça n'a jamais été un royaume réellement indépendant, c'est un protectorat de la Chine depuis des siècles. Mais c'est même d'ailleurs, c'est la Chine qui a tout le temps protégé ce royaume-là, qui a fait que ça n'a pas été envahi par d'autres, puis. Finalement, c'est l'histoire de l'Asie n'est pas très connue. Les Occidentaux sont très ignorants de l'histoire de tous ces royaumes-là, puis de comme le Népal, puis tous ces raccoins-là, là. Mais il reste que, moi, à mes yeux, j'en vois pas je veux dire, ils résistent à quoi? Ils résistent au fait que leurs protecteurs ont décidé qu'ils changeaient la société. Puis eux autres sont pas d'accord, ils voulaient rester en haut de ça, puis se faire servir, puis rester enfermés dans leur tradition d'affaires. Dans le fond, il y a un mélange entre le bouddhisme et la magie noire. Il y a des sutras bouddhistes que les Dalai Lama ils ont enlevés parce que ça faisait pas leur affaire, parce que justement, le Dalai Lama va être considéré comme un théocrate, c'est une divinité incarnée. Tandis qu'il n'y a rien dans le Bouddha qui dit que, dans le bouddhisme qui dit que il y a des hommes dieux comme le Dalai Lama, puis tout le monde leur doit obéissance. C'est quoi ces folies-là? Dans le fond, ils servent du bouddhisme pour justifier une dictature qui a gardé le peuple dans l'ignorance puis dans l'arriérage pendant des siècles, puis que ça faisait pitié, là. Je Oui, veux ben, il y dire. a des documentaires que j'ai partagés, toi aussi, en lien avec ça, des derniers jours. Fait que moi, je trouve que ça a été utile, l'incident, par rapport au Dalai Lama, parce que ça m'a amené à prendre connaissance de beaucoup de choses. Puis toutes les horreurs qui avaient cours avant l'envahissement de la Chine, parce que en Occident, dans les films, comme par exemple, j'avais eu le film 7 ans au Tibet, là, mettant en vedette Brad Pitt, là, il y a plusieurs années, à la fin des années 1990, qui nous faisait aimer les Tibétains. Puis il y en a d'autres aussi pour faire la propagande, mais. La propagande médiatique nous amenait à voir comme les Tibétains étant les bons, puis les Chinois les méchants agresseurs qu'ils ont envahis. Tandis que quand les Chinois sont rentrés là, puis qu'ils ont brûlé les titres de propriété des lamas, puis qu'ils ont redonné des terres aux paysans, ils ont été accueillis en libérateurs. C'était un système, c'était même plus arriéré que du féodal Moyen-Âgeux. Donc, encore une fois, les médias ont fait une inversion des réalités pour nous présenter les Chinois comme étant les méchants, puis les Tibétains les bons, alors qu'en réalité, peut-être les Chinois ont plus fait pour l'émancipation des Tibétains que les lamas qui étaient au pouvoir là, avec la dictature millénaire. Ben oui, ben à mes yeux, c'est une évidence. Mais pourquoi T'sais, que Hollywood n'en parle pas, puis TVA non plus, puis... ben Hollywood, c'est la machine de propagande des Américains. Puis ça, ils ont intérêt à donner cette image-là. Mais c'est comme 7 ans au Tibet, moi, il y a du monde, ils voulaient que j'écoute ça. Je disais, ça m'intéresse pas. Puis finalement, j'ai fini par l'écouter. J'ai écouté ça, puis c'est de la foutaise. C'est n'importe quoi. Ça se tient même pas debout. Puis, dans le fond, tant qu'à faire, on va réhabiliter les nazis, tu sais. Je veux dire, le héros du film, il est envoyé par les nazis. Puis bon. Mais moi, je vois une continuité dans le fait que les nazis tombent, puis là, c'est les Américains. Fait que moi, pour moi, les Américains, c'est la continuité des nazis. Fait que c'est normal qu'il soit chum avec le Dalai Lama. Ce qui se ressemble, ça se semble. C'est une affaire d'intérêt, puis de convergence d'intérêt. Mais moi, j'ai tout le temps eu la même opinion sur eux autres. Je veux dire, juste pour la cuisine, là, tu sais, les momos tibétains, ces affaires-là, c'est pas très raffiné comme culture, là. Puis, en tout cas, moi, je peux comprendre un peu que, bon, il y a du monde en Asie qui regardait les Tibétains un petit peu de haut, parce que juste la façon qu'ils traitaient le monde, puis l'élite culturelle du pays, c'est des affaires de monastères. Bon, traite-là, c'est sûr que moi, je vois ça comme un petit peu arriéré, même un petit peu pas mal, là. Mais on nous a vendu ça comme tellement beau puis merveilleux. Tandis que, ben franchement, même au niveau de l'esthétique, ce qui est tibétain, c'est pas extraordinaire, là. Sont encore à mettre sur des toits des structures en bois avec des fils après pour attraper des entités. Ça en est ça, dans le fond. Il y a eu un mélange entre du chamanisme et le bouddhisme. Mais là, il reste que. Bon, là, c'est pour des raisons politiques, c'est tout le temps pour des raisons idéologiques, politiques, liées à des intérêts. Puis tout, on nous vend quelque chose qui n'est pas réel. La plupart du monde. D'après moi, tes envois vivre au Tibet, ils vont vouloir revenir, là. Mais la façon que c'est dépeint dans des films comme 7 ans au Tibet, c'est donc beau, les gens méditent, puis tu sais, c'est on nous vend l'idéal, là. Il y a une forme d'exotisme qui crée une forme de fascination pour des Occidentaux en manque de spiritualité, là. Ben oui, ben c'est comme pour le reste. C'est comme pour quand les Beatles y ont ramené. La méditation transcendantale. Transcendantale de Maharishi Yogi quand il avait été Tu faire le sais, voyage en Inde. je dis pas que c'est mauvais à tout prix. L'affaire, c'est qu'il faut pas non plus mettre ça comme plus extraordinaire que ça l'est. Je veux dire, si ces techniques spirituelles-là étaient si extraordinaires pour l'avancement de l'humanité, ben, ils seraient pas encore en train ils seraient pas encore dans la marde autour le long du Gange. Je veux dire, les Occidentaux, on dirait qu'on a cette culture judéo-chrétienne-là de nous auto-déprécier puis de nous voir comme de la merde. Tandis que toutes les découvertes des derniers siècles, c'est l'Occident. Je veux dire, désolé, mais c'est ça pareil. Fait que bon, c'est bien beau. Oui, il y a d'autres cultures extrêmement impressionnantes, comme par exemple comme les Chinois, mais il reste que. C'est pas les Tibétains qui ont découvert la pénicilline, là. Puis il n'y aurait pas de danger que ça ait été eux autres. Pourquoi? À cause du contexte culturel qui fait que c'est pas propice à ça. Mais va falloir à un moment donné. C'est rendu que être occidental, puis considérer que c'est les Occidentaux, on est une grande civilisation, puis une grande culture, c'est rendu pas correct. Il faudrait qu'on saillisse, il faut qu'on se flagelle. Puis il faut qu'on se mette à genoux devant des astis de barbares. Puis Ben, c'est pas c'est-à-dire une que les joke, là. Occidentaux, ils ont un fond chrétien qui peut amener une forme de masochisme moral en relation avec la notion de culpabilité qui a été cultivée là, dans l'inconscient collectif, là. Oui, parce que ça sert les intérêts du monde que justement, quand tu es l'élite d'un peuple extrêmement brillant, tu as intérêt à le diminuer pour garder ton pouvoir. Pourquoi Exactement. que. Bon, parce que dans le fond, les gens qui sont nos réelles élites, penses-tu qu'ils pensent de même? Tu Ben non. sais? Fait que bon, non, ça c'est pour la masse, pour le monde. De se dénigrer, puis de penser que notre culture n'est pas correcte. Puis c'est un peu comme. C'est quoi, dernièrement, que j'ai vu que quelqu'un qui dénigrait. Ah, je pense que c'est monsieur citoyen lucide. J'ai eu un petit échange avec. Puis il me parlait que là, il s'intéressait aux cultures dans les Balkans. Puis à côté, la culture québécoise, c'était un peu ridicule. C'était rien. Ben, moi, je trouve pas que c'est rien. Les Canadiens français, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas vrai qu'on est un petit peuple. Mais il y a du monde qui ont. Puis là, je dis pas que c'est son cas à lui. C'est parce que lui, bon, peut-être qu'il s'est fait un peu avoir par cette mentalité-là. Mais il y a du monde qui ont intérêt à nous faire croire qu'on est un petit peuple ridicule. Né pour un petit pain avec la mentalité Ça. catholique. Alors qu'on a un potentiel extraordinaire. Je veux dire, c'est pas rien, là. Ça fait 400 ans qu'on est là. C'est incroyable qu'on ait passé à travers tout ça. Puis qu'on soit encore, je veux dire, il reste que, oui, il y a une société distincte, que le monde le veuille ou pas. Puis il reste que, oui, il y a une sélection, parce que c'est pas aussi dur que de vivre au Tibet, pas mal, là, dans certains coins de cette province-là. Puis il y a du monde, ils ont souffert pas à peu près. Donc il y a eu une sélection. Donc oui, on est un peuple vif, pas à peu près, puis avec un gros potentiel. Mais moi, je trouve pas que les Québécois sont ridicules. C'est une petite culture, au contraire. Ils ont un gros potentiel. Je suis bien moins impressionné par certaines affaires qu'on voit dans le coin de. Dans certains coins d'Europe de l'Est, là. Je veux dire, au niveau de la créativité, les Québécois sont pas si pires. C'est juste qu'on a été conditionnés à. C'est un peu ça. Si tu dis à un enfant qui n'est pas intelligent, ben il va moins développer son intelligence. Tu sais, il y a quelque chose d'un conditionnement, il y a quelque chose d'une suggestion. C'est pour ça que les Canadiens français, bon, ben, on a été un petit peu empêchés de cette façon-là. On a été conditionnés à se répéter nous-mêmes qu'on n'est pas ben, intelligent, qu'on n'est pas bon. Ben oui, t'sais, tout le conditionnement religieux, là, t'sais, nous ne sommes pas dignes de recevoir l'hostie, t'sais, dans le rituel catholique, nous sommes des pauvres pécheurs. Moi, ben là, je veux dire, le christianisme n'est pas tout acheté non plus, là. Non, je dis pas ça, mais il a quand même amené la culpabilité, qui est un poison pour l'âme ou la conscience. Ben oui, mais là, je fais une différence avec le catholicisme. Parce que là, ça, c'est vrai que ça a servi au niveau des formes à dominer. Mais là, ça ne veut pas dire que ce qu'il y a en arrière des formes n'est pas bon. Mais c'est que pendant que les catholiques au Québec se croyaient nés pour un petit pain, il y avait les anglophones protestants qui, eux autres, développaient des entreprises. Il y en a qui étaient contremaîtres, il y avait des postes d'autorité. Ben oui, c'est certain. Ben pourquoi qu'ils ont laissé la religion? Dans le fond, les conquérants, parce qu'il y avait intérêt. Parce que c'est une des choses, ça, qu'on remarque, c'est les pays catholiques les plus de pauvres. Comme en Amérique du Sud, en Amérique centrale, juste le sud de l'Italie. Bon, ça fait. Mais d'un autre côté, ça peut avoir un effet contraire. Parce que des affaires, des structures qui ont fini par avoir beaucoup d'influence, comme la mafia, c'est dans des coins pauvres que ça vient au monde. Mais là, c'est des mécaniques de survie. Mais il reste que les Québécois, moi, je pense qu'ils font peur à beaucoup de monde. Parce qu'il y a un potentiel. Il reste que c'est pas comment je pourrais dire ça? C'est pas en se mettant un genou devant le Dalai Lama en pensant que ça nous est supérieur, qu'on va s'aider, là. Au contraire, même ce monde-là mérite d'être remis à leur place. quand ça vient s'imposer comme une autorité. Là, on détruit des églises, mais il y a des temples bouddhistes qui se construisent au Québec. Est-ce qu'on en a besoin tant que ça? Ouais, ben, il y a un attrait pour l'exotisme de la religion. Ben là, on est en train de changer une tare pour une autre. Là, on est aussi bien de garder celle qu'on a, au moins, que de changer le mal de place. Parce que finalement, là, c'est rendu que si on dit, ben là, on est des francophones, occidentaux, nord-américains, de culture chrétienne, puis ça serait le fun d'essayer de conserver ça, là, on n'est pas correct. Extrême droite. De quoi tu parles? T'sais? Je veux dire, ça veut dire qu'il y a du monde quelque part qui ont intérêt à. C'est comme si cette identité-là, elle sert plus. Fait qu'ils veulent l'enlever. Mais t'es mieux d'avoir une identité qui est une fausse identité, qui n'a pas d'identité pantoute pour te construire. Ça veut dire qu'il y a du monde quelque part qui veulent nous déconstruire, là. Ben oui, ils veulent canceller, mettre en échec la culture qui existait, puis les formes anciennes. Alors. Eux autres, dans une perspective, si on pense au mouvement woke, slash LGBTQ+, dans une perspective d'émancipation des gens, puis eux autres, ils pensent faire ça, dans certains cas, pour le bien des gens, pour qu'ils sortent du dogmatisme religieux. Ben, ce qui est triste là-dedans, c'est que c'est parce que c'est un autre dogmatisme, là. Ben, c'est là que j'allais en venir. Et moi, j'ai l'impression que peut-être le moindre mal, finalement, c'est le dogmatisme, la religion catholique, plutôt que l'intégrisme wokiste qui amène à voir tout le monde comme des êtres fluides en potentiel. Pour moi, le catholicisme, il servait à construire. Tandis que là, le wokisme, c'est rien que du déconstructionnisme. C'est rien que tout le Ah, temps mais il y a de de la la construction, destruction. on construit des nouvelles identités, comme l'identité non binaire. Oh, mais c'est pas réel. Ben, c'est là que j'allais en venir. C'est pas solide. C'est fluide. C'est ça. Fait que bon, c'est un peu comme de la gélatine, là. C'est drôle, hein, parce que dans le fond, ce qu'ils font là, ça va faire le contraire. C'est un petit peu comme l'élan de militer pour LGBTC, puis tout, à force de dire qu'il y a 56 orientations ou je sais pas trop quoi, genre, puis tout, ça revient au même que de faut dire ça n'existe pas. Puis il n'y en a pas. Tu sais, c'est un petit peu. Si on regarde les LGBT, puis tout. C'était quelque chose qui était admirable puis qui était intéressant dans le temps que ça faisait pas, c'était contestataire un peu, puis que ça résistait justement, puis que là, ça se tenait debout, tu sais, c'était une certaine solidité, dans le sens que c'est un petit peu comme, dernièrement, je me promenais ici en ville, puis... Je trouvais ça plate parce que je veux dire, c'est le fun. Avant, il y avait des punks qui en avaient du bureau de poste. Puis c'est drôle, à cette heure qu'ils sont plus là, je trouve ça plate. Tu sais, comme il faut le faire, là. C'est dans le fond. Puis c'est comme le parc, là, c'était rempli de paquets de troubles, puis il y avait des vendeurs de drogue, puis tout. Puis là, à cette heure, ben, ça a l'air mort, il n'y a personne. C'est-à-dire que. Jusqu'à un certain point, quand c'était dans le contestataire, certaines affaires, puis que c'était là en réaction à une sorte de, comment je pourrais dire ça avait de quoi de plus solide, de plus réel, puis ça avait une fonction. Ben, moi, si je pense au début du mouvement, dans le fond, pour l'émancipation des homosexuels, là, on a vu des années 70, 1980, entre autres à New York. Bon, ben, eux autres, c'est sûr qu'ils visaient à ce que les gens homosexuels puissent être respectés en société au lieu d'être méprisés. Donc, Ouais, mais si ça devient la norme, la norme imposée, ben là, ça sera pas respecté, puis les contestataires de demain, c'est contre ça qu'ils vont se battre. peux-tu me donner un peu plus de détails? Ben, c'est pas compliqué. Pourquoi eux autres, ils contestaient quoi? Ils contestaient les traditionnalistes. Oui, exactement, qui était catholique ou chrétien, en fait, c'est plus des chrétiens aux Bon. États-Unis qui voyaient l'homosexualité comme une forme de péché, comme le mal, l'œuvre Ben, du diable. si ces affaires-là, ça devient la norme, puis de normes imposées, puis tout. Ça veut dire que les mouvements vivifiants de contestation de demain, ils vont être contre ça. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Les mouvements qui, dans le fond, étaient de contestation hier deviennent les mouvements conservateurs de demain. Ben, c'est ça. Le meilleur moyen là, de détruire les LGBT, c'est d'en faire la norme. Parce que les visionnaires, puis les gens qui sortent du lot, puis les créatifs, ils vont se mettre à être contestataires de ça. Fait que, dans le fond, il y avait un côté par rapport à ces affaires-là qui était lié, comment je pourrais dire ça, à un petit côté rebelle, puis ça faisait partie de l'identité de ça. Je veux dire, dans le fond, la plupart du monde, ils respectaient. Parce qu'il les voyait comme ayant un certain courage et ayant du caractère. Mais si ça devient la norme, ça va être le contraire, là. Ils vont se faire haïr. Ils vont devenir les Des boucs ils vont. émissaires. Ben oui, je veux dire, c'est un petit peu comme. Bon, c'est comme dans le temps, là, le monde. Là, tu as eu les. T'as vu les années 50, les années 60, puis là, c'était un petit peu... puis là, finalement, là, t'as eu une contre-culture, puis tout, puis là, le monde s'est mis à haïr... mais si ces affaires-là, ça devient la norme, puis que c'est imposé, ben les contestataires de demain, ça va être sûr qu'ils vont être contre ça. Qui étaient C'est peut-être les conservateurs évident, d'hier. c'est ça. Fait que ça marche pas, là. C'est le meilleur moyen de détruire c'était des sous-cultures d'une certaine façon. C'est le meilleur moyen de les détruire, c'est de les rendre grand public, d'en faire non. C'est comme tu viens d'enlever l'arbre. Tu sais, c'était un peu comme. Comment je pourrais dire ça? Quand c'était un petit peu. Comme, pas dans la rébellion, mais je cherche pas, je trouve pas le mot. Mais c'était marginal au début. Oui, mais c'est ça qui faisait qu'il y avait quelque chose. Il y avait une forme de dynamisme parce que c'était nouveau. Puis, dans le fond, ce qui est certains précurseurs au début qui sont des marginaux peuvent engendrer la norme de demain. Puis, quand ça devient la norme pour tout le monde, ben, il y a une stagnation énergétique qui s'installe là. Ben oui, fait que ça va s'essouffler. Donc, ce qui veut dire qu'on va peut-être assister à un renouveau chrétien. En Ben réaction oui. avec le fait que ça s'est essoufflé, puis on va retourner à des valeurs comme la famille, la terre, le nationalisme. Puis comme c'est plus solide, c'est basé sur de la mémoire, donc c'est inscrit même dans la génétique, que les gens soient conscients ou pas, puis tout, ça va perdurer bien plus. Donc ça va avoir été juste une passade, ces affaires-là. Puis ça va être l'éternel retour. C'est ça, là, qui risque d'arriver. Fait que, dans le fond, là, c'est un peu comme c'est un peu comme le rock'n'roll des années 50, là, avec les coupes en banane puis les côtes de cuir. C'était intéressant quand c'était quelque chose qui était en marge. Parce que ça faisait partie de son âme, ces affaires-là. La minute que c'est devenu à la mode, c'est devenu quétaine. Et est-ce que ça va être la même chose pour l'instruction supramentale véhiculée par Bernard de Montréal et autres? Non. Non, parce que là, on n'a pas affaire à un phénomène de mode. On a affaire à un phénomène psychique. C'est des phénomènes psychiques, puis ça peut aussi bien changer de nom, puis changer de forme, ça, c'est dans évoluer l'essence dans le du temps. phénomène. Par contre, quand je regarde qu'est-ce qui se passe sur YouTube, Facebook, il y a plein de monde qui disent parler du supramental. Puis, en réalité, il y a comme une espèce de mode là, de parler de Ben, c'est supraconscience. récupéré par le nouvel âge. Moi, je le vois de même. C'est récupéré par la spiritualité marche aux puces un peu. Mais ça, on le savait que ça ferait ça. Mais les phénomènes derrière, ils vont demeurer pareils. Fait que, mais ça ne sera jamais à la mode. Je parle, tu peux faire une mode que certaines affaires, bon, mais ça va être au niveau de la forme. Mais ce qui est à la source des phénomènes, ça sera jamais à mode, puis ça sera jamais. Ça va tout le temps être underground, parce que c'est de l'occulte. Fait que bon, tu peux pas mettre l'occulte à la mode, À part au niveau culturel. T'sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, bon, c'était le feng shui. Le monde, il s'achète des gugus de feng shui parce que c'était une mode de feng shui. Puis tout, il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'arrive avec un livre sur le feng shui. Puis je checkais ça, puis c'était des cartes comme des cartes de tarot. Puis là, je disais, yo, le lopan. Puis là, je disais, quoi ça? Je dis, ben, le lopan, ça prend une boussole. Ça prend. Je dis, c'est pas ça le feng shui. Voyons, c'est millénaire le feng shui. Je veux dire, ça prend une boussole, ça prend, faut étudier les courants, faut. C'est pas des cartes à jouer c'est ton affaire que tu as acheté de feng shui, c'est de la marde. Mais ça va tout le temps être la marde qui va être à la mode. Mais la science derrière, elle va tout le temps rester underground. Là, l'occulte est à la mode. Il y en a partout. T'en as dans le cinéma, t'en as de. Mais qu'est-ce qui fait la force de certaines forces? C'est le fait que ça reste tout le temps en arrière. Ça, c'est rien que la surface des choses, c'est rien qu'une densification. Ce qui est à la mode, ce qui est grand public, c'est jamais la vraie affaire. C'est impossible. Donc, ils ont raison quand il y en a qui disent, ah, c'est le diable. Ben oui. Ils ont raison. C'est sûr que l'occulte qui est dans la culture populaire, c'est satanique. Mais c'est une façon de voir, tu sais, je veux dire, dans le sens que c'est satanique, dans le sens pas réel, puis il n'y a rien à faire avec ça. Puis dans le fond, ça peut juste servir à du monde à faire de l'argent avec. Mais c'est pas les vrais. Il n'y a pas une intégration des vraies lois occultes de ces affaires-là. Pour qu'il y ait une intégration au sens d'une science, il faut que désoccultifier. Là, pour intégrer l'occulte, ça veut dire que tu désoccultifies, là. Oui, ben L'invisible devient visible. c'est ça, c'est la raison pour laquelle tantôt, tu sais, je te posais la question de fond, à savoir, bon, à quel point on peut dire quelqu'un est fusionné versus, dans un autre paradigme, on va dire qu'il est schizophrène, qu'il a des hallucinations. Fait que, tu sais, c'est délicat de les partager. Pendant les deux cas, on peut dire, bon, il entend une voix, c'est son esprit, l'autre va dire, non, non, c'est une hallucination. Ben regarde, quelqu'un qui est dans l'hallucination, puis tout, il finit à Pinel. Bernard de Montréal, lui, il est rendu. On parle encore de lui. Ça fait 20 ans qu'il est mort. C'était plus que de la folie, là. Dans le sens, ça va avoir eu quelque chose d'une influence durable. C'est pour ça que Ouais, ben je pourrais quoi me permettre de que dire, oui. si le Christ est un schizophrène, il y a eu toute une incidence au niveau de la culture, là, Ben puis Doug des Mayhew civilisations. avait déclaré dans un enregistrement que le Christ était un schizophrène selon lui. Ben oui, mais c'est encore son réflexe de catégorisation. Là, en plus, il vient montrer qu'il est un mauvais psychiatre parce qu'il ne peut pas le rencontrer puis l'évaluer. En personne, par Donc, il contre. fait des diagnostics illégaux. Pratique illégale quelque part de la médecine, d'une certaine façon, ça n'a pas de bon sens. C'est comme si je fais des diagnostics à des patients sans les avoir rencontrés ni auscultés. Il y a quelque chose d'un manque de professionnalisme là-dedans qui ne se tient pas debout. C'est n'importe quoi. Ça va être plus objectif de dire je le sais pas que de dire c'est un schizophrène. Par contre, pour lui, Non. c'est sûr que s'il dit qu'il est en contact et que le Père qui est aux cieux, là, pour lui, c'est une forme de ce que je comprends, là, d'hallucination. La Ouais, mais personne. qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il faut comprendre qu'il y a un contexte. Là, il s'adressait à des contemporains dans un contexte. Tu sais? Ça, faut être objectif, là. Fait que d'une certaine façon, moi, je considère que le Doc Mayhew, il est possiblement. C'est moins subjectif de dire qu'il est peut-être plus proche de la folie que le Chris l'était. De toute façon, ils n'auront pas la même incidence non plus. Non, Parce exactement, que. mais l'incidence, dans le fond, sur une société d'une personne comme Bernard de Montréal, qui a plusieurs années, c'est pas garant de sa santé mentale. Après tout, Adolf Hitler, dans le fond, avait déjà été évalué comme maniaco-dépressif avec épisodes psychotiques, puis il a eu une grande influence sur la société. Faut prendre un pas de recul puis regarder c'est quoi la fonction de. C'est-à-dire, il y a des forces au niveau d'un contexte qui vont servir d'individus, semble-t-il, puis là, ça a un effet. Moi, je le vois comme ça. Il ne faut pas ramener tout à la personne. Donc, Adolf Hitler, il a été financé par du monde. Donc, il y avait des intérêts en arrière. Il y avait d'abord, on peut pas tout réduire ça, dire, oh, c'est un psychotique. Tu sais, je veux dire, il y a, c'est plus complexe que ça, là. On peut pas être simpliste à ce point-là. Donc, en plus, si toi, tu as des intérêts puis tu veux financer quelqu'un, vas-tu prendre un psychotique? Il s'est quand même maintenu au pouvoir, il est quand même bon. Par contre, en même temps, il y avait intérêt, ceux qui étaient les lobbyistes derrière lui, à prendre quelqu'un qui a une certaine faille ou fragilité pour le manipuler à partir de ça pour en tirer ce qu'ils veulent. Ouais, mais là, c'est là que ça devient subtil. Parce que, dans le fond, il va avoir servi de prétexte à toutes sortes d'affaires, puis, mais il reste que ça a passé proche. Ça aurait même pu revirer que les commanditaires auraient été dans la merde. Puis là, il aurait dit, on a créé un monstre qui va nous détruire. Ça aurait pu arriver si tu attends des détails, l'histoire. Des fois. Donc là, c'est des coups de dés. Ça revient à faire comme de la spéculation boursière. Ils ont mis ça sur lui. Ils ont choisi ce poulain-là, puis tout. Mais quelqu'un d'instable, des fois, c'est dur de savoir s'il va garder les mêmes failles. Ou s'il va pas être remplacé en cours de route par. Oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel d'imprévisibilité qui peut l'amener à générer une forme de chaos. Bon, ben, c'est surtout que des fois, tu sais, tu veux miser sur un poulain parce que tu penses qu'il réussira pas. Mais la gang qui, finalement, c'est quelqu'un qui a le talent de bien s'entourer. Puis la gang qui est autour du poulain, finalement, ils se rendent compte que ça ne marchera pas. Puis ils changent de poulain. Puis là, toi, finalement, tu te ramasses à avoir financé quelqu'un que ça ne va pas dans tes intérêts. Ça tient à des détails. Donc, c'était un coup de dé, là. C'est des coups de dé. Mais il reste que. C'est pour ça que, bon, c'est pour ça que je suis jamais trop catégorique. C'est pour ça que d'aller dire, ah ben, le Christ est un schizophrène, je trouve ça profondément niaiseux. Parce que, premièrement, tu peux pas l'évaluer réellement. C'est dur de retrouver le contexte. Même les historiens s'astinent, puis ils sont sûrs de rien. Fait que là, ça, c'est parler à travers son chapeau. Puis c'est faire montre d'une opinion trottée qui n'est pas intelligente. En plus, c'est une façon. Moi, je vois là-dedans un côté provocateur. Oui, ben, il C'est aime une. avoir l'attention, mais en même temps, ça permet de démystifier le personnage puis le sortir d'une aura de spiritualité et de sainteté. Je trouve pas. Ben non, parce qu'il y a du monde ça va les amplifier l'image qu'ils ont. Puis ils vont tout simplement penser que le Doc Mayo, ben, il est inspiré par le démon. Puis il est satanique, puis en plus son nom circule sur des listes de francs-maçons. Fait que pour un complotiste chrétien, ça vient le confirmer dans ses idées. Quoique le Doc Mayhew a jamais dit qu'il faisait partie de la franc-maçonnerie, là. Bon, ben, je suis pas au courant. Moi, je te dis que son nom il est sur des listes. Ça veut pas dire qu'il est dedans pour vrai. C'est Ouais, comme ben. Bernard. Même Bernard Drainville, son nom il est sur des listes. Ça veut pas dire qu'il est là-dedans pour vrai. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont fait courir des listes pour le salaire, peut-être. Moi, ça prouve à rien. Mais Exact. là, ce que je te dis, c'est que ce qui fait le Doc Mayo, ça démystifie rien pantoute, parce que dépendamment de l'opinion de l'auditeur, ça peut même le confirmer dans son idée, puis avoir exactement l'effet contraire. Ça peut même donner du crédit au Christ. Quelqu'un qui haït le docteur Mayo, là, qui traite le Christ de schizophrène, ça vient confirmer encore plus que c'est un être divin, puis que c'est le fils de Dieu, puisque un suppôt de Satan dit que c'est un fou. Ouais, ça peut avoir T'sais, cet je veux effet-là dire, que le Doc quelqu'un. Mayo n'a pas prévu. Ben là, c'est parce qu'on n'est pas dans le réel, là. On est dans des affaires, on est dans le monde de l'intellect, puis de la forme, puis de l'émotivité. C'est pour ça que, moi, quand c'était catégorique complètement d'un bord ou complètement de l'autre, ben c'est parce que t'es polarisé dans ton mental, puis c'est sûr que d'un bord ou de l'autre, c'est sûr que tu te trompes. Parce que tout est nuance. On n'a pas tous les éléments pour faire une analyse objective. Hey, ça fait longtemps, là. Il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts, puis c'est Ben des oui, ponts qui c'est s'il a débordent. vécu selon la version officielle historique environ 2000 ans, plus que ça remonte dans le passé, plus que ça devient difficile d'établir les faits, là. C'est parce qu'il y a aussi le fait que selon une déontologie, tu peux pas porter un diagnostic par rapport à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. que tu n'as pas évalué puis que tu ne disposes pas de tous les éléments. Fait que là, on est dans de la provocation idéologique. Que le Doc Mayou soit un athée qui haït la religion alors que c'est eux autres qui l'ont instruit. Moi, ça qui me fait rire, c'est que c'est un étudiant des frères à cap rouge. Puis tout, bon, c'est correct. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, là. T'sais, on Ben, peut spéculer, nous autres aussi. oui. Mais l'affaire est que, à mes yeux, c'est pas objectif, puis c'est du blabla. C'est du blabla. Puis le Doc Mayou, moi, je trouve qu'il y a un côté provocateur de vouloir de l'attention. Puis bon, bon. Fait que, Oui, ben c'est un moi, à mes yeux, ça vaut polémiste. rien. Oui, il cherche à avoir l'attention du public, des codes d'écoute. Ils C'est les aiment clair. pas, les croyants. Ils aiment ça les faire chier. Ouais. Fait qu'il sait qu'il picosse du monde en faisant ça. Moi, j'ai pas un attachement émotif autant que d'autres. Fait que c'est ça, je vais pas capoter parce qu'il sort ça. Je le sais, ce qu'il pense. Mais ça veut pas dire qu'il a raison. Si je me mets à dire qu'il a tort, je suis pas objectif. Si je dis qu'il a raison, je suis pas objectif. Fait que moi, tout ce que. Peu importe le réel, c'est sûr qu'il se trompe. C'est sûr qu'il se trompe parce que ça doit être plus subtil puis plus nuancé que ça, la réalité. Mais on peut pas avoir de réelle objectivité par rapport à des choses anciennes comme ça. Mais dans le fond, là, mais l'affaire, c'est ceux qui croient à ça, ils pensent que c'est du monde moins lucide que lui. Ceux qui pensent qu'il y avait du divin dans le Christ. Fait que moi, drette là, ça en fait quelqu'un. Après ça, il va dire, ben, les croyants, ils ne respectent pas les autres. Mais là, il y a un jeu de projection. Parce que lui, il impose sa laïcité, puis si tu penses pas comme lui, tu peux être Ouais. ridiculisé en onde ou tu vas être méprisé. Ben, la laïcité, c'est la séparation entre le religieux, le temporel et le spirituel. Entre l'autorité d'un roi, par exemple, puis les instances religieuses. C'est ça, la laïcité. La laïcité, c'est pas de nier toute spiritualité, puis toute. Mais il y a en fait ça. Donc, qu'ils soient francs-maçons ou pas, je m'en fous. Mais qu'ils agissent, ça va dans leur sens à eux autres. Donc, ça devient plausible, puis ils se tirent dans le pied, là, qu'ils restent. Ils se tirent dans le pied, qu'ils restent. Ben oui, parce qu'il y Ça a veut pas juste dire une que c'est un jambe. mauvais bonhomme. Non. Mais comme le Dalai Lama, lui, tout, il prend de l'âge, là. Il faut se méfier de soi-même à un moment donné. Il serait peut-être temps de prendre sa retraite avant de dire trop de niaiseries. Parce que, à force de marcher tout le temps sur une ligne, puis à un moment donné, en vieillissant, on vacille. Puis là, c'est là, il peut avoir des dérives. Puis à un moment donné, rendu à un certain âge, moi, je me méfierais de moi-même. Parce que, aussi, ça peut être dangereux. C'est émotif, ces affaires-là. Un croyant, là. Ça peut être violent, là. Il y en a que c'est pas rationnel, justement. Donc, c'est à faire attention. C'est pour ça que, tu sais, jamais être trop dans le mépris non plus. Mais là, à un moment donné, c'est parce que j'ai mené parler, dit les croyants, c'est du monde, ils respectent pas les autres. Mais moi, je suis sûr, c'est moi, je vois là-dedans une projection, là. Parce que ils respectent clairement pas certaines personnes, là. Mais dans un sens, il n'y a pas tort parce que les croyants imposaient ça aux autres. On a juste à penser à l'Inquisition, croix ou meurtre, où des gens étaient brûlés là, sur le bûcher là, au Moyen Âge en Le Europe. fait que tu as une institution qui a récupéré quelque chose pour exercer un pouvoir temporel, ça ne veut pas dire que toutes les croyants sont de même. Parce que là, c'est tombé dans le même piège que lui. Puis, c'est généralisé, là. Les croyants, c'était pas tous du monde méchant. Ou je parle qui imposait quoi que ce soit, là. C'est pas parce que, moi, de la façon que je le vois, c'est des institutions humaines qui ont récupéré des formes pour exercer une domination. Ça ne veut pas dire que toutes les croyants sont de même, mais pourtant, lui, il est catégorique. Si tu es un croyant, tu ne respectes pas les autres. C'est Mais ça, dans il généralise. Il a c'est peut-être ça. vécu d'expériences difficiles avec des gens religieux dans son enfance. Puis là, à ce moment-là, ils vont induire que c'est la même chose avec tout le monde. Mais il reste que, au niveau de l'histoire du Québec, puis il reste que, bon, c'est pas des drag queens qui ont construit la société, là. Tu sais, je veux dire, ça a eu un rôle à jouer, puis ça a servi. C'est quoi une religion religarée? ça relie, ça sert de ciment. Mais là, est-ce qu'on va réussir à construire quelque chose avec des joints qui n'ont rien? Mais justement, par rapport au drag queen, il est très critique dans ses dernières sorties médiatiques. Il a fait quand même des vidéos par rapport à Barbada, que passait tout le monde en Ben parle, là, cette ça, c'est drag parce queen. que, au moins là-dessus, il est objectif parce qu'il sait que par rapport à la construction de chez l'enfant, le besoin de stabilité, puis bon, il sait l'incidence que ça a parce qu'il a dû avoir dans ses patients du monde qui n'avait pas des figures solides parentales, puis il voit les dommages que ça fait au niveau de la construction de l'identité parce que l'enfant, dans son développement, à un moment donné, il est dans la projection mimétique, puis il a besoin des modèles clairs, puis rassurants. Donc, c'est normal qu'il soit contre ces affaires-là. Je veux dire, là, il est dans son domaine, puis il est correct. Puis là, il pose des bonnes questions, je trouve. Il a posé comme question, est-ce que c'est dans l'intérêt du développement de l'enfant de l'exposer en bas âge à des drag queens qui vont lui faire la lecture dans des bibliothèques publiques? Ben là, le pire, c'est que les woke qui sont eux autres dans une autre idéologie, puis tout, ils vont dire oui, c'est correct. C'est pour familiariser l'enfant à bas âge à la diversité humaine, puis Ben oui, mais moi, si je amener. dis, OK, ben bon, on va amener à l'heure du compte, OK, tel jour, ça va être un rabbin, tel autre jour, ça va être un imam. Puis là, tout de suite, eux autres, non, non, non. Ben quoi, c'est de la diversité. Pourquoi Rabbi Dinosaurovitch, il n'a pas le droit de venir lire des contes aux enfants? Mais ça, ils vont dire c'est de l'endoctrinement religieux rétrograde. Puis eux autres, Ben, c'est pas de l'endoctrinement qu'ils ah, pas font. eux autres. Ben c'est ça, c'est tout le monde font de l'endoctrinement, mais pas eux autres. Là. Parce que la diversité, c'est le fait que tu donnes accès à plusieurs types d'endoctrinement, dans le fond. Oui, de programmation potentielle pour l'individu, différents modèles identitaires. Et à quel point une drag queen est un modèle identitaire pour un enfant, comme idéal de vie. Ben, le pire, c'est que c'est pas un modèle identitaire. Je veux dire, une drag queen, c'est ni une race, ni un genre, ni une orientation sexuelle. Ça n'a pas rapport, là. Tu sais, le gars, il est pas drag queen 24 heures sur 24. Tu sais, ça n'existe pas une vie de drag queen. Mais l'idée, c'est un travestisme. Donc, par exemple, un jeune garçon qui s'habille en femme, est-ce que le fait de se travestir ponctuellement est souhaitable pour le développement d'un individu? La civilisation a ses constructions. Ce qui va faire une civilisation, qui va fournir des cadres, puis tout, dans le fond, c'est des structures qui régulent l'énergie. L'individu, lui, va évoluer dans un cadre. Donc, c'est normal qu'il y ait des règles sociales. Puis là, on parle de réalité anthropologique, c'est-à-dire que dans toutes les cultures, tu as des affaires de même. C'est-à-dire que peu importe la culture sur Terre, tu vas avoir des différences culturelles entre hommes, femmes, bon. Des fois, il y a des exceptions où il va y avoir des variétés puis tout, mais une fluidité comme eux autres y enseignent anthropologiquement, ça n'existe pas. Donc, si on est dans de la déconstruction civilisationnelle, là, fait que c'est sûr qu'à mes yeux, ça ne peut pas être. Tu sais, je veux dire, je vois pas ce que ça peut apporter tant que ça. Parce que, premièrement, une drag queen, ce n'est pas un travesti. Un travesti, c'est un homme qui s'habille en femme parce que ça fait partie de son identité, puis il essaie de vivre sa vie de même. Il fait pas ça rien que le samedi soir dans un cabaret. Tu sais, je veux dire, ça n'a même pas rapport. Au moins, si c'était logique par rapport à ce qu'ils disent. Mais ça n'a aucune logique. Tu sais, c'est un petit peu comme. Je veux dire. Même la misère à comprendre qu'on soit obligé d'expliquer ça. Mais une drag queen, c'est pas un mode de vie. Je veux dire, c'est pas comme. Même un punk, c'est plus réel que ça, parce que ça fait partie de son identité. C'est pas un personnage qui endosse pour divertir dans des. Tu sais, Dans des si au moins il cabarets, prenait ouais. des vrais travestis. Mais c'est même pas des vrais travestis. Le Barbada, là, il est pas de même 24 heures sur 24. Quand il s'en va au dépanneur s'acheter une pinte de lait, il s'habille pas en Barbada. Voyons! C'est pas logique. Ça se tient même pas. Mais c'est-à-dire que la logique derrière ça. Dans le fond, moi, ce que je vois, c'est une récupération des anciens lanceurs d'alerte. Moi, ça me fait assez rire parce qu'il y a, quelques mois à peine, tu avais nos lanceurs d'alerte québécois, Dan Pilot, ensuite François Malega et autres, là. Eux autres, dans le fond, ils nous voulaient nous mettre en garde là, contre les mesures sanitaires, le couvre-feu à 20 heures, la violation de nos droits et libertés, la ségrégation sanitaire, on peut plus aller au restaurant. Les mêmes personnes, quelques mois après, là, ils parlent de la menace des drag queens comme si c'était la fin du Ben monde. là, ben moi je considère que c'était un piège, puis ils se sont fait avoir ben raide. C'est pour ça que moi je veux pas déchirer ma chemise les drag queens, là. Je veux dire, si Moi tu non me forces plus. à me mettre un masque pour aller faire mon épicerie, là, je vais dire de quoi? Mais il n'y a personne qui va me forcer à mettre des faux cils et une perruque pour aller faire mon épicerie. Ça n'a rien à voir. En plus, j'ai pas d'enfant. Puis en plus, les gens qui ont des enfants sont pas obligés de les amener là. Fait que ça n'a pas rapport, là. Ben, pour l'instant, c'est-à-dire que moi j'ai une fille présentement, bon, elle n'est pas encore en âge, mais si elle sera en âge d'aller à la bibliothèque voir des livres. Peut-être que ma petite fille dira, ah, j'aimerais ça aller voir, t'sais, la conteuse, entre guillemets. Là, je serais dans un dilemme. Est-ce que je l'expose à ça ou pas? Oh. Moi, je pense que je le laisserais faire. Le fait de ne pas donner d'importance à ça enlèverait de la force à ça. De toute façon, ils ne peuvent pas généraliser ce mode d'imposition idéologique-là, dans le fond, parce qu'ils n'auront jamais assez de drag queen. T'as-tu pensé à, mettons, OK, on fait de ça une généralité, je veux que tous les enfants de la province, au moins une fois, deux fois par année, ils assistent à un conte par des drag queen. On va en manquer. Ils n'auront Lors jamais des le pénuries personnel de drag suffisant. queen. C'est pas une menace aussi grande que ce qu'ils disent. Peut-être ce qu'il y a derrière, oui. Mais c'est parce que le mode qu'ils ont choisi est pas bon. Dans le sens que les enfants, ils vont regarder ça puis trouver que ça a l'air bizarre puis c'est tout, mais ça va pas. Ben, T'sais, je pense ouais. pas que ça va avoir autant de dommages que ceux qui déchirent leur chemise en ce moment. Ils ont, là. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a plusieurs mois, la situation était très dramatique, là. Tu sais, on a l'impression de sombrer dans une dictature. Puis là, toute l'énergie de ces gens-là est mobilisée Ben, puis canalisée par rapport à la menace des drag c'est pour ça que queens. je te dis, c'est un piège, puis en plus, le fait qu'ils embarquent à peine planche là-dedans, ça discrédite un peu ce qu'ils ont fait avant, là. Ben, c'est ça. Puis là, Ça marche très bien, c'est de la psychologie ben, c'est inversée, puis la ça. stratégie, elle marche très bien. C'est ça. Puis là, il y avait les décrypteurs à Radio-Canada ici qui parlaient de deux autres. Les anciens, ils appellent ça les complétistes qu'on peut, tu sais, que là, dans le fond, ils font face à des propos là, qui sont pas fins avec les drag queens, nanana. Bon, ben, moi, ce que je vois derrière ça, ben, ça revient au principe de l'opposition contrôlée, dans le sens que c'est une opposition qui menace pas vraiment le système, donc on les met de l'avant. Puis les gens du public qui sont contestataires, on les canalise là-dessus, au lieu de remettre en question la déconstruction de la société comme on le fait depuis tantôt. Ben oui, ben dans le fond, c'est vraiment, ils ont créé un appât pour détourner l'énergie. Oui. Puis ils se sont fait avoir avec une grande naïveté. Mais c'est un appât qui est flamboyant, dans le sens qu'une drag queen, qui est très exhibitionniste dans sa manifestation avec les faux cils, l'habillement coloré. Si on regarde certaines drag queens, c'est sûr que c'est du monde qui cherche à avoir l'attention. Ben oui, mais dis-moi, ça me faisait penser à la crevette menthe. Il y a une sorte de crustacé qui existe, c'est exactement ces couleurs-là et cette apparence-là. C'est OK. un crustacé qui est multicolore. C'est vraiment beau, une crevette menthe, là, c'est impressionnant. Bon, c'est plus beau que les drag queens, là, mais c'est les mêmes couleurs. Puis ça flash, puis c'est des. C'est quasiment une grosse crevette. Ça a l'air d'une grosse langoustine phosphorescente, toutes sortes de couleurs. Mais dans la nature, cette créature-là, elle a cette apparence-là, parce qu'elle est dangereuse. C'est une façon de signifier aux autres qu'elle est dangereuse, tellement que quand elle chasse, elle reste cachée, pour pas qu'on la voie. Ces couleurs-là sont là pour alerter d'autres créatures qui voudraient s'en prendre à elle. OK, pour qu'il l'interprète comme étant une menace. Oui. Parce que la crevette menthe, c'est un prédateur extrêmement dangereux. Ça a des pattes bien dangereuses. Ils sont capables de casser C'est tellement fort, ça casse les vitres d'aquarium. À ce C'est point-là. comme. Oui, c'est dans les animaux les plus rapides sur Terre, ça déclenche leurs pattes très rapidement, puis sont capables de casser des coquilles d'huîtres avec leurs pattes. OK. Puis, mais cette apparence-là, c'est une apparence de prédateur. Extrêmement dangereux. Les autres créatures, quand ils aperçoivent la crevette mâle, sont comme hypnotisés, puis ils figent parce que c'est très impressionnant. Mais on regarde pas. On prend pas de recul pour regarder au niveau du langage de la nature. Donc, moi, quand je regarde les drag queens, je vois quelqu'un qui va être dans l'apparat beaucoup, puis tout, pour signifier quelque chose. Puis, dans le fond, ce que je considère, c'est qu'il y a un jeu par rapport à une vulnérabilité. Ça veut dire, quelqu'un, si on fait une analyse un peu psychologique, puis tout, ça veut dire qu'il y a une faille, puis la personne va pas bien, dans le fond. C'est-à-dire que la personne n'a pas d'identité réelle, possiblement, fait qu'elle se crée une autre personnalité flamboyante qui sort d'exosquelette de De crustacés, dans le compenser le fond. manque d'identité réelle. Ben oui, je veux dire, souvent, c'est du monde, si tu, je suis sûr que si tu les interviews, puis tout, ils vont te dire, ben moi, dans ma vie de tous les jours, j'étais quelqu'un de bien gêné, puis... J'ai subi de l'intimidation. Bon. Fait que dans le fond, c'est des affaires de même qui sont dans des activités de compensation. Dans le fond, c'est correct quand c'est créatif, puis tout. Moi, je n'ai rien contre ce qu'ils font tant que c'est dans des cabarets, Ben, puis comme le tout, disait puis le que Doc c'est Mayo, il dit, underground. si c'est dans des cabarets, puis ils font ça entre Ouais. adultes consentants, les spectacles, moi non plus, j'ai aucun Moi problème. non. Sauf que l'idée Mais d'en si faire ça la... devient un modèle. Oui, c'est ça. Là, ça marche pas, là. Parce que, justement, c'est une activité de compensation. Ça fonctionne. Mais il faut pas que ce soit un modèle systématique. Parce que là, tu vas, au lieu de... Les enfants, s'ils ont ça comme modèle, au lieu de prendre de la maturité, c'est comme les complaire dans de l'enfantillage, un peu, parce que c'est une culture de surface. C'est de la paillette. Donc, il y a quelque chose qui est au niveau de la construction puis de la solidité réelle. La solidité réelle, c'est lié à un noyau solide interne, pas lié à une carapace flamboyante externe. Fait que le modèle, un modèle réel, c'est plus subtil que ça. C'est subtil. Mais ça, c'est le contraire de la subtilité, là. Non, exactement. C'est une forme d'exhibitionnisme qui est tellement investi par la personne que ça donne l'impression que il y a comme un surinvestissement narcissique là, derrière ça, une forme de Oui. déséquilibrage là, important. Ben, c'est lié au narcissisme, c'est évident. Puis, le narcissisme, c'est un état second d'endormissement, dans le fond. Comme dans l'histoire Narcisse, il est fasciné par son propre reflet, puis il s'endort. Ben là, eux autres qui se font appeler woke, qui veut dire réveiller, ils prônent l'endormissement quelque part. Puis tout est inversé. Fait que c'est sûr que moi je regarde ça puis je dis ça va s'essouffler. Ça peut pas être un mouvement qui va perdurer puis être si solide que ça puis créer autant de dommages que ça. Pourquoi? Parce que les enfants sont très intelligents. D'ailleurs, moi je c'est de voir ce que les enfants leur répondent. C'est là où on la voit la vivacité des enfants puis qu'il y a une intelligence naturelle, instinctive et spontanée chez les enfants. Parce que souvent, la drag queen, elle se fait répondre des choses tellement intelligentes par les enfants qu'elle ne sait plus quoi dire. Ils ne savent pas quoi dire. L'autre qui était là, oh, savez-vous ce que je suis? Là, la petite fille a dit, oui, t'es un gars déguisé en fille. Puis là, tout de suite, il va répondre, ben non, des fois, une drag queen, ça peut être une fille déguisée en fille. Ben quoi, qu'est-ce que tu viens de dire là? T'as rendu compte à quel point c'est pas intelligent? La petite fille est tellement intelligente qu'elle t'a bouché, elle t'a fait bloquer ton énergie, t'es plus capable de réfléchir rationnellement, puis tu sors rien que des niaiseries. Puis dans le fond, elle t'a dévoilé. Elle t'a dévoilé, puis elle t'a mis au grand jour. Puis là, t'as l'air de ce que tu sais, c'est-à-dire un esti de cabochon. Puis plus ça va aller, plus les enfants, il faut qu'il y ait une interaction. Fait que c'est sûr que les enfants, ils vont répondre spontanément, c'est des enfants. La vérité sort de la bouche des enfants. Fait que Il y a ce monde-là qui, justement, ils ont peut-être des blessures narcissiques, puis ça a pris des années à se reconstruire, puis là, ils se sont créés une vie de nightclub, puis de ci, puis de ça, puis dans le fond, il y en a qui vont ressortir amochés de cette expérience-là, parce qu'un enfant, ça n'a pas de filtre. Fait que, puis les enfants, ça a une vue, même si le parent l'a amené, puis le parent, il est cave, puis il dit, ah, moi, je veux que mes enfants soient ouverts à ci, puis ça veut pas dire que l'enfant est niaiseux. Il va le voir. Puis il va agir en conséquence, puis même plus tard, ça se peut qu'il se mette à répondre à ses parents, puis se dire, c'était quoi ton problème de nous avoir amenés là? Voyons donc. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les enfants, quand ils pognent 14, 15, 16 ans, les parents passent au cash, ils Oui, se si les font faire des enfants reproches. se révoltent par rapport à du mauvais parentage qui les a amenés à être refoulés ou castrés. Ben, quand ils vont être rendus à se construire une personnalité dans la révolte, ça va être en réaction à ces affaires-là qui vont avoir été imposées plus jeunes. Donc, ça m'inquiète pas. Je le sais qu'il y a des mécanismes de protection chez les enfants. Je le sais qu'il y a des mécanismes de réactivité puis de construction qui vont. Que ça, ces forces-là, c'est très fort. C'est très intelligent. Donc. Ça, d'après moi, ça va finir par aboutir à l'effet contraire de ce qu'ils veulent faire. Les woke, en s'imposant, ils vont se faire haïr. Il n'y a rien de plus fatigant que quelqu'un qui se met dans le milieu de la place, qui dérange tout le monde en disant « Aimez-moi, respectez-moi, aimez-moi, respectez-moi. » Quelqu'un comme ça, tu ne le respecteras pas puis tu ne l'aimeras pas. Ça peut pas fonctionner, c'est pas de même que ça marche. Quand c'était des affaires dans le contestataire, puis dans l'underground, puis là, il y avait un certain respect, le monde, dans la culture populaire. Puis oui, on le voyait que oui, c'était un courage. C'était un courage, puis il y avait une certaine solidité, puis ça prenait du monde qui avait du caractère. Mais là, à cette heure, c'est que si ça devient la norme, ça a l'air d'une gang de faiblons, ça a l'air d'une gang de pas normaux. T'sais, plus tu essaies d'imposer une norme, plus ça a l'air pas normal. C'est ça qui est paradoxal. Ben là, c'est un peu comme. Ben, parce que présentement, tu as la mode aussi dans un autre domaine, là, mais quand même, tu sais, je regarde des émissions de TV qui visent à lutter contre la grossophobie. Puis là, on fait la promotion des gens qui sont gros puis obèses pour essayer de normaliser le phénomène. Ben, ça va juste écœurer le monde encore plus. Ben, c'est parce qu'en lien avec ça, c'est que mettons, t'as des médecins conventionnels qui sont en réaction en disant, ben, la personne qui mange trop ou qui mange mal, elle va avoir plus de problèmes de santé, du diabète, hypertension. Donc, il y a des problèmes de santé cumulatifs qui vont s'installer. Fait qu'il y a des gens qui tirent l'alarme en disant, normalisez pas la grossophobie, puis soyez pas fiers de ça, comme la gay Ben pride, non. les gens qui sont gros et Ben. fiers. Ben, tu sais, c'est parce que là, on est à une époque où tu as du monde qu'au niveau. Parce que l'esthétique, qu'on le veuille ou pas, il y a une certaine objectivité esthétique. C'est-à-dire, l'esthétique, c'est lié à l'harmonie. C'est lié à des lois, bon, des lois de forme puis d'harmonie. Donc, si on prend quelque chose de laid qui se met en plein milieu de la place en disant je suis belle, ça c'est encore plus laid, là. Je veux dire, juste le fait d'agir de même, c'est laid. Quelqu'un de beau, on le voit, on n'est pas des cadres. Exactement, fait que c'est un mouvement d'orgueil. D'un ego qui cherche à s'imposer. Puis là, la personne. Tu sais, autrefois, tu avais les femmes qui militaient, les homosexuels, là, il y a les gens obèses qui militent, ils luttent contre la grossophobie. Ben voyons donc. C'est là que, dans le fond, c'est comme les gens obèses qui faisaient leur vie puis qui se cassaient pas la tête avec ça, puis tout, j'ai un respect pour. C'est sûr. Mais là, si ça devient une identité, là, il y a un problème. Dans le sens que si la personne est oubliée. Ben, moi, c'est comme quelqu'un qui veut de l'attention à tout prix, ça me repousse. Ou quelqu'un qui s'impose, aimez-moi, je vais être porté à l'haïr. Puis je suis pas tout seul qui est comme ça, c'est des mécanismes normaux. C'est des mécanismes normaux de réaction. Parce que c'est le faible qui va avoir l'air fort. C'est le laid qui veut se faire dire qu'il est beau. Parce que c'est de l'activité de compensation. Ou celui qui est déséquilibré par un mode de vie malsain, qui veut se faire dire par les autres, t'es correct, continue de même. Donc, ça veut dire que la personne n'est pas correcte. Mais qui veut se sentir correct. par la Ben oui, collectivité. mais moi, c'est pas ma job de créer de la. Comment je pourrais dire ça? La personne, elle veut se rassurer, se créer de la légitimité. Mais ça, c'est par ton agissement que tu le fais, pas par la projection que tu fais dans. Mais on est de plus en plus dans une culture de l'immaturité. Puis finalement, on n'est plus dans, on va pas vers le réel, on va vers l'imposition de réalité. Mais ça va Exactement, être. mais je veux juste mettre en contexte, je suis pas contre les gens qui sont gros. C'est juste le commentaire que je veux Ah, moi faire. non plus. C'est un peu comme pour la question des gens qui sont des drag queens, c'est de voir derrière ça. Je suis pas contre les drag queens non plus, là. C'est juste la question de voir c'est quoi si on en fait l'étude à travers une conversation, qui sont les motifs qui sont derrière ça. Ben, moi, je pense qu'ils sont instrumentalisés. On sert d'eux autres pour une idéologie puis de la politique. Donc, c'est des victimes quelque part. Ils sont instrumentalisés. Un peu comme Greta Thunberg, qu'on avait déjà parlé quelques Oui. mois là, par rapport à cette icône du mouvement écologique. Donc, quelque part, c'est des victimes. Puis la victime, pour survivre, des fois, elle va devenir un prédateur. C'est tout ce qui entoure, tout ça est malsain. OK, comme le principe qui dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Moi, mais d'un autre côté, quelqu'un qui se met dans le milieu de la place en disant défendez-moi, ben il va se faire attaquer. C'est parce que au niveau de la psychologie inversée, des activités de compensation, puis il y a beaucoup de ces tactiques-là qui vont produire exactement l'effet contraire. Puis ça, c'est juste, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il reste que c'est bonne valeur, mais c'est pour ça que. Oh non, ça peut pas fonctionner. Puis même, des fois, je me demande si les gens, dans le fond, qui sont réellement derrière des mouvements comme ça, si dans le fond, ils sont pas. Ils veulent pas l'effet contraire. Donc, autrement dit, ces mouvements-là seraient des formes d'injonction paradoxale. Ben oui, le meilleur moyen de détruire un rebelle, c'est ça. Tout ce qui est en. Si t'en fais la norme, c'est comme si tu veux tuer un artiste, tu le payes à rien faire. T'enlèves le mouvement, t'enlèves sa raison d'être, t'enlèves son identité en lui en donnant une qui n'est pas réelle. Donc, bon, ces choses-là étaient respectables et avaient une fonction quand ils étaient dans une certaine transgression, puis dans une certaine opposition. Si tu en fais la norme, tu enlèves l'arme. Il reste plus rien, là. Ça va mourir. Mais Ça va en fait, en s'essouffler. lien avec ton propos, ça me fait penser au lanceur d'alerte qui a à peine quelques mois au Québec, une certaine fonction pour dénoncer des injustices par rapport à certaines mesures sanitaires. Puis là, vu qu'il n'y a plus des mesures sanitaires au moment où on se parle qui sont très contrôlantes en place, en fait, ça a tombé au fil des derniers mois. Là, les mêmes gens qui se sont récupérés dans la contestation des drag queens, moi, j'ai l'impression que leur mouvement va s'essouffler, là. Ben, c'est un piège, clairement. Dans le fond, cette valeur, parce que, admettons que tu veux détruire quelque chose qui avait une raison légitime, ben, tu y donnes des raisons illégitimes. Là, on est à leur faire combattre des moulins à vent, des tiques de papier. Toute la crédibilité qu'ils se sont faite avant, ils vont la perdre, là. Fait que, bon, en plus, être contestataire puis être lanceur d'alerte, c'est pas supposé être une profession. Mais eux autres se sont comme installés. Tu sais, si tu regardes Dan Pilon qui Radio Éveil, avec Cossette qui fait ses émissions régulièrement, ils en ont fait, dans le fond, ils ont professionnalisé ça. Puis là, ils ont une auditoire. Puis là, c'est sûr qu'ils sont pris dans une dynamique que là, il y a plus de mesures sanitaires comme il y a quelques mois, mais il faut qu'ils nourrissent quand même le moulin. Les gens s'attendent à ce qu'il y ait une émission régulièrement. Fait que là, il faut qu'ils trouvent un sujet. C'est parce que là, en plus, il y a des affaires par rapport à ce qui se passait au niveau sanitaire que le narratif est tombé, ça se tient plus. Ça serait le temps de garder ça en mémoire puis de revenir en disant, vous aviez dit telle affaire, pasteur, vous dites ça, Puis mais non, au lieu de De faire prendre des les... enquêtes là-dessus. C'est ça, au lieu de prendre les arguments maintenant qu'ils ont, puis qui donneraient une crédibilité, puis qui aideraient pour justement revenir en arrière, puis dire, vous avez fait ça n'a pas de bon sens. Puis de ne pas lâcher le morceau, puis de continuer jusqu'à ce que ça tombe pour pas que ça recommence, parce qu'ils vont finir par recommencer ça. Là, ça va être la grippe aviaire qui est mutée, ça va être ça, parce que ça va revenir. Ben non, à la place, sont attapochés sur des drag queens. Mais oui. Ben là, c'est parce que c'est ridicule. Il y a eu proche 7 000 morts dans les CHSLD. Ils avaient enlevé la vitamine D aux gens. Ils ont tout fait pour que le monde tombe malade puis qu'il meure. C'est évident qu'il y a du monde qui ont fait exprès puis que c'était voulu, puis on le sait c'est quoi, on sait c'est où, ça existe depuis les années 20. C'est de l'eugénisme, puis c'est de l'ingénierie sociale, puis c'est une façon de faire des purges, d'une façon détournée. Puis ça a tout été théorisé, c'est tout connu. Puis là, les preuves sont là. En plus, il y a un paquet d'affaires, des mesures qu'ils admettent que ça n'avait pas de bon sens, étant donné que là, tout est disponible. Il y a des chiffres qui sont sortis. Là, c'est rendu officiel dans certains pays qu'il y a certains des traitements des trois compagnies, là, que ça a tué du monde. Ben non. Au lieu de dire, ben là, toi et Dubé, t'avais dit, c'est celle-là que je veux, puis tout, puis t'avais aucune preuve, puis rien, puis finalement, c'est toi qui étais dans la pratique illégale de la médecine, puis t'étais un criminel. Ben non, ils sont là, ils sont occupés à t'approcher sur des drag queens. Exact. Fait que là, moi, quand je regarde ça, je me dis, du monde comme les lanceurs d'alerte qu'on parlait, puis tout, ça fait rien que moi me confirmer l'idée que dans le fond, c'est des agents, peut-être, du système, puis qui servent à détourner l'énergie de la population puis du public. Tu sais, dans le fond, là, parce que là, ils ont tout là, pour légitimement faire de quoi de solide. Ben, il y a eu Réinfo COVID qui fait pas partie de ce gang-là. Ouais, Si j'ai vous allez plus sur YouTube, confiance. là, ils ont fait des vidéos où ils font l'autopsie de la crise, puis ils reviennent sur certains éléments, sont plus objectifs, puis tu as des scientifiques. Mais c'est dommage, comme tu dis, que les lanceurs d'alerte n'aient pas fait cet exercice-là, d'autant plus que le gouvernement n'a pas voulu faire une commission d'enquête, puis il devrait faire pression pour que ça se fasse sur enquêter toutes les morts dans les résidences de personnes âgées qu'il y a eu cours, Hey, entre autres, au il y a du Québec. monde que je connais qui sont morts. On en connaît toutes. Puis, ben non, là, le débat, c'est les drag queens. J'en ai rien à foutre des drag queens. Chris, c'est une façon de détourner l'énergie et d'occuper le monde. C'est ça, c'est récupérer Fait du que temps là, de cervelle. ben Puis. là après, il envoie Yamalega patente. Puis là, finalement, là, après, les décrypteurs sont là. Vous voyez, oh, c'est des anti-vax convertis en anti-drag queens. Mais s'il y avait. Ben oui, mais pour qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu mords à l'hameçon? Soit c'est des imbéciles, puis ils se font manipuler, puis ils s'en rendent pas compte. Ou finalement, ça vient. Je veux dire, j'ai de la misère à croire, puis c'est tous des universitaires. Supposé du monde intelligent. Mais moi, je l'ai. Dès le début, ça faisait depuis 2014 qu'existait l'heure du compte, puis que ça se parlait. Puis que j'en entendais parler périodiquement, puis tout. Mais quand que ça a été sorti au Québec comme une chimère sortie d'une boîte à surprise, là, puis tout, là, puis là, tous les lanceurs d'alerte sont allés là-dessus, dans les premières affaires, j'ai dit, c'est un piège, ça, là. C'est là pour. Pour les Ben non. discréditer. Ben, Puis ça marche. c'est ça le problème, c'est que ça fonctionne. Fait que là, l'énergie est canalisée vers ça comme menace. Hey, qu'est-ce qui est le plus dommageable pour les enfants d'avoir été pendant 2 ans avec une guenille d'en face à suivre des à pas avoir d'interaction sociale normale, puis à prendre du retard dans leur apprentissage, puis à suivre des astuces de mesures de débiles ou d'aller se faire conter une histoire par Barbada? C'est Tu sais? clair que c'est les mesures sanitaires. Dans le concret, ben, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune qui, à cause des médias, puis bon, à l'école, la peur du virus a fait qu'il a lâché l'école. Il était supposé, ce gars-là, faire des cours à distance, mais comme c'est au début de la pandémie, puis le système n'était pas organisé par rapport à ça, fait qu'il y a eu plein de cafouillages qui a décroché. Il a passé 3 ans sans étudier. Puis, il a perdu du temps, là, à cause de Oui. cette pandémie-là. Ça a amené du décrochage scolaire. Puis, comme on en avait déjà parlé dans le passé, bon, je mettrai une partie de l'enregistrement, là, sur Odyssey, là, parce qu'on aborde des sujets délicats, mais Dans le fond, le préjugé que j'avais à la base, au début de la pandémie, que finalement il allait avoir plus de dommages associés aux mesures sanitaires que le virus en tant que tel, est confirmé. Ben oui, ben c'est ça qu'on avait dit dès le début. Exactement. Puis, c'est bien de valeur, mais finalement, bon, quand je regarde ça, même le retard de développement chez des jeunes enfants, que même il y en a des spécialistes qui avaient sonné l'alarme, Ben oui, il y avait des c'est juste pédiatres au que. Québec qui l'avaient dit au départ, le port du masque chez les Ben jeunes, ça non, allait être ils ont catastrophique. censuré. Hein oui? Puis là, au lieu de revenir là-dessus, puis de peser là-dessus, puis d'appuyer là-dessus, ben non, là, c'est des Barbados le problème. Le problème, c'est François Legault, c'est Christian Dubé, c'est Sirois, c'est la CRAQ, c'est Trudeau, c'est eux autres, c'est pas Barbada. Barbada est inoffensive à côté, il n'y a rien là. Et ils vont s'en remettre, les enfants. Non, c'est ça, Voyons. c'est moindre mal, mais là, on met l'emphase là-dessus, puis on serait le temps des bilans, puis de l'autopsie de la crise, puis de la gestion, mais on le fait pas, cet exercice-là, collectivement. Et c'est sûr que c'est très dommageable, Là, parce que moi, ça risque de ça, se reproduire. je disais l'autre, un des lanceurs d'alerte, c'est un clown, ça, c'est pas sérieux, puis l'autre, c'est un clown, puis tout. Mais on le voit, là, que c'est des Qu'ils clowns. s'en prennent à d'autres clowns déguisés en femmes. Ben oui. Fait que finalement, moi, ça fait que confirmer tout ça, puis je me dis, bon, ben finalement, c'était une opération de détournement de l'énergie de la population, comme j'avais peur que ce soit. Parce que on n'en a pas eu vraiment d'opposition sérieuse. Il n'y en a vraiment pas eu. Non. Puis même, je veux dire, ça a été fait de main de maître. Puis en plus, c'est tout né par du monde qui ont étudié en communication, qui ont étudié en stratégie de marketing, des universitaires. Puis je me dis, crème, ils ont été, soit sont manipulés puis ils s'en rendent pas compte, soit ils ont été mandatés pour ça. Puis là, Ben, il y a eu la firme finalement. McKinsey qui a été mandatée auprès de notre gouvernement puis d'autres gouvernements pour faire la gestion de crise sanitaire à leur place. Puis aller dans le sens d'un agenda où ce que dans chacun pays, c'était le même type de mesures qui étaient proposées, là. Ben, c'est sûr, on le sait dans le fond, c'est quoi qui mène. Je veux dire, moi, à un moment donné, j'ai fait sonner une horloge, puis c'est parce que j'avais tous les éléments pour penser qu'à partir de ce moment-là, on a tous le même gouvernement. Puis c'est ça. Mais c'est un peu comme là, François Legault, il sort des affaires pour son troisième lien, que finalement, ça va être pour du transport en commun, puis tout. Puis là, le chiffre des coûts est clavardé. Puis là, quand les journalistes se demandent, ben oui, mais pourquoi c'est clavardé? Puis tout, le Legault, il est là, ben moi-même, je le sais pas. C'est là qu'on voit des décennies de conditionnement de la population, à quel point ça fait que le monde est complètement endormi parce qu'il devrait même pas être capable de se maintenir en poste, il devrait même pas pouvoir. Oui, ou bien sinon, tu as Éric Kerr qui disait, ah, vous allez avoir les automobilistes sur le troisième lien. Si vous ne l'avez pas, je vais démissionner. Il avait même mis son poste Hein, dans le oui. fond sur la table. Puis naturellement, les gens n'ont pas leur troisième lien. Puis là, il dit, ah, le contexte a changé, c'est plus pareil. À cause du télétravail, les gens prennent moins l'auto pour se déplacer, blablabla. Fait que finalement, inquiète-toi pas qu'ils démissionnent Ben, pas. ils n'ont jamais eu l'intention de le faire, le troisième lien. Ben Sinon, non, ça c'était de la serait poudre déjà en aux yeux. construction. Puis il aurait tout fait C'était plus pour logique, c'est-à-dire absommer un pont. la population de Québec puis de Lévis. C'est sûr que je peux en parler de ce truc-là, des congestions sur les ponts, que ce soit le pont de Québec ou Pierre-Laporte à l'entrée de la ville de Québec, parce que je l'ai connu au fil des ans. Tu sais, je partais, mettons, un vendredi après-midi à 3 h de Québec. Puis ça pouvait être par choc à par choc, là. C'est sur l'autoroute de la capitale pour prendre le pont, c'est très long. Fait que non, il y a un problème de congestion, ils veulent pas le voir. Ils ont dit aux gens ce qu'ils voulaient entendre, qu'elle allait faire un troisième lien pour favoriser une plus grande fluidité routière. Naturellement, une fois au pouvoir, ben là, c'est drôle, ces études-là, ils n'en parlaient pas avant que je sois mis au pouvoir. Là, curieusement, ah non, finalement, selon les études, la science, c'est pas viable. Pendant toutes les années de pandémie qu'on a eues, avec tout l'argent qu'ils ont donné pour des mesures idiotes, puis ils ont donné de l'argent aux médias, puis tout, ils auraient pu en construire un pont. C'est clair. Fait que, dans le fond, c'est parce qu'ils ont des boss, puis c'est eux autres qui décident. Eux autres, c'est juste des mascottes. Fait que, bon, mais c'est bon. Moi, des fois, je me dis. La population est tellement imbécile que je les comprends, de mépriser le monde. Moi, tout à un moment donné, je regarde la population, je me dis, c'est tous des imbéciles. Ils sont là, puis comme si de rien n'était. C'est Ben comme non. Ben, y a un tout ça petit peu de la logique. grogne, parce que un matin, j'écoutais la radio de Québec et j'écoutais Dominique Moret à choix. Puis là, il disait les gens de la population québécoise se sentent trahis, puis tu sais, par rapport au fait qu'il n'y aura pas de J'ai troisième trouvé lien. préparé, ils y ont cru. C'est pour ça qu'ils se sentent trahis. J'ai jamais cru à ça. Moi non plus. Tu sais, leur affaire, là, c'est une affaire de fou, là, de tunnel, là, de double, puis d'une affaire, là, qui tenait pas debout, que c'est évident, que ça n'a pas de bon sens. C'est bien trop exagéré, Chris. Je veux dire, hey, depuis l'Antiquité, les Romains, ils étaient capables de faire des aqueducs puis des ponts. Mais non, non, eux autres, faut que ce soit une affaire de science-fiction, là, Ben, une d'une espèce affaire de fou. de tuyau qui allait passer sur le fleuve Saint-Laurent, entre la rive nord et la rive sud. Ils ne sont pas capables de faire un pont normal. Tu sais, je veux dire, pendant qu'en Chine, ils bâtissent des dizaines de ponts, puis pendant qu'il y a des pays qui étaient considérés comme du tiers-monde, ils sont en train de se développer, puis de bâtir des dizaines de ponts, puis des infrastructures vraiment impressionnantes. Puis toutes, nous autres, là, non, non, on n'est pas capable. On va avoir un retard extraordinaire. Ça va être nous autres plus tard, le tiers-monde, là, si ça continue. Parce que là, c'est bien de valeur, mais c'est pas des technologies. Tu sais, je veux dire, je sais pas si c'était quelque chose de nouveau, mais c'est parce que ça fait des millénaires qu'on est capable de faire des ponts. Je veux dire, c'est pas des affaires tellement complexes, là. Le droit, ben, l'impact environnemental, c'est tous des prétextes tout le temps. L'environnement, c'est devenu l'excuse. Puis c'est comme, on voulait faire une émission avec Mona, mais elle n'avait pas l'électricité. Parce que la ville de Montréal, ils n'ont pas fait les mondages comme il faut. Oui, ça c'est par rapport au verglas qui est Ça a tombé sur le dans le fil. coin du 5 avril, là, où il y a eu C'est plusieurs la jours faute des consécutifs. changements climatiques. C'est tout l'environnement et le climatique, c'est devenu l'excuse pour l'incompétence crasse. Puis, c'est même pas de l'incompétence parce que c'est volontaire. Le but, c'est de faire des études de faisabilité, puis c'est de C'est de ramasser de l'argent, l'aveuglement puis de volontaire. rien faire. Ouais. Ben oui. Fait que finalement, bon, moi, ces affaires-là, ça passe pas, mais la majorité du monde, ça passe. Fait que des fois, je me dis, ben, coudonc, je me demande si je ferais pas comme eux autres. Je veux dire, si le monde sont épais à ce point-là, puis je veux dire, on est vraiment un peuple de sans-dessin. Un peuple de sans-dessin, comme le monsieur qui avait gagné 70 millions, puis il disait qu'il allait prendre cet argent-là pour reconstruire l'Ukraine. Tu sais, j'ai compris de donner des millions à n'importe qui de même, c'est pas dangereux, un cave de même. Tu donnes-lui de l'argent, ils réalisent même pas ce qu'ils disent. Il en parlait une autre madame. Ah, j'ai vu ça dans le journal de Montréal. Ça, même après avoir remporté un gros lot, je pense que c'était 40 millions, elle continuait à aller au Dollarama. Ça changera pas ses habitudes. Ben, moi-même, être milliardaire, je continue. Je garderais pareil pas mal les mêmes habitudes. Mais c'est parce qu'elle, c'était pas par. Elle, c'était vraiment par une sorte de distorsion cognitive. Comme ça, elle réalisait pas, là. Parce que oui, peut-être que je continuerai à faire des petites affaires qui coûtent pas cher, comme je fais, mais à cause d'autres choses aussi. Mais elle était restée enfermée dans son idée de faire son épicerie au Dollarama. Ben oui, ben là, heureusement qu'elle a des millions comme ça, mais qu'elle ait son cancer de manger les cochonneries du Dollarama. Au moins, elle va pouvoir aller au Liechtenstein se faire soigner. C'est parce que c'est tellement. On est tellement. Puis le pire, c'est pas parce que les gens sont pas intelligents. Mais c'est parce qu'ils sont piégés dans des idéologies. Quelqu'un peut avoir un très haut quotient intellectuel, mais si la personne est prisonnière d'une chapelle théorique, elle est pas plus libre, là. Ben, c'est ça. Puis il est là le terrain de la guerre. C'est vraiment là. Fait que donc, c'est sûr que ça. C'est pas parce que les Québécois sont pas intelligents, sont naïfs. Ils sont naïfs, puis ils sont sensibles, sont émotifs, sont faciles à. Donc, on embarque dans tous les pièges, on se fait. Puis, je veux dire, ça fait longtemps que ça dure. Mais Ben oui, mais bon. moi j'ai été abasourdi là, par rapport à la pandémie, dans le sens qu'on se fait traiter vraiment comme des imbéciles, t'sais, infantilisés à l'os, là, t'sais, dire ben tu peux pas sortir après 8 heures, on met un couvre-feu, ensuite le port du masque dans les lieux publics, ensuite tu peux pas aller au restaurant, tu peux pas aller dans les commerces, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire. T'sais, on était vraiment limités. On était traités comme des gens d'une république de bananes. Puis non seulement les gens vont continuer à élire nos politiciens, mais ils en redemandent. Puis moi, c'est ça, j'étais abasourdi là, quand la CAQ a été réélue Ben, l'année passée, là. moi, c'est ça que je prévoyais, là. Ça va être élu, c'est sûr. C'est de voir que même les gens qui trouvent que ça n'a pas d'allure, ils n'osent pas rien dire. Parce que moi, j'ai dit des affaires tellement terribles que j'étais surpris de ne pas avoir de problème. J'ai vraiment dit tout ce que je pensais dès le début, là. Puis je me disais, eh ben, je ne suis pas plus attaqué que ça. Puis tout peut mener, je me disais, j'ai dit. C'est parce que si ici il y a s'il y a le moindre retour, ils doivent avoir des psychologues puis tout, parce que moi je me serais servi de ça pour crier encore plus fort. C'est sûr que Probablement que moi, ça c'est. t'aurait renforcé. Ben oui. Ben Mais oui. Moi, faut que tu m'ignores, hein. Faut que tu fasses comme si j'existais pas. Puis on dirait qu'ils ont compris ça. Ben, je fais bien moins de dommages de même. ben, c'est Mais sûr que si je. les décrypteurs auraient parlé en mal de toi, là, un peu comme les lanceurs d'alerte là, qui ont été critiqués parce que ça prenait nos drag queens, là, tu as eu de la visibilité médiatique. Ouais. Puis en plus, moi, je serais allé me donner. J'aurais considéré j'ai un droit de réponse, puis j'aurais fait le tour. Puis là, je dis là, je veux que ça soit. T'sais, je veux pas un montage, là. Puis je vais contre-filmer, là. Ben, il aurait fallu que tu fasses comme André Arthur. André Arthur avait dit, parce que André Arthur était de droite, puis les gens, tout le monde en parle plus de gauche. Lui, il aurait dit, ça me fait plaisir de venir à votre émission, mais j'ai une seule condition. C'est que mon passage doit être en direct, pas le droit de montage, puis ils n'ont jamais voulu. Ben, c'est sûr qu'ils veulent pas. Mais le Doc Mayhew s'était fait avoir parce qu'il avait Ouais. accepté d'aller à l'émission, il ne l'aimait pas déjà à la base. Hey, Puis là, le pire, c'est que quand j'avais vu qu'il y allait, je dis, ben là, il va se faire il va se ramasser. faire démolir. Fait que là, lui, il peut parler avec eux autres pendant 2 heures de temps, mais ils vont garder un extrait, peut-être entre 5 et 15 minutes au maximum. Il a eu l'air d'un écœurant. Ben oui, ben c'est ça, ils ont pris des extraits, puis ils ont fait un montage Où de manière à le discréditer. est-ce qu'il y a? Ben, il y a un noir qui m'amène des prunes. Oh. Ah, j'ai des études qui sont dans mon auto. Ben oui, parce Moi, qu'il tu sais, avait genre. déclaré que les Noirs avaient un quotient intellectuel moindre que les Blancs. Ben, le pire, c'est qu'il n'a jamais déclaré ça. Il y avait un contexte à ce qu'il disait. Ben, en fait, il disait que ça s'appuyait sur des études qui étaient enseignées en faculté de psychoéducation à l'Université québécoise. Ouais, mais lui, ce qui passe au niveau du contexte sociologique. À cause qu'il y aurait eu une sélection. Puis là, qu'il y Artificielle avait qui eu avait des été études, faite, puis ouais. ben voilà. Donc, c'était pas une assertion de règle générale, ce qu'il disait, mais ils l'ont présenté comme tel. Fait que, dans ce temps-là, quand tu le sais que tu n'auras pas possibilité de mettre toutes les subtilités de ce que tu as à dire, t'es mieux de rien dire. C'était Exactement. des pièges, je veux dire, c'était C'était un vraiment plage gros, quoi. flagrant. T'sais, la minute où Alexis Cossette, à un moment donné, il avait accordé une entrevue à une personne de Radio-Canada, puis il s'est fait avoir parce qu'ils ont pris un de ses extraits pour le discréditer. Puis ils ont mis ça en montage avec d'autres extraits de ses émissions là, qu'il y a sur le web. Fait que c'est sûr qu'il s'est fait prendre à plusieurs reprises par les décrypteurs, là. Puis il a été, Ouais, moi, mais lui, des fois, je me demande si c'est pas. un agent du système. Ben, des fois, on se pose la question. Moi, en tout Oui. cas, je me pose la question. Je pense que c'est légitime qu'on se pose la question. Exact. Mais parce que il reste que, bon, quand on sait, regarde le FLQ, puis bon, c'était une opération. La GRC, il savait, il était où, Pierre Laporte. Ça finit par être déclassifié, puis. Donc, les gens qui étaient dans l'FLQ, ils étaient un petit peu, qu'ils en soient conscients ou pas, ils ont servi à. Puis là, comme prétexte, faire les mesures de guerre, puis bon. Puis lui, c'est le fils de. Bon, ben moi, je sais pas. Je sais pas. Parce que quand on regarde au niveau de l'histoire, c'est souvent de famille. Hein. Je veux dire, quand tu es un agent d'opération, puis tout, c'est souvent de famille. Puis. En tout cas, c'est sûr que quand je regarde ça, je me dis, je trouve ça bizarre. Moi, que le père, c'était un militantiste gauchiste communiste qui s'est allé se cacher à Cuba, mais le fils serait un conservateur de droite bouddhiste tibétain. Puis, tu sais, il y a un paquet d'affaires qui font que je regarde ça, je dis que c'est ça. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on voit une bébite de même, là. Le Tu sais, bout. c'est comme un crabe avec des pattes de grenouille puis une tête de chèvre. Tu te dis que c'est ça. C'est quoi cette chimère-là? C'est donc bien bizarre. C'est peut-être un agent double. Mais je me dis, c'est possible et tout qu'il est sincère. Ben, le gars, il est super intelligent, il est super instruit, mais Oui. il est peut-être inconscient. C'est Ben, ça j'en l'ironie ai du vu en sort. masse de ça. Il y en a en masse. Comme il y a du monde très conscient, mais ils n'ont pas d'instruction. Puis ils n'ont pas la capacité d'articuler ou de verbaliser un contenu, là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est un communicateur, mais c'est pas, tu peux être un bon communicateur puis être inconscient. Oui, exactement. Ça, les deux vont pas nécessairement de pair. Moi, c'est sûr que la critique que je fais à Alexis Cossette, c'est rester, dans le fond, attaché à la mythologie trumpienne que je vais appeler, dans le sens que Donald Trump, il va revenir au pouvoir, c'est comme il va nous sauver, il va nous libérer du deep state, etc. Pour moi, c'est comme une espèce de mirage ou une espèce de piège là, à con, dans le sens que les gens mettent leur espoir là-dedans, puis de voir lui une forme de sauveur comme un archétype comme Jésus-Christ, là. Ben oui, puis je veux dire, moi, tout ce qui vient des Américains, j'ai pas confiance. Parce que c'est des. Son maître dans cet art-là, de te mettre des rôles, puis d'antagoniser, puis de faire des opérations comme ça. Ils sont vraiment en maître là-dedans. Puis c'est une expertise, entre autres, qui ont. C'est dans leur sang, je veux dire, c'est comme en Angleterre, dans le temps de William Cecil, puis la façon qu'ils ont de gouverner. Puis, sont vraiment. Quand t'es ta propre opposition, puis ces jeux-là, puis comme John Dee, que le monde pense que John Dee, c'est un occultiste, alors que John Dee, c'est un spécialiste de la cryptographie, puis des messages secrets, c'est un spécialiste de la politique. C'était vraiment des opérations de communication, puis, mais encore aujourd'hui, le monde y pense que c'est un magicien. Mais. T'sais, elle a l'espèce de mythologie. Ben c'est comme système de John Dee. Le monde, il pense communiquer avec les anges. Les systèmes de John Dee, c'est pour faire de la cryptographie puis faire des encryptages de messages secrets. Avec un système comme ça, tu peux publier un article dans le journal, puis quelqu'un qui a la clé, il va être capable de lire. Tu peux communiquer avec tes agents partout dans le monde. Mais. C'est de faire passer pour. C'est tout le temps des jeux comme ça. Alors regarde toutes les. Comme les gars de RBO. Oui. Les gars de RBO, ils n'ont pas étudié à l'École nationale de l'humour. C'est du monde qui ont étudié en communication avec. Comment il s'appelait lui, là, celui-là, que Pierre Bourgault. Puis Chantal Franque. Son métier principal, c'est d'écrire des discours politiques. Ah, je savais pas. Fait que c'est des affaires. Elle a été dans des. Elle a été conseillère au niveau de la communication pour des politiciens. Pis. Le monde, et c'est pas ça qu'ils regardent. Mais on a affaire à du monde, pas nécessairement qui sont tellement brillants, mais ils sont compétents. Très compétents. Puis, même, moi, je considère que quand ils ont fait comme les affaires sur Alexis, là, les journalistes, puis tout, dans le fond, moi, dès qu'un lanceur d'alerte est dans le journal, même si c'est pour le dénigrer, je trouve ça suspect, parce que par rapport à la psychologie inversée, c'est comme ils mettent de l'avant, puis ils font de la pub. Donc, si on fait de la publicité pour quelqu'un, c'est parce qu'on sait que les gens qui sont rebelles, qui vont lire le journal, peuvent adhérer à son discours, d'où l'intérêt de contrôler le discours, que ce ne soit pas une menace réelle pour amener un changement au second niveau du système. Il y a un enfant, je me suis rendu compte avec le temps, quand tu es réellement dangereux, il t'attaque même pas. Ils parlent pas de toi, ils te jettent l'oubli. C'est ça. Donc, probablement qu'on parlera jamais de toi à TVA. Ben, j'espère que non. Parce que si Parce que on parle de toi, ça moi-même, je me va. mettrais à voir des doutes. Ben, c'est ça. C'est parce que là, si on parlerait de toi à TVA ou dans les médias de masse, ça confirmerait que dans le fond, tu serais inoffensif. Ben oui. Ben, finalement, je m'ai dû me planter. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais il reste que des fois, il y a l'énergie du désespoir. Ça arrive des fois qu'ils paniquent. Là, tout d'un coup, ils vont attaquer quelqu'un. Mais habituellement, ça va être fait d'une façon rapide, désordonnée. Mais ça arrive. Mais c'est pour ça que, comme la pseudo-dissidence qu'il y avait eu en France, comme Dieudonné, puis Alain Soral, j'y ai jamais cru. J'ai jamais cru. J'ai tout le temps pensé que c'était des, dans le fond, qui avaient été choisis. Parce que, comme le sketch qu'il y avait eu avec Dieudonné, qui critiquait les colons israéliens puis tout, je trouvais que ça avait l'air voulu. Parce que sinon, il l'aurait même pas laissé passer. Puis là, ça, c'était l'élément pour faire le scandale, pour que lui, il quitte le médiatique grande surface, puis là, qu'il tombe plus underground, puis là, c'est aller servir d'opération pour récupérer des dissidences. Puis même la première fois que j'ai parlé, c'est quoi une fausse dissidence? C'est le premier exemple qui m'est venu, c'était eux autres. Parce que c'est vraiment à ça qu'ils ont servi. Puis là, quand j'avais parlé de quelqu'un autour de l'entourage de Brigitte Macron qui avait un projet de rebâtir Notre-Dame de Paris avec une grosse verge bleue, là, puis des couilles en or. Puis là, il y a quelqu'un qui m'était arrivé, puis disait, ah, ben ça, c'était une fake news, puis tout. Puis là, par après, genre, ouais, c'est une fake news. Moi, j'étais sûr parce que ça avait sorti dans un livre, Roselyne Bachelot, je pense, il me semble. Puis, en tout cas, ça avait l'air réel. Ça venait pas de Brigitte Macron personnellement, mais ça, c'était du monde autour d'elle. Puis, c'était un projet qui avait réellement été soumis. Puis, moi, en tout cas, quand je n'avais parlé, c'est parce que j'étais sûr. Puis, finalement, la personne, elle me dit, ouais, c'est une fake news. Il paraît, je l'ai su en parlant avec du monde autour de Dieudonné. Ah, oui. Ah, oui, le monde autour de Dieudonné. C'est des références. Ben voyons donc. Je pense qu'il a fait plus d'argent en étant dissident, puis en étant lanceur en étant dehors du système que quand il était dedans. Tu sais, puis c'est pareil, l'autre, là, le Suisse, là, Soral. Puis là, même, oh, il est tout le temps une victime persécutée, puis tout, mais il reste, c'est ça, sa job. C'est un peu comme c'est ta job d'être une victime, puis c'est avec ça que tu fais de l'argent. Je comprends pas, là. Puis c'est aussi tout ce qui était mis de l'avant dans sa carrière avant en tant qu'idéologue. Puis non, moi, ils n'ont jamais eu aucune crédibilité, mais vraiment aucune, parce que je les ai tout le temps vus comme une fausse dissidence. Puis à mes yeux, c'est des agents des États-Unis. Puis de tout ce qui est lié à eux autres, c'est-à-dire les services anglais, les services israéliens, ces affaires-là. Puis je le sais que c'est de même, ça marche dans le fond, puis c'est tout est par en dessous tout le temps. C'est un peu comme dans le temps, les Taiping en Chine, il y avait eu une révolte des chrétiens, mais le chef des Taiping, lui, il avait été formé par des protestants allemands et anglais. Ça a fait une des guerres civiles qui a fait le plus de morts en Chine. C'était fait pour affaiblir les régimes dans ce temps-là. Puis finalement, ça a très bien marché, mais juste le fait que c'est clair que ça a été financé de l'extérieur. Puis moi, j'ai bien de la misère à comprendre comment ça se fait que les Taiping, tout d'un coup, il apparaît une secte chrétienne en Chine. Le gars, il dit qu'il a vu Dieu. Puis il a l'air d'un agent genre brainwashé, là. Je veux dire, c'est pas logique ce qu'il dit. Ça se tient pas. Puis là, t'apprends que lui, il a étudié la Bible avec des missionnaires anglais puis allemands. Puis La première fois que je me suis intéressé à ça, la révolte des Taiping, j'ai trouvé ça tellement bizarre. Puis c'est la guerre civile qui a fait le plus de morts dans toute l'histoire. Mais juste parce que moi, je connais pas tellement cet incident historique, c'est-tu des catholiques qui se sont révoltés contre des gens de d'autres croyances ou C'était pas des catholiques. des chrétiens? Ben, eux autres, ils se révoltaient contre le régime de l'impératrice Tsé-Hui, dans le fond. Mais c'était Mais une ça. révolte à caractère religieux dans le sens des Oui. chrétiens qui se révoltent contre des confucianistes, par exemple? Oui. OK. Mais il y avait aussi des revendications politiques. Comme si le régime qui était. C'est vrai que c'était rough, le régime du temps. Mais ils ont fait miroiter aux Chinois la possibilité de devenir des. En tout cas, un peu comme le communisme, dans le fond, c'est-à-dire un idéal qui tenait pas debout. Puis le monde a cru à ça. Mais il y a aussi que c'était un régime qui était dur. Puis ils ont profité de la pauvreté puis de la misère du monde pour leur jouer dans la tête, dans le fond. Tellement qu'ils ont réussi à prendre du territoire puis à créer des zones indépendantes. Puis ils ont jusqu'à un certain point développé un peu l'économie, ce qui fait que pendant un certain temps, ça marchait. Mais c'est un peu comme l'histoire de la Corée du Nord puis la Corée du Sud. La plupart du monde, ils savent pas ça, mais après la guerre de Corée, le régime qui avait été mis en place par les Américains en Corée du Sud était 100 fois pire que ce qu'il y avait en Corée du Nord, tellement que le monde, il se sauvait de Corée du Sud pour il se sauver en Corée du Nord. Mais la Corée du Sud, à ce moment-là, c'était pas une dictature. Ben oui, les Américains, ils ont mis en place un bonhomme, je me rappelle plus de son nom, mais c'était une OK. dictature, la Corée du Sud. Mais si c'était 100 fois pire, pourquoi que par la suite, ils ont connu un essor économique plus grand que la Corée du Nord? Parce qu'à un moment donné, ça a reviré, comme. OK. La Corée du Nord, il y a eu différents. Il y a eu, entre autres, des troubles. Eux autres, c'était de développer le minerai de fer, des affaires de mer. Mais il y a eu des troubles de climat, puis toutes les récoltes. Puis finalement, bon, c'était Kim Il-sung au début, en Corée du Nord. Puis lui, il avait été choisi par les Soviétiques. Mais finalement, en tout cas, des concours de circonstances font que la Corée du Sud s'est par la suite mieux développée que la Corée du Nord, puis la Corée du Nord est devenue une sorte de dictature fermée sur elle-même. Mais il reste que c'est très étrange comment que ça s'est passé. Mais encore aujourd'hui, les gens voient la Corée du Sud comme un succès un peu que de la démocratie à l'occidentale, puis tout, alors que des compagnies comme Samsung. La compagnie Samsung, ça appartient au gouvernement sud-coréen. C'est pas un particulier qui est parti ça. Dans le fond, c'est une sorte de capitalisme, mais genre communiste quasiment. C'est un peu comme Kia. Kia, c'est une société d'État, comme Samsung. Puis Samsung a servi au service américain à faire de l'espionnage. À un moment donné, il y a eu un scandale, les premières TV à écran plat Samsung, parce qu'il y avait un micro intégré Ouais, là-dedans. qu'ils pouvaient capter qu'est-ce qui se passait proche de la Oh TV. oui, ça pouvait servir à espionner le monde dans leur maison. Mais c'est de comprendre que même si les Sud-Coréens, quand tu vas à Séoul, par exemple, tu as des restaurants où c'est écrit pas d'étrangers, puis tout, puis ont l'air raciste des Occidentaux, puis tout, en fait, la Corée du Sud est complètement contrôlée par les Américains. C'est un État américain quasiment. Puis l'essor qu'ils ont, la Corée du Sud, puis tout, c'est tout lié aux Américains. Puis dans le fond, c'est un pion dans le Pacifique. Puis, mais il reste que quand on regarde ça après, d'ici, là, on ne se rend pas compte de ça. Parce que moi, Mais la la Corée du vision Sud. que j'en avais de la Corée du Sud versus la Corée du Nord, c'est un petit peu comme l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest lors de la période où il y avait le rideau de fer qui séparait les deux. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait l'Allemagne de l'Ouest qui était associée aux pays capitalistes et de l'Est associée à la Russie communiste, Ah oui, mais l'URSS. pourtant, ben c'est comme la Corée du Nord. Oui, c'est une dictature, puis oui, il y a eu des famines, puis oui, c'est autoritaire, puis c'est épouvantable, mais il reste que il y a une partie de ce qu'on nous dit que, d'après moi, c'est pas vrai. J'ai bien de la misère à y croire. À un moment donné, je m'intéressais au textile, puis j'avais pensé à peut-être faire des affaires, peut-être avec la Corée, faire venir de la soie de Corée, puis tout. Ça a l'air bien mieux de faire affaire avec la Corée du Nord, dans le fond. Admettons que tu veux faire venir des gros ballots de soie. Mais il reste que ce qui va faire que ça va être compliqué, puis tout, c'est les normes, des règlements internationaux par rapport aux douanes, puis les affaires, puis ici, puis ça, puis ça finit plus. Dans le fond, ils ont été empêchés de se développer à l'international bien plus qu'ils sont renfermés sur eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est une dictature, la Corée du Nord. Mais la Corée du Sud aussi, c'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que ça nous est vendu comme c'est moderne, puis. Les gens ont un niveau de vie élevé par rapport au secteur. Oui, tandis que c'est une société, au niveau de la mentalité, ils sont très arriérés. Mais ils ont le K-pop, la musique en Asie là, avec Gangnam Style puis d'autres Ben, chansons là. dans le fond, c'est le modèle américain. Parce que la K-pop, c'est un peu comme les boys bands américains. Puis le modèle de ça, ben, c'est comme les Beatles. Fait que dans le fond, c'est de la propagande à l'anglo-saxon, là. Mais quand on regarde le produit, on se rend compte que c'est vide, puis c'est de la marde. Il n'y a personne qui va me faire à croire que c'est merveilleux, le K-pop. De toute façon, je connais pas ça. Mais il reste que c'est de l'hostie de marde, tant qu'à moi. C'est sûr que c'est du vide, puis que c'est De un produit. consommation. Ben, c'est ça. Ben, c'est un peu comme le Japon. Après la Deuxième Guerre mondiale, là, ils deviennent sous contrôle américain. Puis là, ce qui s'était développé aux États-Unis, comme par exemple dans la culture américaine, tu avais les bandes dessinées, comme tu avais dans les années 30, tu avais Superman, ces affaires-là, qu'entre autres, ça sert à faire de la propagande, ces affaires-là, mais c'est bien subtil, c'est de Ben, l'idéologie quoique des du fois, c'est pas surhomme. tellement Dans le fond, su... c'est nazi. Ouais, mais des fois, c'est pas tellement si subtil que ça. Si tu penses à Capitaine America, Oh, ben là, Capitaine Amérique, qui était un personnage de bande dessinée, qui a le ben, drapeau check. américain. Les super-héros, là, c'est du transhumanisme. Carrément. En tout cas, ce qui Oui, est dans beaucoup de derrière, cas, là, en effet. Oui. ouais, une industrialisation de l'humain. Bon, ben, tu regardes au Japon, la culture, puis tout, ils ont pris les estampes. Il y avait au Japon un mélange entre ce qu'on appelle les romans de héros qu'il y avait en Chine. Puis là, il y avait les affaires d'estampes, puis tout. Puis là, il y a eu une américanisation, les bandes dessinées, puis tout. Puis ça a créé les mangas, puis les dessins animés. Mais c'est comme le K-pop en Corée du Sud, c'est-à-dire que c'est de l'hostie de marde. Mais ça, c'est lié à une américanisation du Japon. Les stratégies commerciales sont américaines. Puis c'est Ah oui, c'est du d'exporter gros une culture. mercantilisme là, avec la mode des mangas, puis le phénomène social des otaku, qui est à mon avis une destruction de la jeunesse au Japon, dans le sens que d'amener des jeunes à normaliser à travers la culture du numérique, puis passer leur journée devant l'ordinateur, à être chez eux tout seul, puis à regarder des vidéos ou lire des mangas, pour moi c'est très malsain comme mode de vie, là. Oh oui, les Américains ils ont détruit la Corée du Sud, ils ont détruit le Japon. Mais c'est très subtil. C'est une Ben, des fois, soumission pas par. autant que ça. Je te donne un exemple. La quantité d'obèses au Japon suite à l'arrivée des Américains au cours des dernières décennies a augmenté. Tu sais, au Japon, il y a plein de McDonald's puis de la malbouffe à l'américaine. Fait que ça se voit, là. Les gens qui étaient des pêcheurs autrefois au Japon, essentiellement avant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient minces, où tu avais, par exemple, des centenaires à Okinawa qui sont réputés pour ça. Là, tu te ramasses avec une population remplie d'obèses comme aux États-Unis aujourd'hui. Moi, ben là, peut-être pas Pas autant, autant, là. j'exagère un peu, mais avant, il n'y avait pas d'obèses. Puis là, j'avais vu un reportage qui disait que le nombre d'obèses au Japon a augmenté drastiquement là, suite à l'adoption Ben, des modes de vie sont alimentaires inactifs. américains. Ben, c'est ça, Ben. c'est tout le monde, comme les otaku que je te parle, ils passent la journée, les jeunes, tout seuls devant l'ordi. Ben oui. Puis ils ne bougent pas, ils font pas de sport. Mais les Américains, ils ont castré le Japon. Comme, ils ont pas le droit d'avoir. Ils ont le droit d'avoir une armée d'autodéfense. Mais ils n'ont plus le droit d'avoir d'armée. Puis là, ils sont là à essayer de nous faire peur avec les Chinois, puis avec la Corée du Nord. Puis si les Américains y avaient tellement peur de la Chine, puis de la Corée du Nord, ils réarmeraient le Japon, ils laisseraient les Japonais se réarmer, puis se faire une vraie armée. Et c'est comme toutes les bases, les trois quarts des bases militaires au Japon, c'est des bases américaines. D'ailleurs, l'île d'Okinawa, c'est des bases américaines. Puis les Japonais, les nationalistes japonais, on n'en entend jamais parler, mais eux autres sont plus capables. Tu sais, je veux dire, les Japonais nationalistes sont très, très, très, très japonais, là. Genre, sont une race supérieure, puis bon, c'est un petit peu comme les nazis de l'Asie. Mais il reste qu'ils ont beau essayer de faire de la pression pour que mais les élus japonais, c'est des traîtres. C'est des traîtres. Dans le fond, c'est des pions des Américains. Les Américains contrôlent tout le Pacifique. Puis là, dernièrement, c'est quoi dont j'ai vu? Je pense que c'est Pereira qui disait, il dit, oh, la Chine, c'est des sous-traitants. C'est pas un vrai ennemi, c'est des sous-traitants. Je regardais ça, je me disais, ah, où c'est qu'il a pris ça? Il n'avait pas pris ça de moi nécessairement, même si je dis la même affaire. Mais c'est parce que c'est l'évidence même. C'est pas des choses, c'est pas des réalités qui devraient, je veux dire, c'est pas des vérités fracassantes, là. On a juste à observer comme faux ce qui se passe. Puis finalement, on le voit que. Qu'est-ce qui fait que la Chine est une menace pour Taïwan puis pour le Japon? C'est parce que ça fait l'affaire des Américains, ben, de l'Occident, dans le fond. Puis, bon, là, la Corée du Nord, ils envoient des missiles au-dessus du Japon. Puis là, au Japon, ils partent Les sirènes les anti-missiles. sirènes. Mais ça vient justifier d'un gouvernement japonais de traîtres. C'est des traîtres. C'est tous des traîtres. Autant que ce qu'on a nous autres au Ouais, François pouvoir. Legault, là, ou Erika qui a trahi la population en leur faisant miroiter le troisième lien, puis une fois au pouvoir, non seulement il ne l'accomplit pas, mais il démissionne pas comme s'est engagé à le faire. Ben oui, ben là, ils sont bons pour pas tenir leurs promesses, là. En tout cas, moi, je vais devoir arrêter, là. Oui, bien sûr, moi aussi. Et en terminant, je voulais juste compléter avec une question. En fait, si tu avais un enfant, est-ce que tu le ferais baptiser pour qu'il soit membre de la religion catholique? Oui. Ben Pourquoi? oui. Pour des raisons administratives, entre autres. Parce que t'es un baptistère, ça fait un document qui peut régler bien des problèmes. Ça fait une preuve de plus. D'identité en plus du Ouais. certificat à l'état civil. Ben oui. Non, le baptistère, ça peut servir là, comme document. Moi, j'ai le mien. Je le garde. Je suis pas confirmé, mais je garde mon baptistère. Ben OK. oui, je le ferais baptiser, pas aussi pour la famille, Ben, je te pose la question parce que naturellement, dans les prochains jours, je vais faire baptiser ma fille, mais t'sais, bon, c'est ma compagne qui ça lui faisait plaisir, ses parents aussi. Mais dans le fond, moi, c'est sûr que je suis très critique par rapport à la religion autant que par rapport au mouvement woke. Quoique, avec le temps, je trouve que la religion finalement catholique qu'on a connue au Québec, c'est peut-être un moindre mal à comparer l'idéologie woke là, qu'on cherche à nous faire rentrer de force. Ben oui, c'est sûr. Dans le fond, ben, comme je te disais, le catholicisme, on peut être critique, mais ça servait à construire pareil. Tandis que le woke, je pense pas qu'on puisse construire de la déconstruction. Puis au moins, ben, eux autres, en tout cas, il n'y a pas de cérémonie là, de. Ben oui, je le ferai baptiser. Parce que le baptistère, bon. J'ai plus de misère, moi, avec l'idée de faire venir la carte d'assurance sociale. Ça, j'aime moins ça. Mais j'ai rien contre Dans le fond, si ton enfant, plus tard, il est pas d'accord, il a juste à pas se faire confirmer. Exactement. C'est sûr que par rapport à ce sujet-là, moi, j'étais plutôt d'avis que je vais attendre que notre fille soit en âge de comprendre et de raison pour faire un choix libre et éclairé, plutôt que ce soit imposé par la famille qui cherche à faire pression. Mais bon, c'est sûr qu'en tant que telle, elle n'est pas consciente vraiment de ce qui se passe, fait que ça n'en souffre pas, puis ça sera Ben, au. tu sais, que ça soit irréel ou pas, ce qu'il y a derrière, ça prête pas tant que ça à conséquence, là. C'est pas comme une circoncision, là. Oui, exactement. Que là, tu peux pas revenir habituellement en arrière, là, je veux dire, quand c'est fait. Tu peux pas Ouais. remettre la peau qui est enlevée, là. Tandis que Sais, je trouve ça pire, ça, là. c'est plus intrusif. Ben, malgré que, bon, les filles se font pas circoncire, là, mais il reste que, Ben, bon. il y a des rituels culturels pour les filles qui sont plus dommageables. Prenons par exemple les femmes qui se font couper le clitoris là, en Afrique, là. Ouais, ben, ce qui est surprenant, mais ça, c'est sûr, c'est pas quand l'enfant est bébé, là, c'est plus tard. Mais c'est une tradition qui est souvent perpétuée par des femmes. Oui, exactement. L'ironie Fait du que, sort, fait que la mutilation génitale par les femmes, ben, c'est comme la castration de la compétition. Je le vois un peu de même, là. Inconsciemment, qu'on dirait, là. ah, pour enlever la rivalité féminine Ouais. potentielle. Parce que le Doc Mayhew disait, on parlait de lui tantôt, il n'y a rien de pire que la rivalité entre deux femmes. Une femme puis un homme, c'est une chose, deux hommes entre eux, c'est autre chose, mais deux femmes, là, lui disait, il n'y a rien de pire que ça. Ben, je l'ai déjà vu comme de la compétition entre hommes. Des fois, ça va y avoir une certaine camaraderie, puis ça va être bon enfant, pareil. Mais des fois, j'ai entendu des femmes parler dans le dos d'autres femmes, puis c'était pas pareil, là. Je sais pas, ça joue plus rough, je trouve. Ben, en fait, la compétition avec les hommes, souvent, c'est plus explicite. Les gens vont être directs entre eux, ils vont s'insulter, tandis que dans le domaine féminin, c'est plus hypocrite ou indirect. Ouais. C'est plus Ben souterrain. oui. Ben oui, souvent, mettons, t'as un problème avec un homme, tu vas aller dire souvent, ou bien s'il s'informe, il va l'apprendre, mais les femmes, il y a de l'hypocrisie, on dirait. Puis c'est plus sournois. Mais c'est comme je me rappelle à l'école, moi je trouvais que par rapport à l'intimidation, je trouvais les filles pires entre elles. Puis bon, mais c'est ça. Bon, en tout cas, c'est peut-être plus insidieux. Exactement, quoi qu'il en soit, ben c'est ça. Ma fille va probablement être baptisée dans les prochains jours. Et puis, bon, je m'inquiète pas outre mesure là, par rapport à ça, là. Ben non, ça peut pas. Disons que c'est pas dangereux. Non, exactement. Fait que bon, je vais compléter avec toi cet enregistrement. En terminant, je rappelle aux gens qui nous écoutent que si vous voulez entendre d'autres enregistrements de Bertol, ben il y en a plusieurs sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Vous pouvez aller également sur sa chaîne aussi où il y en a plusieurs, ou même de Supramental Bertol où il y en a plusieurs centaines d'extraits. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient tous les enregistrements que je produis au fil des ans, sur YouTube. D'ailleurs, vous en avez un peu plus de 600 dans mon audiothèque, dans le fond, sur archive.org, ou qui sont entreposés. Bien, vous êtes les bienvenus, là, naturellement, pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés qui sont Interac et PayPal, dont vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement. Et comme à l'habitude, je te remercie là, pour le temps que tu as consacré pour cet entretien, Berthold. Oh ben merci à toi aussi. Excellent, donc à bientôt.